IKEA. C'est terminé. Eh oui, quelle défaite. Bah, tu vas où? Bah, faire un gratin. Voilà, j'en ai besoin. À 16h? Cuisiner, ça détend. Surtout quand IKEA vous offre jusqu'à 400 euros de réduction immédiate sur votre électroménager pour l'achat d'une cuisine méthode d'une valeur minimum de 2000 euros hors électroménager et luminaire. Offre valable jusqu'au 9 septembre avec la carte gratuite IKEA Family. Conditions sur IKEA.fr. J'ai senti un truc. Je me suis demandé ce que c'était. Je viens de vivre un truc absolument dingue. Oyez, tas de bâtards! Je vais chier sur la moquette. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère! Si vous aviez l'un, vous aviez l'autre, le vagin et le pénis. Flaubert, Adrien Méniel. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle, hein, de toute façon. Oui! Oh là là! Bonsoir! Bonjour c'est à possible. Tous! Bonjour! Qui peut s'asseoir à ma table déjà? C'est la première chose. Je vous pose la question. On est quatre. Vous êtes tous là? Vous êtes assis à ma table? Ouais, ça me fait très plaisir. On fait pas des podcasts, nous? Je crois que vous faites des podcasts. Merci, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Floodcast. Il s'agit du numéro 14. C'est ça, c'est le 14e. C'est le 14e? 14e épisode de Floodcast avec, comme à l'accoutumée, quatre invités autour de la table pour m'accompagner. Tout d'abord, Anna Apter. Oui, bravo. Je peux m'applaudir? Applaudis-toi, bien j'en supplie. Bien sûr. C'est, Apter ou Apter, je ne sais jamais. Apter. Apter, comme un collé Apter. Comme un collé Apter. Anna, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Alors déjà, je doute fortement qu'on ne me connaisse pas. Oui, mais bon, on ne sait jamais. Alors, je suis Anna, je suis comédienne et auteure et je travaille chez Golden Moustache, entre autres. Avec Laura qui était venue te voir. Elle était passée dans dans le podcast avec Jo Cohen et Jérémy Galland. Exactement, c'était très drôle. Car vous faites partie du binôme Anna et Laura, Anna que et l'on Laura. Peut voir entre autres sur Golden Moustache. Exactement. Tout simplement. Laura avait oublié de te mentionner dans son intro. Et d'ailleurs, je lui rappelle que c'est une grosse. elle peut se le prendre dans la gueule. Voilà. Nous sommes également avec Marjorie Lenoir. Bravo. Bonsoir. T'as hésité je à t'applaudir sans vergogne. Marjorie, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Eh bien, je suis également comédienne, auteure et vidéaste. Un peu insomniaque aussi. Oh non, en ce moment-là ça va mieux en ce moment. Ah, ça va. Sinon, un petit médicament, Adrien, à consommer quand on est insomniaque? Se branler, moi. Personnellement, c'est vraiment ça. Donc, tu vas aller chez... Merci du conseil. Et bah, allez chez vos pharmaciens et demandez ça. Non, c'est l'inverse. Ah, c'est nous-mêmes, pardon, autant pour moi. Nous sommes également avec Lucien Men. Oh là là. Est-ce qu'on peut avoir un jingle? Bien sûr. Ah oui. Donc on me lance sur des trucs. peut-être que les gens arrêteront de dire c'est stupé flip le générique. Ah, j'avais pas compris. Oui. Ah mais putain, il faut que quelqu'un fasse le. Lucien. Ah ça y est, je le remets direct. Lucien. Ah oh, ça me fait une émotion. J'ai mis du temps à comprendre ce que tu me demandais. Je suis navré. J'ai compris au deuxième Lucien que t'as chanté moi. Donc vraiment j'étais complètement à la masse. Lucien, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent? Oui, peut-être bonsoir également. Mais je m'appelle. Tu es un habitué de la maison. J'ai toujours rêvé de le dire. Ouais. Je commence à faire partie des murs. Il fait partie des meubles. C'est ça. Bah, ça me fait plaisir. Je suis. Tu démarres. Attention, il y a Adrien qui démarre en côte. Tu peux démarrer. Ouais, c'est la passe la seconde. Oh, crazy frog. Oui, je suis acteur, auteur et j'ai designé l'emoji aigle. C'est toi? Ah, c'est toi, ouais. Putain. Ouais. C'est incroyable. J'en suis un peu fier. Tu as également une chaîne YouTube. Également, oui, c'est vrai. Qui cartonne, on peut le dire. Attends. Non, j'en suis content. J'en suis content. Et tu as sorti un sketch il y a pas longtemps qui s'appelle La Galette des Rois. Absolument. Très très cool. Oui, un sketch de saison. Ouais, donc on parle beaucoup plus de Lucien que nous deux finalement. Ça va, je replace un petit peu. Je suis un habitué. Ça ne c'est un homme. Surtout, c'est un homme. Voilà. Voilà. Je suis blanc, donc j'ai quand même pas mal de privilèges. Excusez-moi, pardon. Non, excusez-moi. Attendez, on va se mettre d'accord, ok? Nous sommes également avec. Vous le connaissez? Il est là toutes les émissions maintenant, quasiment. Attends, est-ce qu'il y a une balle qui va partir là? Non, mais alors là, je préfère vous dire tout de suite, cachez-vous sous les meubles si vous voulez pas vous faire buter. Je vous le dis tout de suite. Même si vous êtes à des milliers de mètres de lui, planquez-vous. Ah ouais. Il s'agit d'Adrien Méniel. Ça me fait mal. J'ai une ampoule à la main et à chaque fois que j'applaudis, je me fais très mal. Voilà. Heureusement qu'on a fini les présentations. Je voulais vous le dire. Tu es insomniaque peut-être. Je suis aussi insomniaque. Parce que je me branle, c'est pour ça que j'ai des ampoules. Je croyais qu'il fallait juste branler Adrien. Non. Si tu veux dormir, tu branles Adrien. Alors, comment il a fait pour se faire branler pendant 10 ans? Les gens ont très mal compris son conseil. Les médecins le détestent. Peux-tu te présenter, Adrien, pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Eh bien, je suis le leader du mouvement qui attaque l'État français en justice. Oh, c'est toi, ah ouais. C'est moi qui ai eu l'idée. Quel est ton pseudo? Parce que la semaine dernière, tu étais Skyscraper ou je sais pas quoi. Non, non. Skyscraper, c'est Rocky Maxwell. Flyrider, qui est le vrai leader des Gilets jaunes. Bah, oui. Et maintenant que tu attaques l'État français, c'est quoi ton pseudo? C'est... Osons attaquer. C'est le nom de ma chaîne où j'attaque une personne. Chaque semaine, j'attaque une personne en justice. T'attaques un État ou une personne? Une entité. Là, c'est l'État. C'est vraiment. Bon, j'ai fait le plus de vues là-dessus. Ouais. C'est l'État français. Je me suis dit, je vais faire le buzz. Et t'adores toujours autant le peuple, j'imagine. Le peuple, ouais, vraiment, dans mon cœur, pour moi, est mieux que le gouvernement. Toujours. Sur une balance, tu veux dire? Ah, c'est même pas. Bah, si c'est la balance de la justice, alors là. Oh, excuse-moi, le peuple, le gouvernement n'est même pas dessus. C'est même pas que ça existe. Je te rappelle que la justice est aveugle. Et la justice nique sa mère. Le dernier juge que j'ai vu avait plus de vis que le dealer de ma rue. C'est vrai. Tu me regardes comme si je connaissais le vrai rap de rue. Je connais rien. Hein. T'as pas vu La Haine? Si, mais voilà. Une fois. Oh mon dieu! Dans La Haine, pardon, j'ai trouvé ça très bien, mais je l'ai vu une fois. Il y a Cut Killer qui fait un caméo, il mixe et il mixe sur notamment Edith Piaf. Voilà. Et la phrase Justice nique sa mère. Dernier juge que j'ai vu. Également, que le dealer de la police. Ouais. Ouais. Voilà. Bah, oup, comme oup, ça, on a tout. Oup, oup. Assassin de la police. Alors, ça va. Non, oui, je ne regrette rien. On a tous lu des anecdotes dans la vie. Des ça amis, va oui. maintenant. Mais ouais. Les amis, merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'appel de venir dans cette émission. Il y a des nouveaux, il y a des habitués. Ça me fait très plaisir. Je peux préciser que tu as oublié de présenter ce canidé. Alors il y a un canidé. Je me suis permis de ne pas le présenter parce canidé qu'il West. Y a de très. Oh. Pas mal, non. Il y a très peu de chances qu'il ait sa chronique pendant l'émission. C'est vrai. Mais effectivement, nous sommes accompagnés de Gus, c'est ça son prénom? Oui. C'est tout à fait ça. Un petit chien de quel âge? De 1 an. De 1 an? Oh, tout petit. Oui, tout petit. Il est charmant, il fait des saltos arrière. Je crois en revanche qu'il est abonné à la chaîne Égalité et Réconciliation, ce qui est vraiment ce qui gâche un peu le côté mignon. Un peu, voilà, mais c'est vrai qu'il est très mignon, donc peut-être des fois vous entendrez des "Hey, wow!" ou des voilà, c'est parce qu'on s'adresse au chien. Non, bah non, il vient. Il a un compte Instagram. Oh, il a cru que je lui parlais du coup. Est-ce qu'il a un compte Insta? Il a un compte Insta. Évidemment. Bah voilà, faut dropper le nom. Ouais. Alors, le compte Insta, moi j'ai une vraie question. Est-ce que c'est pour. Parce que bon, voilà, c'est trop kiffant de faire un compte pour son animal de compagnie. Ce que je peux comprendre à 2000%, il n'y a aucun jugement dans ça. Ouais. On a vu tes stories. On a vu, ouais, et justement, c'est là où je voulais en venir. Non, mais c'est là où je voulais en venir. Bien sûr. Ou est-ce que c'est pour éviter de polluer ton propre compte Insta des animaux que tu postes régulièrement? Alors, je suis dans ce questionnement. Pour être tout à fait honnête, j'ai créé le compte Insta au même moment où je polluais sans vergogne. Sans vergogne. À un moment, tu t'es dit, faut que je peux plus faire ça aux gens, quoi. Non, je l'ai créé et je continuais de polluer. D'accord. Et puis après, on m'a dit, mais pourquoi tu te sers pas de ce compte Insta pour arrêter de nous faire chier? Il y a moins et de followers. Et j'ai dit, ouais, allez. Bah, figure-toi qu'il commence à. Ah, il grimpille. Ouais, il grimpille. Hein. C'est le moment où ça devient insultant. J'attends que ce soit un chien influenceur pour avoir des croquettes gratuites. C'est le cas de tous les chiens influenceurs. La question que tout le monde se pose, c'est combien d'abonnés a ce chien? Alors, ce chien a, je vais vous dire. Je crois que pas tant que ça. Hein. Pendant ce temps-là, une petite chanson. Pendant que tu cherches, moi, je peux vous dire que j'ai été humilié dans mon influence par le chien de Amy LTR, oui. Qui a genre 39 000 abonnés sur Instagram. Ah oui, d'accord. Bon, bah, il en a 10 000 de plus que moi, c'est cool. Non, on y va. Si tu vas par là, il en a presque 500. Il y en a combien, pardon? À peu près 500. Donc on est vraiment sur un. Excuse-moi, méchant plus. Ah oui, mais c'est un compte pour deux chats. C'est un compte pour deux. Elles ont deux comptes différents. 1000 et 2000. Donc il y en a une qui est préférée. Il y en a une que j'avais un an avant que moi, c'est quand même triste. Et oui, ça crée de la jalousie ou pas du tout? Un peu, ouais. Il y a eu des tensions. Il y a des dans la maison. Il y a une espèce de compète. Dans la maison des secrets. Ouais, c'est ça. Tu t'as reçu des trucs gratos ou pas? Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Ah non, mais c'est trop charmé. Mignon, je reçois des colis avec leur nom dessus. En plus, elles ont des noms. Enfin, pas terribles. Elles s'appellent comment? Madame et Britney. Oh ouais, je sais parce que je ne suis pas du tout les chats, mais je bombarde un peu encore. Elle bombarde encore désolée. Un peu, oui, bah, bon, c'était une façon gentille de te dire. Calme-toi! Tu en parles, franchement, ça va. Mais moi, je comprends. Moi, j'ai ça. Moi, mon chat, je fais chier les gens avec ça aussi. Je fais des stories. Non, mais c'est vrai, non. En plus, tu fais pas trop. J'essaie de lui faire faire des trucs rigolos. Est-ce que c'est pas une parfaite transition pour parler du chien? Nouveau chien. Mais putain, est-ce qu'on peut dire la famille Floodcast s'agrandit? Absolument. Un petit peu. Moi, j'ai encore pas eu la chance de rencontrer, mais Adrien. Eh bien, depuis trois jours, je possède, enfin ma copine et moi, nous avons adopté un chien qui s'appelle Francky. On l'applaudit. Bravo. N'hésitez pas, les marques qui nous écoutent envoyer énormément de goodies à Adrien Méniel parce qu'il ne demande que ça. J'ai craché un molar de 2 mètres. C'est à la limite du vomissement. Ce que t'as fait. Ça a failli remplir le verre qui est là-bas. Oui, donc petit chien, comment s'appelle-t-il ? Francky. Comment s'appelle-t-elle d'ailleurs ? Comment s'appelle-t-elle ? Francky. Francky. Elle a un an, race non identifiée, que je suspecte être un mélange Jack Russell et un Pinscher. Cheval. Ah oui. Ouais, cheval. Très très grande. Et voilà, et pour l'instant, elle vient de la Réunion, parce qu'il faut savoir que les îles, de manière générale, mais particulièrement apparemment la Réunion, il y a des problèmes de chiens errants qui sont là-bas en grande quantité. Mmh. Et du coup, il y a des associations qui s'occupent de les faire adopter. Parce que voilà. Par des bobos parisiens. Voilà, exactement. Mais parce que la population humaine est limitée sur les îles, donc tu peux pas aller. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chiens et donc tout le monde n'a pas envie d'adopter. Figure-toi que Gus aussi vient de la Réunion. C'est vrai ? Enfin, il est né en France, mais sa race vient de la Réunion. Ah, d'accord. Vient de Tuléar. Donc il ne vient pas de la Réunion. C'est ses origines. Il a des origines, mais peut-être qu'il tombera amoureux de Francky. Peut-être. On le souhaite. Je ne vois pas comment il pourrait ne pas tomber amoureux d'elle. D'ailleurs, moi, je suis outré que les gens ne soient pas outré plus. Carrément. Non, mais ne soient pas plus. Ils s'arrêtent pas dans la rue quand je promène même mon chien. Parce que, non, mais vraiment, je la promène et les gens, c'est genre normal. Il y a un chien trop mignon, c'est normal pour eux, quoi. Alors, est-ce que tu n'as pas le syndrome des parfois du papa poule. Voilà. Pas forcément avec cette voix, mais des parents qui trouvent leur enfant magnifique alors que peut-être pas forcément les autres. Alors, elle est magnifique. Déjà. Non mais ça, c'est une question. Il y avait aucun jugement. Écoute, je suis Jean-Jacques Bourdin. Pour moi, t'as quand même lancé un bon pavé dans une mare. Mettez des cahouettes, si vous voulez, je vous dis. Moi, je vois un petit chien mignon dans la rue, je fais un petit sourire, un truc. Et si gens toi tu le fais, reins, si quoi. Toi tu le fais, les mais gens sont censés le faire. On est de chiens mignons. Il y en a partout, il y en a sur les réseaux, il y en a dans la rue, il y en a dans nos. Non, mais je veux pas te faire de peine, mais moi c'est vrai qu'on m'arrête beaucoup avec mon chien. Et les gens sont très attendus dans la rue. Je l'ai lu. Est-ce que ouais, l'air du maître ou de la maîtresse. Bon, ça y est, ça n'inclut pas. Si tu fais, une tête de. Mais pas du tout. Parler, t'as ton casque audio par exemple ? Non. Ok. Non, mais parce que tu peux ne pas inviter à caresser ton chien. Je suis en train de dire que je suis outré que chaque personne ne s'arrête pas, quoi. Ah, parce qu'il y en a qui s'arrêtent, mais. Il y a une dame hier. Non mais pas beaucoup, j'ai marché genre plus d'une heure avec elle, j'ai fait Opéra Gambetta à pied quand bien même sûr. Avec mon chien. Et il y a une meuf qui a fait genre Thierry Brich, elle était russe, j'ai même pas compris ce qu'elle disait, mais elle l'appelait genre. Elle a dit t'es de la merde le chien. Sale con, on te plante dans mon pays, on te plante. Tu vois, ça a tout changé. Ah oui. Je l'ai fait, mais les gens étaient un peu plus genre. Mais pas. Mais est-ce que tu les payes ? Parce que moi, je les paye, par exemple. Ah oui, d'accord. Moi, j'étais surpris aussi. J'ai baladé le chien de Robinson Latour, qui était invité semaine dernière. Là, c'est un top non, modèle. Qui est en plus un chien vraiment qui est le chien un peu à la mode, entre grosses guillemets, aujourd'hui, qui est très beau. C'est et un que chien totalement à la mode. C'est comment le nom non, de ce un chien ? Un berger australien. Un berger australien. Ah oui, et. Pas tant arrêté non plus en vrai. Hein. Pas alors que là, alors que coup, là c'est le top modèle des chiens. Quoi. Et il a même pas un an, donc. Elle a même pas un an, donc elle est toute petite. C'est en train de passer de mode. Hein, non, si non, je non. Peux me permettre. C'est remplacé par. Pour moi, ça a de l'avenir. Hein. C'est remplacé par les girafes. Non, mais je les adore, moi. Dans mon cœur, mais. Ne faites pas dire ce qu'elle n'a pas dit. Elle n'est pas contre les chiens. Non, s'il vous plaît. Non, mais attends. S'il y a bien un animal qui est ringardisé, c'est les chats. Ah là, c'est. Alors là, c'est terrible, mais c'est vrai. C'est vrai, je suis totalement d'accord. Parce que c'était Internet, c'était le royaume des chats. Tout le monde faisait des blagues genre, Internet, ça a été créé par des chats ou quoi. Mais tant mieux. Très drôle, génial. On a fait cette blague dans les Web Comedy Awards. Oui, oui, mais j'ai même écrit mon premier sketch que j'ai écrit avec Valentin Vincent pour Golden Moustache, qui n'a jamais été fait, c'était là-dessus. Donc, ah, tu vois, au final. J'allais le dire. Oui, voilà, écoute. J'allais te call out. C'était totalement un truc racoleur pour que ça plaise, ça ne s'est pas fait. Comme souvent à Golden, quand on a voulu faire des trucs très racoleurs, ça n'allait jamais au bout. La chiasse. Non, ça n'allait même pas au bout. Ah oui. Bah si, on a fait des trucs. Quand quelqu'un nous a dit « faites des blockbusters », je dirais pas qui. Et voilà le premier bip de l'émission. Alors 13 minutes tous le note. 14 minutes 22 on, okay. on peut apprendre de ses erreurs. On peut même pas dire quand on a fait des erreurs. Si mais d'accord. Nous on le sait maintenant. Et voilà ouais, les gens le savent aussi. Comment ça il vous a dit arrêtez les sketchs, faites un blockbuster. Non, j'étais, pas quand vraiment. C'était non, une petite expression c'était en gros inside. Quand j'étais directeur artistique de Conan Moustache. On a mis moins de 20 minutes ont une de mes consignes, c'était bon là, il faut qu'on fasse des blockbusters. Et façon de dire, un sketch, gros sketch fat qui cartonne et qui fait plein de vues. Si tu pouvais éviter de l'imiter, du coup. Je ne l'ai pas imité. Oh. Et voilà, et du coup, c'était genre, il avait dit là, il faut que. Là, il faut réfléchir à. On fait un sketch qui fait un max de vues. Faut vue, que le cerveau des gens explose. Et un échec total. Quoi. C'était quoi, c'était quel sketch? Je vais pas le dire parce que c'est pas très sympa pour les gens qui ont participé. Non, forcément, mais. Attends, est-ce que tu peux le dire? Il y en avait plusieurs des sketchs dans cette session de Blockbuster, justement. Mais il me semble qu'il y avait qu'est-ce qu'on a fait au milieu. Il y avait qu'est-ce qu'on a fait au milieu. Avec Marjo. Oui, le seul sketch. Où on était en couple dedans, je crois. Ouais. Dans la voiture, moi je jouais l'elfe et toi tu jouais. Je sais pas ce que tu faisais. Oh, ouais. Franchement, si t'avais des répliques, parce qu'on les a quand même fait plusieurs fois, Marjo. Donc Non, mais je suis pas en train de dire ça méchamment. J'étais ravie d'être invitée. D'ailleurs, c'est super. C'est le seul où t'as été invitée en plus. C'est pour ça. Ouais, je crois que c'est la seule fois. Bah là, c'est le moment de leur sortir. Il y a le 2 qui sort. Il y a pour faire du buzz. Ah non, j'ai tourné pour Multiprise avec toi et on s'est. Rouler une pelle. Ah oui, alors on a pas, y a pas eu de smack, mais on mimait que on se tripotait. Mais tu m'as dit que t'avais bandé. Oui, non, jute bandé, mais y a t'as pas eu jute. Et ouais, j'ai jute avant de bander, c'est mon drame. Ah ouais, c'est la jute molle, ouais, c'est un vrai problème. Mais en termes de racolage, entre guillemets, le sketch qu'on avait sorti avec Laura sur les flics, dans lequel il y a Adrien d'ailleurs, qui est nommé Flambert. Flicks and Games. Osnoweb. Ah oui, bien sûr, Flicks and Games. Flicks and Games, nous on s'est battu avec Laura pour qu'il s'appelle. Two Girls One Cup. C'était le meilleur titre. Oh. C'est incroyable qu'il l'ait pas. Et ça a été refusé. Quoi? C'est honteux. Mais d'ailleurs, il me semble que Laura l'a dit dans son passage sur le Floodcast. Encore une fois. Mais comme en fait, sur le Floodcast qu'elle a fait, j'ai tout écouté sauf ses passages à elle parce qu'elle m'avait. Je comprends. Voilà. Il y avait une rancœur. Tu sais, moi, je suis d'accord. J'ai fait partie des suricates. Je sais ce que tu dis. Tu allais dire un truc, Adrien. Non, je suis d'accord. C'est le titre parfait, quoi. Il est très très bien ce titre. Les amis, ça fait déjà longtemps qu'on parle. Mais on va passer comme d'habitude au petit tour pour parler recommandations culturelles. Avez-vous pensé à des trucs? J'ai envie de commencer par Marjorie, là, comme ça, au débeauté. Tu savais pas, je peux changer très vite. Si, si, non, en fait, je pense que ça colle plus ou moins. Alors, j'ai pas de grosses références culturelles, mais. Ça peut être des vieux trucs, il n'y a pas de galère. Non, j'ai un truc qui m'a un petit peu marqué ces derniers temps. J'ai regardé le documentaire sur R. Kelly, là, le fameux. Ah oui, Surviving R. Kelly. Oh, 6 heures de docu quand même. 6 heures 6 heures, c'est un peu lourdingue. C'est pas épisode ou c'est. Et il chante même pas. C'est un peu toute l'évolution de sa perversité. Chaque épisode, perversité. Et si vous n'avez pas la chance de sortir avec un taré, vous pouvez passer 6 heures avec lui. C'est ça qui est quand même très sympa de la part En fait, tu te sens presque. Ouais, tu te sens un peu sale en sortant En fait, moi, je savais qu'il avait fait des trucs et tout. Mais à ce point-là, franchement, c'est vraiment. Aux dernières nouvelles, il y avait une sorte de secte limite mais chez lui. Mais il l'a toujours. Aujourd'hui. Genre, il séquestrait des jeunes filles et tout, non? Mais aujourd'hui, au moment où on parle, il y a encore des filles qui sont séquestrées. C'est-à-dire qu'il a des filles chez elles qu'on n'arrive pas à déloger, les parents n'arrivent pas à avoir mais un contact. Mais parce que c'est légal ce qu'il fait. Parce qu'elles sont majeures et qu'elles ne sortent pas vraiment, mais elles ont. Enfin, une histoire. Il y a la même en France avec Michel Sardou. Ça va sortir dans 2 ans, préparez-vous. Ouais, je suis chaud. Et voilà, sinon je regarde des bots, ce que tout le monde a regardé, le truc sur Fire Festival. Mais tu sais, c'est très parisien au final. Regarde, peut-être les gens du monde n'ont pas regardé. Et moi, je sais même pas de quoi tu parles, personnellement. Le Fire Festival, alors si tu peux raconter ce qu'est le Fire Festival et. Allez, c'est une connerie. À la Burning Man ou c'est. Ouais, alors, il y avait un projet qui a été monté par un gars sorti de nulle part. Je sais pas d'où sort ce mec. Et Ja Rule. Remember Ja Rule? Ja Rule. Et qui était de faire un nouveau Burning Man Coachella, plus, classe de chez classe pour les plus gros trous du cul du monde. Ouais, mais c'était spécialisé Instagrammeur bourgeois riche. En fait, ils ont fait toute leur campagne de promotion sur Instagram avec des gros influenceurs. Mais des gros influenceurs! Ouais. Genre tes chats, quoi! Les deux. Elles ont posé en maillot comme ça. Non mais Kardashian et tout, enfin Kylie Jenner, Emily Ratajkowski. Tu likes toutes ces photos, Lucien, tu le sais hein. Elle est extrêmement belle. Oui, elle est. Maline quant à ses choix de posts Instagram en tout cas, puisque celle-ci, parce qu'elle a partagé plein de trucs sur le Fire Festival. Ah oui. avant de savoir vraiment ce que c'était, parce qu'ils ont fait toute la promo sans. Dans la thune, elle était sûrement en maillot de bain, donc c'est. Bon, ça faisait like. Non, mais je veux être honnête, pardon, mais c'est incroyable. Bon, oui. Et donc, bon, bref, en vous gros, êtes 500 000 à le dire, donc il n'y a pas de problème, je te juge pas du tout. En gros, c'était très ambitieux. C'était on va sur une île aux Bahamas, une île privée, l'ex-île de Pablo Escobar, et on s'éclate déjà, un max. Ça sent bon. C'est que vous, les influenceurs, vous aurez droit à une villa en échange d'un poste. Aucun sens. Je sais pas comment ils ont pu croire ça. Oui, un poste, et vous aurez accès à une villa gratuite avec piscine, et puis jet ski, et puis blabla, et que des mannequins. Après, attention, un poste de. Moi, j'avais lu un article sur The Rock. Parce que The Rock est un énorme influenceur. Bah oui, un des plus gros. Poste ouais, d'un. C'est pas ce genre d'influenceur. Ouais, mais tu vois, Emilia Ratajkowski, enfin, je sais pas à l'époque, mais un poste, ça, alors peut-être pas une villa, mais ça peut se financer des milliers de dollars quand même. Ils l'ont promis à vraiment des gens lambda, hein, des gens totalement lambda. Et puis bon, en fait, évidemment, ils ont mis la charrue avant les bœufs. Ah, ça. Aïe. Et en fait, bah, sur l'île, il y avait rien. En fait, il y a même pas d'égout, il y a pas de, pas d'électricité, il y a rien. Il y a tout à faire. Il y a toute une ville à construire si tu veux faire ça. Mais il y avait aucune infrastructure de Pablo Escobar. Rien, rien. Pablo est parti. Il y avait un peu le peloton d'exécution quand même. Il y avait un poster sur un bout de mur. Bon, en tout cas, j'ai pas spoilé tout le truc, mais enfin, c'est assez hallucinant de voir comment un type a pu s'engouffrer dans une histoire pareille, puis avec une mauvaise foi jusqu'au bout tout le monde lui disait mec vraiment là faut que tu t'arrêtes parce que les influenceurs vont arriver, les gens vont débarquer et voir qu'il y a que des tentes de réfugiés en fait, il y a pas du tout de villa et il y a rien. Ah mais c'est les Rohingyas, c'est ça le non. C'est la Love Army. Mais est-ce que c'est un vrai truc ou c'est genre comme le gars qui avait inventé un resto qui s'était fait noter sur TripAdvisor? Non, c'est un vrai truc. Et des gens ils sont allés. Ils sont allés jusqu'au bout. Mais attends, ils y sont allés, on leur a payé le billet du coup. Alors sauf qu'on leur avait dit vous venez en jet privé, chacun son jet, ça n'a aucun sens, cette histoire avait. Ben voilà, et en fait, ils étaient dans un truc archi low cost. Et ils ont commencé à sentir le truc, genre dans l'avion, en se disant c'est bizarre quand même, c'est pas trop ce qu'on nous avait dit, le repas d'arrivée. En fait, ils arrivent sur place, on les met dans un bar et on les fait picoler pendant 4 heures. On leur dit attendez, vos chambres sont pas prêtes. En fait, vos chambres n'existent pas, tout simplement. Elles sont pas. Il y a rien. Et tu dis, mais comment ils ont pu se dire non mais ça va, on a encore un peu de temps. Il y avait une prog, il y avait des musiciens et tout ça, il y a des groupes qui sont venus. Alors il y a des groupes qui avaient été programmés puis qui au dernier moment ont dit non mais là ils se sont sentis. Ils ont demandé, ils ont dit mais vous avez quoi, une scène, nous on a besoin quand même de trucs, voilà, de tel type de lumière, de projo, de machin, et on leur a dit non. C'est toujours fascinant les histoires de festoches, même ceux qui arrivent à se faire. Mais ça c'est le plus gros truc qui ait jamais été. Mais non, parce que le truc c'est même pas fait, mais moi je me souviens, c'était en 99, ils avaient voulu refaire Woodstock, mais avec des groupes de maintenant. Sauf qu'à l'époque, dans les années 70, c'était Jimi Hendrix, c'était les Who, donc il y avait un truc un peu genre. C'était même 69, c'est ça ? Je crois que c'était 69, pour ça, 69, donc c'était vraiment Peace and Love, et c'était que des chansons d'amour, et ça baise, mais c'est cool, et ce machin. 99, c'était le néo-metal, et donc en fait, il y avait Korn, Limp Bizkit, Metallica, Kid Rock, Rage Against the Machine, j'avais vu que c'était dit à tout, Red Hot, et en fait, le problème, c'est qu'ils ont mis, ils ont dit, on va mettre un peu de mercantilisme, quand même, un peu bien dans sûr, tout ça. Et allez. Et la bouteille Macron, Macron d'avoir gâché Woodstock. Et Woodstock, et du coup la bouteille était à 4 euros, la bouteille d'eau, sachant que Woodstock c'est dans un endroit où il fait vraiment très chaud. C'est là où ils ont jeté les bouteilles de pipi. Oui, c'est là, c'est exactement ça. Et j'ai, en fait, j'ai spoilé, j'ai... Non, mais c'était une des nombreuses anecdotes qu'il y a eu où effectivement le festival est complètement parti en couille. Il y a eu des agressions physiques et sexuelles, il y a eu des morts. Alors attention, après Woodstock aussi. Les gens l'idéalisent beaucoup, mais c'était pas ouf de chez ouf. Enfin, d'abord, il pleuvait, des gens étaient dans la boue. Oui, mais il y avait un côté, c'est nous qui l'avons fait. Oui, là, oui. Le truc, c'est qu'il y avait une organisation derrière voulait faire du profit et qui a vraiment tout. Enfin, tu vois, des gens mouraient de chaud, ils avaient installé des systèmes de planches en bois que les gens devaient se passer. Déjà. Pour pouvoir. Non, mais système de planches en bois, tu sais que c'est de la merde. Non, mais pour que des gens puissent monter dessus et faire les cons debout sur des planches, sauf qu'il y a des gens en dessous. Et t'as Fred Durst, que moi je suis un grand fan de Limp Bizkit, mais qui est un des mecs les plus débiles de l'histoire, monter dessus et sauter en chantant. Et donc, du coup, t'as vraiment des plans. Tout est sur YouTube. Hein. Ça s'est pas effondré. Il y a eu des morts. Ah, il y a eu des morts. Sur ce truc-là précisément, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a eu des morts pendant le festival. Et tu vois vraiment les gens en dessous faire bah non, en fait, je suis en train vraiment de me prendre une planche dans la gueule, j'ai aucune envie. Et tout le truc est dégueulasse. Je vous invite vraiment. Je pense qu'on le verra pas, mais tu l'as extrêmement bien mis. Mais genre, là, j'y étais. Mais parce que. Ouais. malgré ça, c'est un très bon live de Limp Bizkit. Mais dans le public. Est-ce que ça existe vraiment? Oh, t'es sûr? Putain, moi j'adore. Oh. Mais en tout cas, c'était un festival où tout le monde s'est senti un peu. Putain, il y a le côté c'est Woodstock, donc tout le monde a voulu un peu faire genre. Ok, c'est j'y la suis. Génération. Ouais, tu vois, t'as les Red Hot. Ça a très peu marqué finalement. Hein, alors que pas parce du que tout. J'ai jamais entendu parler de ça. Parce qu'en fait, à part Rage Against the Machine, Korn. Et Limp Bizkit et Metallica, il y a aucun groupe. Enfin, tu vois, Kid Rock, tout le monde maintenant, tout le monde s'en bat les couilles. Il y avait DMX, ils sortent plus rien. Enfin, c'était des groupes. Je te dis, fin 90 quoi. Ah, t'as dit les Red Hot aussi quand même. Ouais, les Red Hot. Mais c'est nul. Mais bon, c'est un groupe. Ah, il a dit juste pour pouvoir dénigrer juste derrière. Il y a un côté de la table qui est juste là pour dénigrer. En fait, Lucien. Non, ils sont sur la musique, ils sont voilà, ils sont droits dans leurs bottes. Les opinions. Non, mais c'est un running gag les Red Hot. C'est un running gag. Un rowing gag, c'est par contre on dit. Un rowing gag. Un rowing gag. Je sais pas encore la définition de rowing gag. En fait, mais... ça peut être une très bonne vanne, mais il faut bien la vendre. Donc, il va falloir un peu la brainstormer. Non, mais donc voilà, je vous invite à regarder les lives de Woodstock 99 parce que c'est très impressionnant parce que tout est parti en couille. Donc, sur les Red Hot, ils ont foutu le feu à des télés. Les Rage Against the Machine, ils ont foutu le feu au drapeau américain. Donc, du coup, il y a des gens qui n'étaient pas du tout d'accord dans le public qui ont commencé à se vénère. En même temps, ils disent qu'ils ont la rage contre la machine, les mecs. Et c'est vraiment qu'ils vont. Enfin, je veux dire. Il y a un drapeau américain sur scène, c'est l'équivalent de la machine pour eux. Bah... Donc, ils sont obligés d'avoir la rage contre eux. Enfin, tu vois, c'est obligatoire. Donc, voilà, je vous invite à regarder. Mais eux, ça s'est fait et depuis il n'y a plus aucune célébration de Woodstock à cause de cet événement. Ah ouais. C'est-à-dire que les gens sont en mode ah bah là c'était pour 2019 du coup, enfin tu vois il y avait les 50 ans, les trucs comme ça, et tout le monde est là genre non, on va pas, ça va forcément repartir en couille. Déjà le Woodstock original de 69 c'était pas du tout prévu comme ça en fait. Initialement c'était aussi une entreprise de spectacle machin qui voulait faire un truc événement. Mais ils avaient, il y avait des grillages et tout ça, et ça a complètement dépassé en fait l'élan populaire. Le flower power total, ça a été orchestré après, apparemment. Le mouvement hippie, ça a été un peu apparemment c'est placé par des. C'est Volkswagen. Non, mais apparemment, ça a été un peu orchestré. Non, je crois que c'était Monceau Fleur. Sponsor Monceau Fleur. Ouais, non, mais ça aussi, même l'original. Non, était mais pas qu'est-ce si qui est authentique en fait dans l'histoire? Je vous le demande. Ah, hein. Bah, c'est une chaîne. Quoi? Il l'a dit dans une chanson, pardon. Il n'y a pas plus authentique. Okay. C'est comme cynique, qui n'est pas particulièrement cynique, si on regarde non, bien. C'est vrai, oui, c'est vrai. Il est plutôt. Il est plutôt assez. Quand il parle, en fait, il a pas l'air d'avoir un petit second degré. Aucun sarcasme. Est-ce que Soprano a pas une voix un peu aiguë? Le problème, c'est que là, pour oui. moi, Soprano, ce serait plus la voix de Maître Gims. Qui est plus quelqu'un ouais. qui, tu vois, d'opéra, non, quoi. Oui, mais les sopranos, c'est voix, ouais. Ah, pardon. C'est il ténor, est plus les gars. Bariton, ténor. Ouais, ils auraient dû s'appeler bariton, totalement. Bariton serait un très beau. Maître bariton. Bah, franchement, il aurait dû s'appeler comme ça, Maître Games. Et juste pour finir sur Woodstock 99, n'hésitez pas à regarder le live de Kid Rock qui se prend de la minute 12 à la fin de son concert des bouteilles d'eau dans la gueule. Oh, et c'est des bouteilles d'eau à 4 euros. Ouais, c'est-à-dire ouais. que les gens étaient tellement énervés de payer mais... si cher qu'ils lui balançaient dans la gueule à lui parce qu'en plus. Tu sais qu'un jour, David Bowie s'est pris une sucette dans l'œil et ses yeux déjà qui ont un peu pris ouais. hein, dans la vie et il est vraiment resté coincé, la sucette s'est coincée non. dans l'œil, c'était absurde et je crois qu'il y a des images c'est hideux et ouais non, mais c'est hardcore enfin mais les ouais je moi qui je sont sais, ces gens les fails de concert moi c'est un peu ma petite j'adore ça sur YouTube tu peux en regarder plein. Et il y a vraiment des trucs vraiment marrants. Alors, il y a des trucs horribles de mecs qui pètent des câbles et qui du coup se prennent. Bah, il y avait la fameuse il y a Booba à l'Urban Peace 2. Ça vous dirait une bouteille de Jack dans la gueule. Et il avait pris, en fait, il s'était pris un verre ou un truc et ça l'avait saoulé. Il avait sorti la bouteille de Jack Guy, il l'avait balancé à un gars du premier rang. Deux choses qui me choquent, cette anecdote et le fait de savoir qu'il y a eu un Urban Peace 2. Il y a eu un Urban Peace 3 même. Non. Il y a eu 3 Urban Peace. Et moi, il y a aussi un truc, c'est Urban Peace et invité Booba. Un truc de Urban Peace dans le nom. Mais à l'époque, il était moins dans le clash, moins dans la violence, oui. tu vois. Mais... preuve, il a dit vous voulez une bouteille de Jack dans la gueule. Oui, oui, clairement. Non, ça vous dirait une bouteille de Jack. Mais il a jamais été dans la paix, quoi. Enfin, ouais. c'est plutôt correct. Le consentement, on y revient. C'est B2O. Ça se trouve, le mec a dit ah, grave, vas-y, on la voit. Moi. L'Urban Peace 3 était plus cool, je crois que c'était Stromae, Orelsan, enfin tu vois, c'était moins violent quand même, on était sur un truc un peu plus cool. Sale pute par exemple. une paix tout à fait urbaine. Anna, qu'as-tu apprécié culturellement parlant récemment, s'il te plaît? Alors, je tiens à préciser que je reviens du festival de l'Alpe d'Huez. C'est vrai, est-ce que c'était bien? C'était génial. T'as kiffé? C'était génial surtout parce que on était. Très très bien accueilli. Bichonné, on peut dire. Vous étiez touchous sur le ciné ou pas? On était touchous sur le ciné. J'ai été en régular sur le ciné, si tu veux savoir. Ah ouais. Et non, c'était génial. je remercie d'ailleurs, parce que je suis certain qu'ils écoutent le Floodcast, qu'ils écoutent le Floodcast. Ouais. Donc non, vraiment, c'était top. Tu parles de l'Alpe d'Huez? Ouais, ah, bah moi, alors l'Alpe d'Huez, si vous nous écoutez, invitez-nous. Hein. Moi, je serais ravi de faire un podcast là-bas. On invite tous les acteurs réels qui sont là-bas et on fait des lives là-bas. Moi, je serais ravi. On a fait plus d'un million et demi d'audience en 2018. Donc, s'il vous plaît, invitez-nous quand même. Pour des youtubeurs, ce serait de la merde, mais pour un podcast, c'est pas mal. C'est énorme. Écoute, je lance l'invitation. Je te suis. Et donc, c'était super et on a vu plein de films. Et notamment un film qui était... C'est quand même le festival de la comédie et c'était pas le plus drôle, mais c'était vraiment extrêmement touchant. Et il a remporté le prix, le grand prix du festival. C'est Mon bébé de Lisa Azuelos. Oui, Lisa Azuelos qui a fait LOL. Qui a fait Dalida récemment. Ouais. Et c'est l'histoire du... bah, c'est l'histoire de Lisa en fait, avec sa fille et ses trois enfants. Et en gros, c'est la petite dernière qui quitte le nid, donc c'est... Ça fait pleurer, et Sandrine Kimberlin est extrêmement touchante dedans. Elle est très, très, juste, très forte, cette actrice. Très juste. Dans les films de Autant dans la comédie que dans l'émotion. Elle est super. Moi, je l'avais vue dans le Dupontel 9 mois ferme, et elle était très très drôle dedans. Elle est vraiment très forte. C'est une bête d'actrice. Elle a un super sens du rythme. Et d'ailleurs, elle a eu le prix d'interprétation féminine aussi. Comme quoi. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Je crois qu'il sort en mars. Et il y a des amis de la maison dedans, parce qu'il y a Kian Kojandi apparemment, qui a un rôle, et il y a Camille Clarisse, qui va venir bientôt. D'accord. Ouais, Camille Clarisse, des emmerdeurs. Elle joue dans le film. Elle joue la grande sœur de Thaïs, donc qui joue son propre rôle. Enfin, la fille de Lisa Azuelos qui joue la fille de Sandrine Kimberlin, du coup. Clara, c'est ça ? Camille Clarisse, pardon. Elle joue la grande sœur et elle est très très bien dedans. Bah voilà, et on va faire, ça me permet, j'utilise ta reco, parce qu'on va faire un spécial emmerdeur. Alors je sais pas si c'est la prochaine ou celle d'après, mais comme on avait fait avec Groom, avec Adrien, Jérôme, Vincent et Axel, on va faire un spécial emmerdeur avec des comédiens, avec Valentin, et voilà, je pense que ça va être très moins cool. Bien. Et donc ouais, ce film m'a beaucoup touché, c'était très drôle. Enfin, disons que c'est drôle, c'est pas drôle dans les situations, c'est drôle dans le dialogue. Oui, dans moi les c'est répliques. Tout ce que c'est un peu à la clapiche. Ouais. C'est très clapichien. Voilà, c'est ça. Ouais. Clapichien. On garde ça. Ça rend son nom horrible. Ouais. C'est clapichien. Qu'est-ce qui t'arrive ce soir? Mais je m'émerveille du mot. D'où tu vois que c'est négatif? Ça c'est vraiment une phrase. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous avez vu ça? C'est la phrase de festival. C'est t'as été voir le Azuelos? Alors t'as vu le Azuelos? J'ai pas pu, j'étais en haut des pistes. Ça de moi. T'as été voir le nom? Le ça fait le me rendre compte que je dois changer de nom si je veux faire un carrière dans le cinéma. Oh non, les années maintenant. Je te propose le Noan. Non, parce qu'après le Noan. Il y a aussi le Marjorie. Non, tu peux faire c'est encore plus stylé. Le dernier le Noan. T'as été voir le dernier le Noan? Le nouveau le Noan. C'est trop dur à dire. Les gens vous sentent. Mais justement, ça permettra des gens de plus être dyslexiques. Et ça, c'est cool. C'est vrai. Alors que t'as été voir le Apter. Ouais, pas mal. C'est pas mal. Si. Oui, votre nom est mieux, ça va. Très bien. Et il y a d'autres films un peu cool, pas forcément ceux que t'as détestés, mais forcément. Au festival. Ouais. Oui, il y en a eu plein. Après, je t'avoue que je les ai pas tous vus parce que j'avais très envie de faire du ski. Oui, je comprends. Sache que c'est tout le monde dans ce genre de festival. Il y a aucun problème. Arrête de tourner autour du pot. J'ai vu de super courts métrages aussi. Et je voulais dire, parlons de Nicky Larson tout de non, suite. Non. Oui, si. Mais non, parce que mais non, mais... dans Nicky Larson, il y a Justine Le Potier qui vient dans le spécial Emmerdeur, donc elle nous en parlera d'elle-même. Double transition. Mais oui, mais c'est ça, c'est que des gens qui ont des carrières au ciné et pas nous, c'est vraiment trop bien. C'est vrai. Et non, j'ai vu des super films et notamment un court-métrage qui m'a fait mourir de rire qui s'appelle Pile Poil. Alors, je me souviens plus du nom des réalisateurs parce qu'ils sont deux, je crois. Disons Spielberg, du coup. Disons Spielberg et Scorsese. Voilà, allons-y. Voilà. Et c'est sur une jeune apprentie esthéticienne qui passe son diplôme et qui cherche un modèle pour tester l'épilation. Ah, c'est une bonne idée. Et qui finit par prendre son mec. Père. Ah. Mais c'est drôle, c'est extrêmement bien joué et voilà. Ça je suis toujours frustré des courts-métrages de festival parce que c'est dur de les revoir après. Ouais. Les gens les mettent rarement sur YouTube et ça passe sur France 2 à minuit et demi, donc c'est un peu relou. C'est vrai, bah, je crois qu'ils ont un lien justement. D'accord, donc, Vimeo. Ouais, comme ça, ok. Ouais, très cool, avec plaisir. Lucien, j'ai essayé, je le fais moins bien, je suis désolé. Ouais, j'ai essayé. Je suis touché. Est-ce qu'il y a la bouche pleine, pardon. Je peux passer à Adrien si tu veux. Je l'avais fait au ski d'ailleurs ce jingle. Oui, la transition. Elle aurait été pendant bien. Pendant le Festival des Arcs. Bien sûr, le Festival européen des films des Arcs. Ouais. Voilà. Qui nous avait accueillis quelques fois. On et sait toujours qui pas était pourquoi. Hyper ah ouais, c'est sûr, mais parce qu'on était extrêmement sympathiques. On est européen. C'est vraiment c'est le seul. Vrai. Européen. Ah. Fait vraiment non, mais pas de avec, la première avec fois, je suis d'accord, pardon, mais vas-y. La deuxième fois, on avait quand même fait une vidéo spécifiquement pour ça et elle était plutôt. Moi, je la trouvais bien cette vidéo. Ouais, elle était bien. Elle était sur Dailymotion aussi. Et vous avez vu des films. Oui, mais alors ça, bon, voilà. Et la bah, première année, moi, j'avais rien vu. Vraiment. Non, moi non plus. Ouais. Et la première année, j'ai partagé avec Lucien des moments un peu professionnellement honteux, à savoir essayer de proposer à Louise Bourgoin un rôle dans un sketch. Nom de Dieu. Et vraiment, on alors, s'est pris une veste, mais d'une violence. À votre décharge. Et oui, c'est là où je voulais en venir. Et c'est pas contre Louise Bourgoin. C'est-à-dire qu'en fait, elle a vu ça vraiment comme un énorme piège. T'allais dire quoi, Adrien, ouais. Excuse-moi. Bah, à votre décharge, il y a quand même le producteur de Golden de l'époque qui vous avait dit oh oui, c'est bon, c'est elle ok. Est au courant. Elle est au courant et elle est ok, oh, quoi. Mais et c'est horrible. Et pas du tout, elle était pas du tout et au courant. Pourquoi, pourquoi tu dis qu'elle a vu ça comme un piège? Non, non, mais ce que c'est-à-dire qu'on y va et on sent qu'elle ne fait pas. Elle a autre chose à foutre, quoi. Et je me souviens, Lucien. Avec son audace et son courage, et surtout en voyant qu'il n'y en avait pas un qui bougeait, on était vraiment comme cinq puceaux au fond d'une salle, genre on va pas aller lui parler. Moi en plus, je la trouve vraiment moins maintenant parce que j'ai une meuf, mais à l'époque, vraiment j'étais fou amoureux de Louise Bourgoin. Est-ce que tu l'as vue dans Hippocrate? Ouais, je la trouve super. Elle dans est Hippocrate. Incroyable. Non, mais c'est une bête d'actrice, ah, je la trouve très forte. Et je la trouve complètement sous-utilisée en France, ouais, où je pense qu'elle devrait faire mille trucs. Et, elle devrait faire des sketchs Golden. Elle devrait faire des sketchs Golden dans la montagne. Et donc, bref, Lucien se lance. Ouais. Et en fait, comme un mec qui est qui un concert bon, de rock et qui croit que les gens vont l'attraper alors qu'il saute de scène, et les gens se sont écartés. Voilà, oh Louise Bourgoin a vraiment fait non, tu seras au sol. Ouais, mais elle a fait un genre ben pourquoi pas plus tard. Et ouais, elle s'est mais après elle a pas été odieuse du tout. Louise, si tu nous écoutes, je t'en veux pas. C'est une Loulou. Fan. Loulou. Loulou. Vraiment, il y a aucune rancune. Loulou. Je pense vraiment que effectivement. Dans les deux sens, c'était biaisé parce que de notre côté, on nous avait dit ouais, elle est au courant, elle est enthousiaste, c'est cool, bah venez vite, voilà, c'est maintenant au moment de la projection. Et donc nous, on se speed et on dit ok, bon, on va faire quoi, hein, machin. Et de l'autre côté, bah, personne ne l'avait prévenu. Elle, ouais, ouais. Et il y a juste, je crois, son attaché de presse qui lui a dit à l'oreille, mais très vite fait, ouais, c'est quoi, notre moustache, c'est une chaîne, ils font des sketchs sur YouTube. C'est tout, tu et vois. Et on arrive avec Lucien et je la vois, moi j'ai un eye contact de une seconde. Où elle regarde derrière et on est quatre avec une caméra, ouais. Et vraiment elle fait genre oh, elle ouais, allait vraiment voir un bah, film à la c'est base l'enfer, c'est... elle allait vraiment voir un film et d'un coup on lui dit ah participe à un truc et que ouais, tu te connais pas ou rien n'est écrit ou enfin tu vois et tout le monde a 20 piges ouais on est à tous part Lucien. Bah, ah, mais je fais beaucoup plus jeune voilà, c'est ça. Ouais. C'est bien, ouais. Donc voilà donc c'était notre moi c'est un des plus beaux échecs mais moi, tu vraiment. Sais je l'avais bien occulté tu l'as remis dans mon esprit une plaie bien ouverte ouais, voilà t'as mis du sel dedans j'ai même là ouais c'est de l'urine directement. Lucien un truc que t'as apprécié culturellement récemment ouais alors qu'est-ce que oui sur Netflix bon pardon on oh, parle beaucoup de Netflix mais en ce moment ils font Comique du Monde et vous en avez déjà parlé la semaine dernière on a parlé juste de j'ai oublié son nom je sais que ça ressemble à Ali du Khabib Al-Khalidi ah bien joué Kadil bah t'es raciste Rabbi Jacob putain non, mais le Québécois Habib Al-Khalidi voilà hyper ça. Drôle je suis d'accord mais j'ai regardé jamais reprendre depuis le début non c'est bon. Alors j'ai regardé Comique du Monde sur Netflix et en fait chauvinisme total j'ai regardé les Français et voilà je les ai trouvés super et je me dis il y a c'est... qui déjà il y a Shirley Soignon ensuite il y a Donald Jackson je crois non oui. Donald Jackson il y a Jason Brokers il oui. Y a Tania Dutel et Michel Leeb je sais plus bizarrement non je crois que c'est tout pardon s'il y a une cinquième personne je suis désolé de t'avoir oublié. Mais c'était moi. C'est mais... probablement enfin quelqu'un lancé. Qui n'écoute pas là tout de suite enfin, le podcast. Enfin, je sais pas. Non, mais il y a oh pas. Bah, attends, plus d'un million. On a fait des ah écoutes maintenant, oui, laissez-nous. Oui, ouais. Bon, bon. Et c'est super, voilà. Donc je suis très content que le stand-up français soit bien représenté sur Netflix. C'est fou cette nouvelle forme, un special de 30 minutes du coup. C'est assez surprenant. Ouais, mais ça te permet de voir vraiment pas mal de personnes j'suis et d'accord. C'est charmé. C'est comme une version longue d'un gala d'humour un peu. Ouais, tu vois, ouais, tu vois plein de ouais, passages mais ça. Longs quoi. C'est exactement ça. Et la deuxième chose que je ah j'y ai pensé en venant et j'ai oublié entre temps. Tu veux qu'on passe à Adrien et peut-être on revient à toi derrière si tu te souviens. Ah oui. Je vais passer à Adrien. Je démissionne. Qu'est-ce que tu as kiffé récemment? Alors moi j'ai découvert très récemment hier un podcast qui s'appelle Request in Peace. Alors, full disclosure, j'ai découvert parce qu'ils m'ont invité à participer. Et du coup, j'ai écouté et il s'avère que c'est cool. Et c'est encore en lien avec la musique parce que je suis. C'est une OP, quoi, finalement. Ce que c'est du placement de produits. Donc là, tu touches combien pour dire ces mots? Je touche pas moins de 16 balles. D'accord. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais. Je me paye influence. Un Uber. Si je rallonge un peu, je peux me payer un Uber pour rentrer chez moi. Non, et en fait, le principe, c'est de la. Ils appellent ça de la battle de playlist. Et en fait, le principe, c'est que la présentatrice, elle envoie une semaine à l'avance. Alors, il y a un invité et un mec qui est l'équivalent de moi dans le Floodcast, qui s'appelle Étienne et qui est le mec qui est là tout le temps, mais c'est pas lui qui présente. Lui. Bref. Le sniper, dis-le. Non, mais parce qu'en fait. Il a pas mis de thunes dans le matos, quoi. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est l'invité fait un battle donc, contre Étienne. Et donc la présentatrice envoie une semaine à l'avance des questions du genre elle adapte aux invités à chaque fois. Et par exemple c'est la musique que vous choisiriez pour un film catastrophe. Et chacun des deux a une semaine pour choisir son morceau et argumenter, dire bah moi j'ai choisi ça parce que ceci blablabla. On écoute un extrait du morceau, l'autre dit pareil. Et après la présentatrice Meryl, elle dit bon bah le point revient machin parce que j'ai trouvé ça blablabla etc. Ah, et c'est elle la juge. C'est elle la juge. Ouais, okay. Et donc ça peut être. Elle est aussi flic d'ailleurs. Le car c'est une cordier. Ah ouais, les juges flics. Ouais les deux. Oh, ok. Mais là j'ai dit un truc de mais ça peut être le meilleur morceau de New Jack, le meilleur morceau de hip hop en groupe, oh, machin, là, toi, etc. T'as bah, donc, voilà. Et du coup je trouve que c'est assez cool en fait à écouter parce que bah déjà on en apprend. On découvre des morceaux et puis écouter des gens qui s'y connaissent. Donc c'est là où la petite différence quand je vais passer, c'est que moi j'y connais rien en musique par rapport à tous les autres invités. Mais vous passez les extraits ? Il passe un petit extrait du morceau, ouais. C'est toujours assez fascinant ce truc-là. Moi, j'arrive jamais à savoir si un jour on va se faire niquer comme YouTube où là c'est la belle vie et qu'un jour on va nous dire non mais les gars, faut payer hein, maintenant les gens. Mais ça dépend. Je crois que c'est la longueur de l'extrait, non ? Je sais pas du tout. Franchement, c'est très flou. Le droit de citation. Ouais, nous on a mis. Moi, je mets tout le temps une chanson à la toute fin. Parce que je me dis comme ça si un jour on se fait emmerder je pourrais les reposter sans la musique de fin après malin. Tout on s'en fout ça changera pas le bah. Non c'est pas que je suis malin mais c'est juste je pose pas vraiment d'extrait musical. La musique du générique c'est celle de mon frère. Ah ouais donc elle nous appartient. Ouais, c'est mon frère depuis le début. De Théo Bernard qui commence. C'est pas Limp Bizkit ? Non. Ça ressemble de ouf. Ah non, c'est mon petit frère. Mais c'est exactement c'est ce que je lui ai dit. Oui, tu lui as dit, tu peux me faire. De singer. On l'embrasse, Théo. Ouais. On l'embrasse très fort. Mais il viendra un jour dans un Floodcast. Ah oui. Évidemment. Il est un peu frénétique en ce moment. C'est non alors. Il arrête pas de faire des choses. Pourquoi tu dis ce mot-là ? Je vois pas de quoi tu parles. Je sais pas. Bah en plus, frénétique, je connais le groupe des années 80, mais ça n'a aucun rapport avec mon frère. Donc vraiment, je te laisserai jamais dire ça. Ok. Non, mais voilà, je me demande toujours ce que c'est. Parce que moi, on fait du podcast, mais en vrai, mon vrai rêve, ce serait de faire vraiment de la radio, mais pas pour faire de la radio, mais j'adore le concept de dire, bah venez, on va passer un disque et après on reprend. Ah oui, trop bien. J'ai envie. Je faisais ça quand j'étais petit, moi. Mais moi, je faisais des programmations et je m'enregistrais sur un truc à cassette. Moi aussi, et oui, j'ai 38 ans, oui, arrête, je suis vieux. Arrête. Moi, j'ai fait ça aussi. Ah ouais. Et je suis beaucoup plus jeune que toi. Oui, mais avec des cassettes. Avec des cassettes, c'était sale les transitions, c'est horrible. Et je mettais le peu de disques que j'avais et je faisais l'animateur radio et je disais et maintenant un groupe qui nous vient tout droit de Suède, les Too Unlimited, ils font de la danse. Là où c'est un peu triste, c'est que moi je le faisais avec une copine, toi visiblement seul. Ouais, extrêmement seul. Ouais, ouais mais moi j'aimais. J'ai ouais. toujours bien aimé être seul. C'est pas triste d'être seul. Ouais, moi je suis parti à Londres tout seul. C'était bien ? Un peu triste, une journée. J'aurais dû rester un jour de moins. La radio, d'ailleurs, ça me fait penser. Moi, j'ai eu une Madeleine de Proust là récemment sur les. Moi, je me faisais des cassettes elle aussi. Doit être France, parce que Proust, il est mort depuis longtemps. Qu'il est con. Qu'il est con. C'était une vanne transphobe. C'était raciste. Elle doit être trans. Non. Ouais, en fait, je voulais dire raciste. J'ai raté. Déjà, ma blague est ratée parce qu'elle est nulle. Mais en plus, c'est pas le bon terme. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai eu une petite Madeleine de Proust. Parce qu'en fait, elle était. Elle doit être raciste, du coup. Parce que Proust est mort depuis bien longtemps. Parce que t'es con. Tu vois, avec le bon mot, ça cartonne. Elle a mieux marché la deuxième fois. Avec un peu d'alcool, ça passe. Ouais, c'est souvent le cas de mon humour, moi perso, mais bon, bref. Donc, ouais, il y avait toujours, à chaque fois, quand il y avait une chanson que je voulais trop enregistrer sur ma cassette, parce que j'écoutais à la radio et c'était moi. Tu joues le début. Bah, surtout, il y avait un truc genre, mais ferme ta gueule, Koé, ferme ta gueule. Tu sais, Koé, il fait genre, et on écoute le nouveau Linkin Park. Alors il part, ils sont au Zénith, machin. Après on se retrouve après avec le super banco, puis à Cartman, ouais, je vais faire le roumain. Yeah, moi je me sens que ça me rendait dingue quand il lançait les clips aussi dans les émissions genre Morning Live et compagnie, même si c'était marrant qu'il fasse les, tu sais, parfois il se mettait devant, il reprenait les chanteurs du grenier. Mais ou sur les, comment le c'était les tubes du grenier, non, ouais, tubes c'est du ça. Grenier, les joueurs du grenier. Ouais, j'ai pas non, mais même le dans les émissions, grenier. Genre où il oui, passait les des top clips, 50, tout ça. Ouais, ouais, voilà, quand il parlait au début des clips, mais ça me rendait dingue. Bah, c'est un peu le même délire. Ouais. Figurez-vous, fun fact, qu'ils font exprès. En fait, c'était une directive dans les radios. Parce qu'ils savaient que en fait, le public pouvait à la maison enregistrer les singles pour que ça se vende et qu'on les pirate pas, entre guillemets. À l'époque c'était ça le piratage, c'était t'écoutes la radio et tu dis oh, le nouveau Mike Brandt, génial, je vais enregistrer. T'es vraiment vieux. Oh, je pousse le curseur exprès. Ouais. Non, mais on empêche le peuple de tout faire en fait. Rendez-vous au bon point de joueur Pontchartrain. J'aimerais bien parler, mais en tant que membre du peuple, je suis muselé donc. Je remets ma muselière. Pardon, on a fait une longue. On t'a imposé une longue digression, Adrien. Donc oui. Non, mais c'est fini. Non, mais ouais. C'est cool. Ouais. C'est sympa. Enfin, moi, j'aime bien le côté. Et c'est français. En plus, tu c'est français. Voilà. Je sais pas s'ils font. Enfin, je pense que c'est un podcast qui débute et tout. Je trouve ça. Et puis, je trouve ça cool. Et voilà. Trop bien. Donc, j'ai envie. Et bah, puis, c'est très bien parce qu'en plus, moi, il y a un Discord de l'émission. Si vous jamais vous êtes auditeur et vous savez pas, un Discord, en gros, c'est un logiciel, c'est une sorte de forum en vrai. Et le lien est dans la description. Et des gens nous demandent beaucoup des podcasts. Et moi, c'est vrai que j'écoute, c'est vraiment une phrase de trou de balle, mais j'écoute pas trop de podcasts français, donc mais je sais jamais quoi dire. Ah, je sais. C'est fou. Je sais, mais merde, j'ai dit. Merde, putain. Ça, mais... Ouais, après là, c'est juste des insultes, hein, mais y a tu pas. Tu m'égoutes. Hein? C'est pas une insulte, mais tu me dégoûtes. Ouais, ok, cool. Ah, bah, tout le monde a vu. Pourquoi c'est un truc de trou de balle de dire que. Non, mais tu vois, j'écoute que des podcasts anglais, tu vois. Ça fait un peu genre, désolé, j'écoute pas. Ah, ok, là. Est-ce qu'on peut tous t'insulter ? J'avais pas compris parce que tu l'as dit en français, c'est pour ça que. Et donc, c'est cool de pouvoir poser du français parce que voilà, les gens te demandent et moi, j'y connais que dalle. Je suis vraiment une merde. Vous aviez raison. Et par contre, moi, je vous propose, en bon trou de balle, un podcast américain. Ah. Bien sûr. En fait, il y a une société de production de films qui s'appelle A24. Alors, A24. Là, j'ai compris. Qui sont derrière plein de films indés un peu cool. Là, récemment, ils ont fait le film d'horreur Hérédité. Ils ont fait Lady Bird. Ils ont fait The Florida Project. Ils ont fait Eighth Grade de Bob Burnham. Enfin, voilà, c'est un peu eux en ce moment qui sont. Ils ont le vent en poupe. Ouais, et puis surtout leurs films sont bien. C'est-à-dire qu'ils produisent des. Je pense qu'ils ont surtout le vent en poupe. Là, surtout, je pense que le vent en poupe était supérieur dans la balance. L'intensité du vent en poupe, ouais, serait bien meilleure. C'est comme ça. C'est, dans le métier, on dit le vent en poupe, c'est ce qui revient le plus. D'accord. En parlant d'eux, je parle. Oui, bien sûr. Et ils ont aussi une série de podcasts qui sont en gros des podcasts liés à leur actualité de films qui sort. Et. Vu qu'ils ont sorti récemment Mid-90s, qui est le film écrit et réalisé par Jonah Hill, ils ont fait un podcast où Michael Cera et Jonah Hill discutent pendant deux heures. C'est ça que t'as posté sur mon Insta. Story. Et en gros, ils discutent de plein de sujets. Et en plus, tu sens qu'ils se voient, mais pas trop. Et donc, du coup, c'est vraiment juste une discussion de potes qui se revoient. Alors, après, c'est un podcast américain. Et souvent, les podcasts américains ont ce défaut d'être un petit peu trop. En anglais Oui, déjà. Mais genre, ah, t'es génial. Et de toute façon, toi, bon, t'es super. T'es le meilleur, de toute façon, dans ta catégorie. Donc, évidemment. C'est sûr que nous, on se chie dessus. Donc, c'est carrément ça. Ouais, non, mais c'est souvent ça, tu vois. Là, j'écoute en ce moment le podcast de Conan O'Brien. Et il y a quand même beaucoup de flagornerie autour. Ouais. Et voilà. Mais ceci dit, je trouve qu'on le dit pas assez, mais je trouve que ton podcast est vraiment le meilleur podcast français. Ah, c'est gentil, Anna. En même temps, vous êtes pour moi le binôme qui en ce moment explose sur les internets. Oh, arrête. Et donc voilà, donc c'est une discussion avec Jonah Hill et Michael Cera. Donc je l'ai même pas dit, mais c'est les gens qui jouent dans Superbad et qui est un film que j'adore. Et ça fait trop plaisir à entendre. Donc voilà, je vous conseille ce podcast. C'est vraiment parce que j'écoute des podcasts anglais, mais en vrai, c'est de l'anglais assez basique. Hein. Enfin, franchement, il y a pas, c'est pas très dur à comprendre. En vrai, c'est assez cool. Non, mais t'as pas à t'excuser en fait de savoir parler anglais. Hein. Il y a ce truc en ce moment où c'est bien, c'est bien. Oui, non, mais les voilà. Gens devraient prendre exemple et s'ouvrir au monde et apprendre des langues. Hein. Ouais. C'est pas. On est. Il y a rien de condescendant. C'est vrai que c'est dommage que en France, on parle mal anglais, mais parce que quand tu parles bien anglais et surtout si tu as un accent pas français. Si tu commences à avoir un accent un peu soit british, soit américain, y a un petit réflexe à se foutre de la gueule de « Ok, comment tu te la racontes ?» Ah non, mais on a un complexe d'infériorité grave. Après, moi, je parle très mal anglais. Mais même si tu dis que t'as été aux États-Unis, genre si tu dis… Moi, Dieu, j'ose même pas le dire parce que c'est… Mais dis-le, lâche-toi. Non, mais j'ai vécu un an aux États-Unis quand j'étais pauvre. Ouais, en tant que fille au père. Oh oui, si, si, vraiment. C'est pour c'était ça que je suis partie en tant que fille au père parce que c'était le seul moyen de partir quasiment gratuitement. Ah oui. Oui, oui, c'est oui, fille au père. Alors je déteste les enfants, donc vraiment j'avais juste envie de partir. Rappelons que tu n'es. C'était dans quelle ville? C'était à San Francisco. Tu ne peux plus y aller car tu as tué trois mômes là-bas. Ah bah ça s'est pas très bien passé, tu comprends pas si bien dire. Bon, San Francisco, la ville la plus chère du monde, je crois. Ah ouais. Très cher. Ah oui. Au-dessus de Tokyo. Donc tu pèses d'un ton dans tes plaintes. T'as vécu la vie. Ah oui, totalement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand je dis ça, et quand je dis aux gens, ouais, parce que bah, à cette époque, j'étais aux États-Unis, on me fait ah, ok, la meuf. Et tu fais ouais, ouais. Bah, ouais. C'est juste bah, après, crever, ça reste... sale pauvre. Enfin, c'est ça. Oh. C'est ça que tu veux dire. Boss, encore sale. Une fois, faut zéro argent pour partir en tant que fille au père. Hein. Au contraire, bien, tu viens être l'employé de maison. Donc, il est taquin. Et tu étais Dobby. Ah mais complètement. Oh. Je faisais les lessives, je nettoyais leurs toilettes. J'imagine avec une vieille chaussette. Je nettoyais leurs toilettes, hein, donc il y a ah pas oui, de. C'était pas. Oui. C'était pas jeune fille au père. Oui, c'est vraiment. Bah si, mais il y a beaucoup d'abus. Est-ce que t'étais enfermé dans une cave, toi aussi? Non, mais. Sous l'escalier. Ah c'est l'allemand là. Le... Non, mais j'ai eu des trucs un peu compliqués avec le père qui. En fait, c'était pendant la. Bon bref. Ça n'est plus du tout drôle. Désolé d'avoir fait des blagues. Il y avait un petit peu de pervers narcissisme. D'accord. Chez lui. Et... Yes. Belle merde. Yes. C'est non, ce que je préfère, moi. Bon. Et ben moi, c'était ma dernière reco. C'était le pervers narcissique. Ouais, essayez un peu, franchement, vous passez à côté ouais, d'un truc. On passe de beaux moments. Je voulais vous tenir au courant avant de. Juste, il me semble que tu n'as pas donné le titre du podcast. Pardon, tapez A24, enfin A24. L'épisode, en fait, le podcast s'appelle The A24 Podcast. Et l'épisode, moi, c'est comme ça que je le, enfin, c'est comme ça que je l'ai trouvé. Ça s'appelle Don't Be a Stranger with Jonah Hill and Michael Cera. Voilà. Tout ça. Alright. Et avant, avant de passer, Matthew McConaughey. Ah, je. Ouais, j'ai je, la ref. Bon, facile. Franchement, c'est un mot. Moi, j'avais pensé Outcast, moi. Ah oui. Non, eux, c'est plus. Ouais, mais parce qu'il y a quelqu'un qui a fait le montage. Putain. Ah ouais, est-ce que c'était un mème? Parce que je sais que toi t'es un féru de mèmes. J'adore les mèmes. Ouais, c'est ça, t'adores les mèmes. Moi c'était ma dernière reco, c'était les mèmes. C'est vraiment chambé. Les mèmes d'astrologie. Ou alors tu veux pas vanner là-dessus parce que tu connais quelqu'un qui en partage. elle part... Ah oui, c'est vrai qu'elle partage. Non. Avant de passer au thème, je voulais vous donner des nouvelles du docteur Alain Guigui. Ah alors, oui, alors ça, comment va-t-il? Alors, pour ceux qui ne savent pas, parce que vous n'êtes pas obligé de le savoir, le docteur Alain Guigui est un ophtalmologiste, pardon. Ophtalmo, on va dire. On va dire un ophtalmo, parce qu'on n'est pas sûr de la fin. On n'a jamais su trop. C'est un ophtalmo qui possède la note sur Google Avis de 1,8 sur 5 sur 198 avis Google. Oh là là. Il perce les yeux des gens. Alors, tu ne crois pas ce qu'il y a à dire. Avec des sucettes. Avec des sucettes en plein concert. Oui, allez, c'est ça. Je vous invite à réécouter le podcast qui s'intitule d'ailleurs Docteur Guigui. C'était l'épisode 14, je crois. C'était le 14e. T'as avec, pas un petit avis à lire quand même pour avoir j'y viens. Je replaçais un petit D'accord. Et le non, mais alors, en même temps, c'est un charlatan. Voilà, c'est exactement ce que je disais la dernière fois. C'est on chie sur un gars, on dit son nom et tout, mais c'est une ordure, hein, visiblement. Donc tout va bien. C'est plus pour prévenir les gens de ne pas y aller. On est en train de faire justice. En fait. Nous, on n'hésite pas à call out les ophtalmos. Bah, voilà. C'est-à-dire que autour de la table, il y a quelqu'un qui attaque souvent l'État français en justice. À tout moment, il peut attaquer un ophtalmo. J'ai attaqué le docteur Guigui. Mai dernier. Bah, écoute, visiblement, il est toujours en activité. Mais ça semble être un fake, hein, non? Oui, la photo est chelou et il y a plein de choses. Mais non, c'est vrai. Le et en nom fait, oui. Le docteur Guigui, oui. C'est vrai. Qui est un perso d'Elie Semoun, je pense. Complètement. Et oui, le docteur Guigui, non, je le dis parce qu'en fait, il est libre tout le temps sur Internet. C'est-à-dire que dès que tu vas sur les sites comme mondocteur.com ou des trucs où des fois tu as vite besoin d'un rendez-vous, ce qui peut vite être l'enfer à Paris, c'est un des gars qui remonte très vite, il est tout le temps dispo. Donc les gens y vont, sauf qu'en fait, évidemment. Le mec, il est dans un bureau, il attend. Non, oh là. Il opère. Il s'est tout le temps blindé et les gens souvent se plaignent. On arrive, on passe 3 heures là-bas et on est vu 2 minutes. Et on nous prescrit des trucs complètement à l'arrache. Encore une fois, je vous invite à aller dans l'épisode. Aller voir le docteur Guigui pour directement. Juger par vous-même. Non, mais tu plaisantes. J'en parle parce que j'ai reçu un tweet très sympa, je l'ai plus sous les yeux, mais du quelqu'un qui m'a dit. Quelqu'un m'a demandé dans la rue l'adresse de l'ophtalmo docteur Alain Guigui. Et donc j'ai dû lui dire n'y allez surtout pas, j'ai écouté un podcast. Et apparemment c'est le pire, c'est quoi. C'est pas vrai. Voilà. Donc voilà, je suis très content. De la belle influence, tu vois. Ouais, là, est-ce que là, t'as là, un avis là que tu peux nous lire rapidement parce que tu m'as mis l'eau à la bouche. Bien sûr. Et après je vous dirai pourquoi je reviens avec le docteur Guigui parce qu'il s'est passé quelque chose sur Internet. La honte absolue de la médecine ophtalmologique à Paris. Monsieur Guigui est de toute évidence le plus mauvais médecin que j'ai rencontré. Son attitude est innommable. En plus de diagnostics aberrants, entre parenthèses, contredits par la suite par plusieurs vrais spécialistes, il s'est permis de mettre un coup de pied aux fesses à mon fils de 4 ans pour le faire rentrer dans son cabinet parce que ça n'allait pas assez vite pour lui, je cite. Bah, à vomir. Mais pourquoi, est-ce qu'il... Non, mais pourquoi ce monsieur n'est pas en prison où il a forcément tué quelqu'un déjà une fois ou frappé quelqu'un? Il a peut-être tué le vrai docteur Guigui pour prendre son identité. Parce que c'est le twist de fin. C'est le twist de fin de la série H d'ailleurs. Je vous spoil. C'est Strauss, non? Ouais, Strauss, en fait, c'est pas, ça a jamais été un docteur. En fait, c'est un homme de ménage qui a tué le vrai Strauss et il s'est passé pour lui depuis le début. J'ai pas vu la fin de H. Personne, parce qu'en fait, c'est avec Satan et joué par Joe Star. Oh. Ouais, il se passe plein de trucs dans l'épisode. Ça devient Buffy contre les vampires. Et en fait, à la toute fin de H, je crois que j'avais déjà dit dans le podcast, tout le monde meurt. Oh. C'est-à-dire que Ramsay mélange, le personnage de Ramsay Sabri mélange de la Morora et du pesto. Et en fait, ils font un grand dîner au resto de Sabri et tout le monde meurt du coup. Et c'est la fin de H. Tout le monde crève. Ils en avaient vraiment marre. Une queue de poisson. Il en avait marre. Je vous invite à regarder le making of de H où on voit vraiment des comédiens qui n'en peuvent plus. Ouais. Et on voit jamais le deux insulter des auteurs en disant mais c'est de la merde ce que vous écrivez. Mais c'est vrai que quand tu regardais, tu disais mais attends, là ils ont complètement lâché la rampe. Moi je me souviens d'un truc qui m'a marqué, c'est que pendant très longtemps, Jamel s'appelle Jamel Dridi. Et il y a un moment donné dans la série où ça bascule et on l'appelle Jamel Debbouze. On s'en a plus rien à foutre, le mec n'est même plus un personnage. Mais les auteurs en face disaient... Ils disent Jamel Debbouze alors que tu fais, ben non, le gars il s'appelle Dridi depuis le début. C'est vrai dans ce sens-là, mais c'est aussi vrai dans l'autre sens où les auteurs disaient, mais de toute façon, enfin, on écrit des trucs et ouais, il ne joue après, pas. C'est donc vrai que ça avait l'air d'être un enfant. Veulent, et d'ailleurs, le mec qui joue le professeur Strauss déteste cette série, déteste qu'on lui parle de cette série, déteste très qu'on l'arrête dans la rue. Pour ah ouais, enfer. Ouais. Bah c'est surtout qu'on lui parle que de ça, alors que le mec a fait plein de trucs. Ouais. Je me permets de vous lire l'avis de. Et la tendresse, bordel. Exactement. Je me permets de vous lire l'avis de Manouche Sueur de Bite. Manouche Sueur de Bite. Manouche Sueur de Bite. Allons, bah. Qui nous dit médecin plus que moyen, prix annoncé à l'entrée 30 euros, prix final 70 euros. Ah. Foutage de gueule pour une consultation de 1 minute 30. Je lui vomis dessus. Ah donc ça revient quand même. Tout le monde, il provoque la gerbe visiblement. Ouais. C'est une honte de pratiquer de cette. Je gerbe moi-même en même temps, je vomis. C'est une honte de pratiquer de cette manière à fuir. Mais non, et mais bon. Ça n'a pas de sens cette histoire. À un moment donné, pourquoi ce gars continue d'exercer? C'est surtout pourquoi les gens continuent d'aller chez lui si. Aussi. Parce qu'en fait, je pense que les gens, il y a des gens qui n'ont pas le réflexe d'aller voir sur Google la vie. Je pense qu'il y a ça. Tu sais que ça donne un peu envie d'y aller quand même. Bah avec une caméra en caméra cachée de ouf. Après nous avoir reçu, il n'a pas daigné regarder l'œil de mon avant, de mon amant peut-être, je sais pas. Enfant je pense. Enfant. De mon enfant. Ouais. Je sais pas. S'appuyant uniquement sur les notes de son assistante que j'avais vue avant. Entre parenthèses, j'ai passé 1h30 dans la salle d'attente pour tirer ses conclusions. Surpris qu'il nous dise au revoir, je l'informe qu'on nous a fait mettre un collier dans l'œil de l'enfant et patienter plus d'une heure soi-disant pour que l'examen se passe bien. Ne veut-il pas regarder son œil? C'est alors qu'il jette un furtif coup d'œil sur l'œil de mon enfant et effectivement, comme vous pouvez vous en douter, sans conclusion aucune. Par contre, merci pour la facture à la caisse qui prend soin de conserver votre carte vitale quand vous arrivez. Il ne vous la rend qu'après vous avoir réglé la douloureuse. C'est Audiard qui est allé. La sécurité sociale devrait vraiment faire plus de contrôle car me voilà bon pour un autre rendez-vous avec un vrai ophtalmo cette fois-ci. Perte de temps pour moi, perte d'argent mais pour le contribuable. Pourquoi les gens payent en fait? C'est incompréhensible parce que c'est la carte vitale. Ils gardent la vitale derrière le comptoir. Ah oui. En fait, t'arrives, ils te prennent. Oui, vous avez la carte vitale, mademoiselle Lenon? Oui, bien, je la prends. Tu vas faire ta consulte. Et après, tu ressors de la consulte. Tu veux récupérer ta vitale non, et il faut moi, payer la d'abord. Mais, tu la laisses en otage. Question corollaire, pourquoi il ne plante pas la personne qui garde ta carte vitale pour la récupérer et ne pas avoir parce à payer? Parce qu'on n'est pas dans une zone de non-droit, Damien. C'est Red Dead. Pour moi, la vie, c'est Red Dead. Si ce mec empoche autant d'argent sans rien faire en traitant les gens comme des merdes, on est un peu dans une zone de non-droit. Là, je pense qu'il va se passer quelque chose parce que les gens commencent de plus en plus. Moi, je lis tous les commentaires. Ils s'organisent. Non, mais il y a de plus en plus de. J'ai écrit à l'ordre des médecins, j'en ai parlé. Une page Facebook, un groupe, un truc. Alors, ça doit exister. Tu m'offres dans les mains une transition. Le peuple, il faut pas le chercher trop, tu vois. Parce que cette situation, enfin cette petite histoire a pris un tournant récemment, pas forcément pour me plaire, pour le coup. Je m'en fous d'ailleurs, mais en gros, je suis pas le seul à avoir observé que le docteur Guigui était potentiellement le pire ophtalmo de l'Île-de-France, voire du pays. Ouais. Puisque en fait, un groupe du forum jeuxvideo.com, le bien nommé, sont tombés dessus Et ils ont fait la justice par eux-mêmes. Ils ont fait non, non, non. Pour le coup, non. Mais juste, ils lui mettent, ils mettent des commentaires avec des blagues. Bon, pas du meilleur goût, mais on n'est pas non plus sur le ce dont ils sont capables de faire. Mmh. Et en lui mettant 5 étoiles. Donc là, sa note est en train de remonter parce que c'est en mode ironie. Mais voilà. Donc du coup, là, la note remonte, mais ne vous laissez pas avoir. Mais c'est ça quand tu me disais qu'il y a un raid. Parce que moi, je pensais que c'était fait raider. Tu sais, comme les mecs qui font des lives et. Ah non, non, non, pardon. Ah d'accord. Non, avec des avis Google. D'accord. En fait, okay. il a une meilleure note Google non, c'est qu'avant. Soité, pardon. Oui, d'accord. J'ai cru que c'était ça en fait. Soité. C'est ça qu'on dit non? Ah je sais pas. Tu sais quand il y a un mec qui fait un live gaming et il y a des gens qui appellent gaming. Ouais. Non mais pardon. Ils font un live manette. et les mecs appellent le SWAT en disant ouais il y a un terroriste à telle adresse et tout et du coup en live le mec se fait défoncer sa porte. T'as jamais entendu parler de ça? Non non. Jamais. Ah mais c'est un vrai truc. C'est dingue. Je crois que ça s'appelle le SWATing il me semble. T'es fort en web toi. Hein, quand même. J'adore le web c'est mon quartier c'est mon TX. C'est ton TX. Voilà. C'est ton TXon. Mon tiek ça. Ouais, d'accord, ok, directement. Je et comme aussi, la dernière fois, on se quitte quand même sur. Enfin, on quitte cette petite rubrique sur le Dr Guigui avec une critique positive. Ah. Parce que de temps en temps, il y a une critique positive, et alors on est en droit de se demander bah, de qui, de quoi ? Il y en a très peu, ne serait-elle pas inventée par peut-être un ami du Dr Guigui ou le Dr. Je vous la lis, je ne pense pas, parce que la personne s'appelle Jessica, donc déjà, visiblement. Jessica, c'est au-dessus de Jessica. Bon, après, elle n'a qu'un seul avis sur Google, mais voilà. Oui, j'étais un peu craintive à la vue des nombreux mauvais commentaires. J'ai premièrement pu avoir un RDV en 5 jours contre 3 à 4 mois pour les autres ophtalmos. 3 petits points. No comment. Elle a mis que no comment, qui est un commentaire, on est d'accord ouais. Les gens qui disent no comment, bah, c'est un commentaire. Tu viens de le faire. Donc arrête. Je dis ça, je dis rien, tu viens de le dire. Ouais, voilà. À la sortie de mon rendez-vous, entre parenthèses, prévoir une bonne heure. 3 petits points. Comme dans tous les cabinets d'ophtalmologie. Re, entre parenthèses, donc là, il y a une double parenthèse. J'en ai pas mal fait, 26 ans que je porte des lunettes. Elle ferme les deux parenthèses. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde a laissé de tels commentaires. Les assistantes sont agréables et joviales. Joviales. Je dis pas ça parce que c'est mes collègues, du tout. Le docteur Guigui est rigolo, mais surtout compétent. Ah. Que demander de plus? Seul point négatif, les locaux sont quelque peu défraîchis. Donc clairement c'est une employée. Là j'aime et bien. Et elle en a marre que la peinture craquelle. Oui, voilà, il c'est s'est vraiment... dit on peut pas faire un commentaire 100% positif. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut critiquer? Pas la. Il y avait un peu de mais poussière. C'est... Ouais. C'est un peu fin. Moi je trouve que je m'attendais à ce que ce soit un commentaire. Alors là franchement tous les gens sont de mauvaise foi parce que c'est super, mais y en avait c'est formidable un, y en, y en, et ça résout la dette a... de l'Europe. Enfin tu vois, je pensais que ce serait un truc non, beaucoup plus. Il y avait eu un, il y avait eu, on avait lu à l'époque un comment. Un commentaire justement qui disait enfin qui était vraiment pour le coup écrit par le docteur Guigui parce que ça faisait des caisses, genre il m'a rendu la vue. Oui, c'était souviens. Vraiment ça, non mais c'était vraiment ça, il m'a dit je ne voyais plus rien depuis des années et maintenant je vois quoi. C'était le gars, c'était Jésus. Miracle. Donc OK. C'est... Donc voilà, je termine juste sur ce commentaire d'Hicham. Le standardiste me sort putain par téléphone et m'a raccroché au nez. Oh mais c'est extraordinaire. Impeccable. Il s'essuie la bouche puis me touche l'œil sans se laver oh les mains. Oh allez. Vache. Il ne se prend pas pour une merde, alors que c'en est une grosse, c'est bien puante. Avec son costume trois pièces et un nœud papillon d'un goût très douteux, ce docteur est d'une prétention à toute épreuve. Il est là uniquement pour l'argent, l'accueil est très médiocre à éviter. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de faire un floodcast en direct de la salle d'attente du docteur? Ce serait génial. Ce serait poussé peut-être un peu loin. Mais en tout cas, je continue à vous donner des nouvelles de ce monsieur parce que. Mais moi, j'ai très envie d'aller le voir, le docteur Guigui. Voilà, bah vous pouvez regarder son cam. Vous péter la gueule un peu. Ouais, bah écoutez, en tout cas, s'il y a des gens, ne le faites pas, n'appelez pas l'ordre du médecin si vous n'y êtes pas allé vous-même chez le docteur Guigui. Mais, ouais. Mais c'est vrai qu'il faut. En fait, il faut pas. Faire quelque chose, non, mais faut pas avant hésiter parce que. Hein. Faut pas comparer un médecin à genre une épicerie un ou un resto. Bah oui. En fait, c'est-à-dire que là, on parle vraiment de santé. Mmh. Et là, ceux-là, ils sont rigolos. Mais la dernière l'émission où on en avait parlé, il y avait vraiment quelqu'un qui dit bah, j'ai des migraines atroces, je vois plus de l'œil gauche. Enfin, on parle vraiment de quelqu'un qui blesse en fait. Limite des infections et des trucs. Bah, il s'essuie la bouche avant de toucher les yeux. Donc vraiment, c'est l'inverse de ce qui. J'ai vu Hippocrate. Ils font pas ça. Hein, Hippocrate. Hein, donc voilà. Dans Grey's Anatomy non plus. Non, ils couchent entre eux tout le temps. Mais en tout cas, ils s'essuient les mains. Ils se lavent les mains entre deux trucs. Ouais, c'est la base. Les amis, on peut passer au thème de cette émission. Ah. Il s'agit de la drague, la séduction, séduire, draguer. Mm-hmm. Je vous ai demandé si vous aviez des anecdotes sur le sujet. J'ai envie de lancer Lucien comme ça, parce que t'es celui qui m'a répondu en premier en disant j'en ai. Donc je me suis dit, vas-y, tu seras le premier j'en ai à le partager. Mais est-ce que est-ce que tu veux orienter, est-ce que c'est écoute plus, je sais pas ce que t'as à me proposer là. Moi j'avais quelques points, évidemment il y a le fait de draguer, ensuite le fait d'être dragué, ensuite je voulais faire une petite phase sur les phrases de drague, ouais. Et après on ira sur des sites internet qui expliquent comment draguer pour qu'on apprenne tous ensemble. Oh la vache. Donc je sais pas, commence par ce que tu veux, être dragué ou dragué, un des deux. Dragué, mais alors ouais, moi j'ai toujours été assez nul là-dessus. Et j'ai parfois fait des trucs, des moves de drague, mais qui sont pas forcément. Non, il y en a un où moi je trouvais ça très stylé, je trouvais ça très romantique, mais ça a été un vibrant échec. En fait, je faisais un atelier de théâtre qui s'appelle Jack Walter. Je pense que ça existe encore à Paris. Jack Walter. Qui est d'ailleurs un atelier bilingue, puisque c'est un mec américain qui vient de New York. Wow. Et c'est super. Okay. Et il y avait une nana dans ce cours de théâtre que je trouvais vraiment sublime, et je la trouvais bonne actrice. Enfin, j'étais séduit, quoi. J'étais un peu coup de foudre, quoi. Et j'avais entendu dans une conversation entre élèves, quoi, qu'elle travaillait à l'Hôtel Amour. C'est un hôtel dans Paris. Oh là là. Voilà. Et je savais qu'elle bossait, elle était manager, je sais pas quoi. Et moi, je bossais dans des hôtels aussi. J'étais veilleur de nuit pour payer mes cours et tout ça. Et je me suis dit, je vais faire un truc un peu stylé. Enfin, moi, je trouvais ça stylé. J'ai écrit un mot... sur TripAdvisor. Non, un mot mignon, genre, je te trouve vraiment très, très belle et hyper séduisante. Si tu as envie, je te propose d'aller boire un verre, machin. Et je lui ai envoyé... je l'avais écrit à la main. Je lui ai envoyé par fax, avec le fax de mon hôtel, de l'hôtel oh où là je là travaillais. Ouh là là. À son travail. Ouh là là. À l'hôtel Amour. Parce que j'avais pas son numéro, non, tu vois, non, j'ai, non, j'avais non, pas assez parlé non. avec elle. Voilà. Est-ce que c'était stalker? Est-ce que c'était. Bah, tu la mets dans une non, position délicate, stalker, ouais, je sais pas, mais. Tu l'as envoyé à l'hôtel où elle bossait? Ouais. J'ai mis ce message. À elle, oui, ce message c'est-à-dire est adressé tout à machine. Oui, c'est tous ses collègues ont pu le lire. Ouais. Ouais. Mais elle a répondu. Et après, en fait, après, bah, elle a répondu au fax. Attends, vas-y. Non, mais c'est pas stalker, mais c'est genre, c'est pas très. C'est un peu nul, ouais. C'est ouais, pas. Non, mais à l'époque, je trouvais ça stylé. À l'époque, je trouvais ça stylé, mais. En et fait... un peu ringard, parce que c'est quand même un fax, quoi. C'est vraiment le, le moyen de communication plus ringard. Sachant et... que c'était l'an dernier. Non, mais c'est vraiment bureautique, quoi. C'est de la bureautique, quoi. Complètement. C'est complètement. Le moins romantique. Mais elle m'a répondu bureautique. Il y a mail avec un objet, et c'est une phase de drague, c'est rigolo aussi, quoi. Genre, objet, ton cœur. Et le texte, c'est avec la pièce jointe, c'est mieux. Ouais. Et elle m'avait répondu par fax. Ouais. Crève. C'est son doigt. Non, elle m'avait dit. Comme ça. Elle m'avait dit, c'est qui Ah, elle savait pas qui t'étais en plus. Ben non. Oh ah, bah flippant là, du coup. Très mais flippant. T'es mauvais, mais qu'est-ce non, mais voilà, nul à chier. Ah oui, donc si t'avais pas signé. Bah, attends, je vais pas vous raconter des anecdotes de drague. Tu pensais qu'elle allait dire, ok, une date aveugle à un gars qui lui envoie un fax. Non, mais vous l'aurez c'était logique. Enfin, moi, ce que je voulais, c'était piquer sa curiosité, tu vois, qu'elle se dise ah, oh, ok, quelqu'un qui sort de nulle part. Un secret. Ouais, voilà, mais tu donc, t'avais pas signé. Non. D'accord. Et après, elle m'a répondu c'est qui. Et donc, là, je lui ai dit en plus, j'ai fait un vieux jeu de piste, un jeu de mystère. Oh là là. Alors, on se voit tel jour et tel jour, c'était le jour des cours. Oui, bon, t'es Lucien. Oui, bon, wow. Bon, ok. J'ai bien remarqué que tu me regardais fixement. C'est un peu flippant, si tu pouvais arrêter. Tu es en face de moi au moment où j'écris ce fax. Donc, c'est vraiment, tu es caché derrière la plante verte, le tuya. Non, mais dans le genre flippant comme ça, moi, j'ai une histoire à laquelle je viens de penser, j'y avais pas pensé quand tu m'as parlé du thème, c'est que j'ai reçu un jour chez moi, je suis née fin août et j'étais en vacances, donc je reviens chez moi début septembre et je vois une carte postale glissée sous ma porte. Sous ta porte. Mais pas, il y avait pas de nom, il y avait pas d'adresse dessus. Donc c'était vraiment genre quelqu'un l'a déposé mais quelqu'un avait le code parce qu'il y a quand même une gardienne. Enfin tu voilà. Ah. Quelle était l'image juste sur la carte postale? Une photo. D'accord. Une photo d'un paysage. Une paire de cul. Ouais, c'était ma question. La non. Il y a du Nichon à Saint-Tropez. Non, justement, une photo d'une ville au Danemark. Ok. Okay. Et je connaissais personne qui était allé au Danemark cet été-là. D'accord. Marc, s'appelle Marc, peut-être. Anne-Marc. Tu vois, alors, je suis allée sur des pistes comme ça. Et donc, il n'y avait pas mon nom, pas mon adresse. C'est-à-dire que la personne sait dans quel appartement je vis dans cet immeuble. Donc là, c'était le concierge, dire, voilà. Tout simplement. Et je me dis, il n'y avait rien écrit dessus, il n'y avait pas un mot, juste ma date de naissance, 28 août. Horrible. Oh là là, non, là, c'est horrible, ça fait que c'est tueur en série à mort. Ah ouais, ça, bah, j'ai pardon, mais j'étais un peu moins flippant que ça. Il y avait juste écrit, vous êtes invité au Fire Festival. Non, alors premier truc que je me dis, c'est Lucien. Non, mais je comprends. C'est on ne se connaissait pas. Mais c'est pas assez nouvelle technologie pour Lucien. Lui, il faut qu'il y ait un fax, un Minitel, un télégramme. Et j'ai fini par. Je pense savoir qui c'était. Je dirais pas son nom. Parce que j'ai, c'est Nicolas Bedos, donc on peut le dire. J'ai fait une enquête pour savoir. Parce qu'en fait, il y avait juste écrit. Pardon. Non, alors attends, je précise. Il y avait écrit donc, ma date de naissance et un nom de ville que je connaissais pas, donc je google, je vois que c'est au Danemark, c'est ton vrai père. Et là je regarde sur Facebook qui dans mes contacts a pu aller au Danemark pendant les vacances et je vois mec. T'es vraiment en mode Batman quoi, tu veux savoir qui est derrière. Moi j'aurais pris un RTT immédiatement. Ouais, bien sûr. Mais non, mais je flippais grave parce que le gars il avait ma porte quoi. Oui, c'est vrai. Oui, pardon. Là, c'est horrible. Et en fait c'est un gars qui m'avait dragué dans mes cours de théâtre. C'est vraiment Lucien. J'ai voyagé au Danemark. À l'époque, je travaillais à l'hôtel Amour, donc si tu veux. Non. Mais donc voilà, ça m'a fait penser le côté genre pas signé et tout. Et alors, je lui en ai jamais parlé. Donc j'ai pas de certitude. Il y a pas eu de. Je l'ai croisé plusieurs fois dans mon quartier. En disant ça va le dingo. C'est pas une méthode de dingue, c'est nul à chier. Pourquoi ta date de naissance n'a aucun sens. Je l'ai croisé, il sortait d'un buisson, genre. C'est fou de se croiser par hasard. J'étais au Danemark il y a deux minutes. Voilà, il a toqué à ma fenêtre et je me suis dit, ah tiens, c'est marrant. Ah, non, enfer. Mais non. Non, mais... c'est pas vrai ça. Non, c'est pas vrai. Non, mais quel enfer. Ouais, c'est... Quel enfer. Marjorie, t'as vécu un truc, toi, de drague un peu. Alors, moi, je drague pas. Tu t'es peut-être fait draguer de façon horrible. J'aimerais bien savoir draguer, mais. T'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, j'ai parcouru quelques sites web qui te donneront tous les conseils dont tu as besoin. Que quand j'ai bu, là, ça m'enlève toute peur du rejet. Mais bon, même là, ça va être gênant. C'est genre, ayons une relation sexuelle. Genre, c'est pas. Il n'y a pas de transition. Ça a le mérite d'être poli. STP. Mais je me suis Adrien vient de tendre une bière. Je voulais que ça reste entre nous. C'est une blague. Bon. Oui, mais tout le monde arrive. Cette blague de violeur, j'aurais aimé qu'elle reste entre nous. Mais non. Tout le monde sait que c'est pas sérieux. Je me suis fait draguer deux fois et de manière assez gênante. Alors récemment, j'étais à Londres. Seul également. Bah voilà. Et pourquoi pas. Et alors, il y a quoi? Bah quoi? Il y a un mec qui arrive vers moi. J'étais en train de faire du patin. Voilà. J'étais dans mon truc. Dans un endroit approprié. À Hyde Park. D'accord. Et il y a un mec qui arrive, mais vraiment, genre en panique devant moi. Il me fait: est-ce que t'as un pansement, s'il te plaît? Donc en anglais, car je suis bilingue. Ah oui, donc il a compris tout de suite. Donc il avait dit quoi? Tu pourrais raconter en anglais? Band-aid. Ouais, il m'a dit: do you have a band-aid? Ouais, après il a l'accent britannique, j'ai l'accent américain, désolé. Je te le fais. Est-ce que quelqu'un sait faire l'accent british? I'm sorry. Do you have a band-aid? Because I hurt my knee when I fell for you. Grosse merde. Tu l'as pas mal fait. Grosse merde. Alors on peut traduire comme un ami non bilingue. Oui, pardon. Et il dit: est-ce que t'as un pansement? Parce que je me suis vraiment blessée au genou quand je suis tombée pour toi. Et en fait, c'est pas une expression en français. Oui, oui. Genre, je suis tombé amoureux de toi. Je suis tombé amoureux, donc je me suis fait mal. Voilà. Je suis tombé pour elle. Excusez-moi. Ça ne se dit pas. Désolé, Pascal. Mais c'était marrant. C'est que j'ai quand même ri. J'ai fait. Il a dit. Et du coup, du coup, non. Et du coup, parce que je bande. Je sais pas si ça. J'ai dit non, mais j'ai dit bien joué. J'ai eu aussi un mec très. Do you have a condom? Because I fall on your. Ouais, non, laisse tomber. Et il y a un mec aussi qui m'a dit, alors ça c'était très bizarre, il est venu me voir dans la rue, il m'a arrêté, il m'a fait enlever mon casque, ce que je déteste. Alors ça on va pas sortir, déjà, alors pour moi, bon, justement je réagis, un casque audio signifie ne m'adressez pas à la parole. J'ai une porte fermée, hein. Mais que ce soit très clair pour toutes les personnes qui écoutent, vraiment c'est insupportable. C'est un verrou, voilà, c'est un verrou. Ah ouais, non, et donc il me fait enlever mon casque, je fais oui. Oui, avec un sourire vraiment passif-agressif, et me dit et là je sens qu'il panique. Là je sens qu'en fait c'était un truc de drague. Il s'attendait pas à ce que t'enlèves le casque. Et en fait il a paniqué. Il s'est pas en courant. Il m'a dit: Je voulais savoir, est-ce que vous savez où il y a une boulangerie? Et donc c'était très mauvais. Parce que t'as des grosses miches. C'était le même mec, mais moins. Mais en fait, moins stylé. C'était vraiment pas réfléchi. Parce que si t'aimes les croissants, ouais. Non. Et je me suis retournée et il y avait une boulangerie derrière moi, derrière mon dos, vraiment. C'était donc. C'était l'usuel suspect. Ouais, c'est l'usuel suspect. J'ai vu la boulangerie, il a paniqué et je suis. Et il y a eu un silence, j'ai remis mon casque. Je m'appelle Étienne Pâtisserie. Étienne Casque JVC. Et dernier truc nul qui date d'il y a deux jours, mais c'était pas spécialement adressé à moi, mais il y a un mec dans le métro, d'ailleurs vous le connaissez peut-être, parce que j'imagine qu'il fait ça assez souvent. Ah bah c'est Patoche. C'est Patoche. Il vient dans le métro, il fait « Mesdames et messieurs, je ne viens pas vous demander de l'argent ». Je suis célibataire. Ah oui, s'il y a des femmes, j'ai vu un truc comme ça passer. Ouais. Qui sont intéressées pour faire un moment de vie avec moi, pour ne pas les embarrasser, je vais sortir à la prochaine station. C'est toute une stratégie. Hein. Le mec, putain, qui j'ai jamais. Je ça. M'assois est-ce sur le banc. Si vous êtes intéressé, vous vous asseyez sur le banc à côté de moi et je saurai que. Mais c'est non, mais mignon. Un truc, bah, je trouve ça mignon. Est-ce que tu sortirais du. Bah ça dépend qui c'est. Ah, le problème, si c'est que je suis sortie mais... de la rame à ce moment-là non, et tout le monde m'a regardé. C'était horrible. En hurlant salope. Va baiser. Mais ceci dit, il était un peu mignon parce qu'il a dit si vous avez honte, vous pouvez sortir à la prochaine station. Reprendre dans l'autre sens. Reprendre dans l'autre ouais, bah, sens et vous asseoir, je vous attendrai. Tu ne mérites pas tant. Moi j'aurais dit tu veux pas, je te file plutôt un ticket resto. Vraiment, ouais. Moi, je préfère quand c'est comme ça en fait. Bon, je fais un chèque, tu mais veux. Au moins, c'est pas agressif. Je veux dire, le mec, non. Il a vraiment réfléchi il est pas à une méthode. Pour pas mettre la fille dans une situation. C'est plus c'est dépressif que oppressif en fait. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Bah, c'est peu engageant quand même, en vrai. Ouais, mais il y a une petite même tendresse. Si c'est comme ça que mes parents se sont rencontrés perso, mais voilà. Mais... Oui, mais ça veut vraiment dire qu'il est prêt à prendre n'importe qui, quoi. Ah oui, tout à l'heure. Ah non, mais par contre, il est en chien, Ken, hein, ça c'est clair. Il hein, veut c'est... vraiment Ken en fait. Bah, oui, bah, oui, si ça se trouve, ça lui arrive. Enfin, je pense que ça doit fonctionner. Il était pas très joli. Il était pas très joli. Ouais, alors ça. Oui, mais ça c'est pas forcément un argument. Et pas très soigné non plus. C'est pour ça qu'on était tous prêts à lui donner de l'argent au départ quand il est rentré. Et il nous a pris au dépourvu en disant non. Peut-être non, en fait qu'il y a des meufs à dire, il fait non, en fait je veux de la thune. Ouais, c'est ça. Vraiment, je suis moi de la thune. En fait, c'est juste qu'il est justement, il se lave pas et en fait il fait ça, il couche avec la meuf et après elle lui dit tu peux prendre une douche si tu veux. Il fait en fait c'était vraiment juste pour ça. Wow. Je sais pas demander à prendre une douche. Donc j'ai fait. Soit la stratégie la plus complexe. Ouais, pour prendre une douche. Ouais. C'était un peu ça la blague, Marjorie. Ok. Adrien ? Eh ben du coup, je fais mon malin, mais non, j'ai pas. Ouais. Des trucs même au collège, non non, il y a un truc que j'avais raconté déjà dans le podcast, mais je peux le. Mais j'étais vraiment. J'étais en école primaire, quoi. Ah oui, donc ça devait pas être. Et il y avait. En fait, j'avais un très mauvais niveau à l'époque avec les filles, mais comme il n'a pas tellement évolué les 20 arrête, années suivantes. Tu m'as proposé une bouteille de bière il y a deux secondes. C'est quand vrai, même, c'était un beau move. Non, ça déjà, il le faisait quand il était à l'école primaire. Ouais, je faisais ça, c'est très mal vu. J'étais viré de l'école. Non, mais j'étais amoureux de Carole. On l'embrasse. Qui, voilà, et Carole Bouquet. Et Carole avait plusieurs. En fait, elle avait une liste d'amoureux, Carole. Ah, c'était la meuf populaire. Voilà, mais. Bah, c'est l'inventeuse du polyamant. C'est exactement. Qui... Ah, okay. C'est okay. L'idée. Exactement. Ouais, voilà, déposer le brevet. Et elle avait une liste d'amoureux et qui. À l'époque, les tableaux Excel n'existaient pas, donc elle faisait tout à la main. Ah ouais. Et ça changeait, tu vois. Tu on a perdu le goût de l'artisanal de l'époque. Ouais, hein, voilà, ouais, c'est vraiment. Tu faisais au crayon à papier pour pouvoir effacer et changer les. J'ai pas allé jusque-là. Elle gardait sa liste pour elle, hein, donc okay, je sais pas comment elle faisait, mais tu pouvais être troisième et puis le lendemain, t'étais premier. Oh donc là t'étais là, son pression. Amoureux, quoi. Et j'étais arrivé c'est en haut de la liste. C'est un peu le top 50. C'était un peu, j'étais numéro 1 des charts, du coup, d'accord. Une fois. Et donc là, j'étais l'équivalent un peu... de Ozone dans son cœur. C'est ça, exactement. Ou Camini. Voilà, tout simplement. Et donc j'étais numéro 1, donc c'était. On était. Toujours en fait, son amoureux. Ce qui était un peu triste, c'est que moi, j'étais pas. Enfin. Pff, mais c'est juste, bon, bah, elle est amoureuse de moi, donc on va dire que je suis amoureux d'elle. Que ça, parce que. Fait. Non, puis il y avait un côté, bon, bah, elle était plutôt open, tu vois, sur le, tout ce qui était. Carolation histoire... libre. Pas mal. Ah, oh, slow clapping et tout. Non, juste on en t'offre deux ou trois. Ouais. Voilà, mais moi, ils seront espacés sur toute l'émission. J'en ai fait un. Non et du coup comme j'étais son amoureux du moment, elle m'avait écrit un mot. Et est-ce que t'avais reçu un mail félicitations vous un êtes fax. Aujourd'hui un fax. Non et elle m'avait écrit un mot et il y avait marqué des trucs je sais plus genre tu es mignon et j'étais habillé en fluo parce que c'était les années 90 à l'époque, j'étais habillé en fluo et elle avait écrit en fluo tu es beau. Je crois que je me souviens, t'avais raconté ça. Voilà, et du coup, moi, vraiment dans, le, dans une économie de. J'étais déjà prêt à l'époque, j'étais déjà hashtag on est prêt. J'avais. Et bah, par contre, une maîtrise du verbe assez limitée, et de la romance surtout. J'avais. Genre, à la limite, tu es mignon, j'avais rajouté NE à la fin. Et j'avais barré beau, j'avais écrit belle et je lui avais rendu. Parce que c'est lié en fluo elle aussi. Et c'est là où je veux en venir. C'est qu'elle avait lu le truc, elle avait fait. Donc déjà elle a fait, c'est mon putain de mot connard. Elle m'avait pas dit mais j'avais vraiment vu ça dans son regard. Genre c'est mon mot en fait tu vois. Et elle l'a lu et elle m'a dit, mais je suis pas habillé en fluo. Et j'ai dit, et j'ai dit un truc du genre, ouais bah même. Et elle fait ok. Et vraiment j'ai voilà, tu es à la sixième place. T'es descendu, j'ai, t'as chuté. Je brûle la liste immédiatement. Et donc voilà. Donc très mauvais en drague. Et c'est peut-être pas par hasard que je n'ai pas de souvenir de drague. Mais surtout que là longtemps. T'avais même pas dragué. Tout était déjà cuit, c'est dans vrai, l'assiette même... c'est... T'as tout alors, saboté un truc qui était déjà. C'est vrai. Oui mais c'est. En fait c'est parce que c'était un peu ça moi. Mon truc c'était de des... Pendant très longtemps c'était vraiment des filles où c'était vraiment sûr, il y avait juste à faire le 0,5% de fin et je le faisais pas quoi, c'était un peu ça mon problème. Mais quoi. Tu le faisais pas consciemment ou c'est je juste le faisais c'était pas parce que ne, je t'avais la pas, peur quoi. De gagner par quoi peur, comme par ouais, peur. La, comme ouais ouais le blocage quoi. Ah ouais. Genre je me souviens d'une j'étais à une soirée chez un pote où on était genre 5-6 dont une meuf que j'aimais bien. Alors c'est pas de la drague mais comme j'ai pas vraiment je suis pas vraiment t'inquiète gars voilà mais et en gros je suis assis sur le canapé, la meuf s'assoit à côté de moi et déjà pardon mais message de ouf on sait ce que c'est ce que ça veut dire hein. J'aurais bah, dû, bah, ça veut dire j'aurais y a dû pas passer de siège ailleurs ouais. Non non pour le coup en plus voilà et il y avait du monde dans la pièce et il y a quelqu'un qui dit ah bah je vais aller dans une autre je vais aller dans la chambre moi tu vois machin. Et il s'en va et je crois que genre il revient et il prend quelqu'un qui était resté dans la pièce genre ouais viens on s'en va et tout machin. Genre on était du coup tous les deux oh dans la là pièce là. La meuf on discute et tout machin. Je suis pas hyper à l'aise parce que je suis pas small talk voilà. Flaubert non mais fait... tu peux arrêter la musique tout de suite de l'habillage musical parce que ça s'arrête là tout simplement. Il se passe rien du tout quoi. Et, mais là mais oh, en c'est fait, ouais. Non parce que là quand je le raconte dans votre tête et dans la mienne aussi c'est évident que genre bah mec c'était voilà c'était il y avait sauf un truc, que moi c'était un genre un mois plus tard où je repensais à cette soirée et je me suis dit ah mais en fait non en fait ah c'est ouais. Pour ça qu'ils sont pas ils ont quitté la pièce mais et tout non. Je les pièces du puzzle jure et tard. Là j'avais 16 ans quoi tu m'offres un lancement des plus jolis voilà. Car j'ai demandé au Curious Cat genre prévenu qu'on avait ce ouais, thème ouais. Et un truc qui est revenu souvent c'est je ne vois pas quand on me drague. Est-ce que c'est un truc allez-y hein, je vous en prie prenez la parole Anna toi tu le vois bah, quand on me drague. Alors ça dépend comment c'est fait. Ouais. Il y a un truc que j'ai vraiment pas vu venir. Juste j'étais ça a l'air gênant un peu. Oui non c'est un peu gênant mais enfin c'était très gênant sur le moment. En fait j'étais à New York bah, avec Laura. Et on avait un Airbnb avec, où les hosts étaient habités avec nous. D'accord. Et le dernier soir, on est prête à. Enfin, c'est notre dernière soirée. Et ils nous proposent d'aller dîner ensemble et d'aller boire un verre. Donc, sympa. Oui, sympa. On se dit, bon, ok, on aurait bien fait autre chose, mais en même temps, c'est des petits bien. Mais donc on va, on dîne, on picole un peu. Et ils nous amènent dans un. C'était un couple, les deux, j'ai oublié okay. De dire. Il nous amène dans un bar japonais où on boit que des alcools japonais. Donc moi, Laura ne boit pas. Moi, du je saké. Tiens très mal l'alcool. C'est le seul qui existe. Le saké. Non, ils font du et super non, bon whisky, whisky, du super bon gin aussi. Justement, moi japonais, je sais pas. C'est de l'alcool c'était... pas japonais fait par des japonais. C'était un menu genre incompréhensible pour moi. Donc je commande un truc qu'on me conseille et en fait c'était un truc hyper fort. Donc je me dis ouais, je vais me sentir pas bien dans pas longtemps. Et là, le couple, il commence à vraiment se pécho devant nous et tout. On se dit, wow, bon, attends, c'est un peu gênant. T'as fait ça comme si c'était la suite logique, oui, alors non, ça ne l'est pas voilà, du tout. Hein. Donc nous, on était avec Laura, on se marre et tout, on discute. Je ressens ma trompette. Bon, et là, ils nous disent, donc le gars était allé à Paris quelques jours et a dit, ah, c'est marrant, quand il est revenu de Paris, en fait, à la douane, ils lui ont confisqué ses menottes. Et on se dit, menottes en anglais, Marjorie ? Handcuffs. Bien joué. Ah, je la teste parce que vraiment, madame est américaine. Et si t'es américain, tu dis cuffs, tu dis même pas handcuffs. Le vieux faillot de Lucien qui a répondu avant. C'était ça. Moi je sais. La question ne t'était pas adressée. Donc on lui a pris ses cuffs. Je te demanderai des fois, Lucien. À la douane. Et elles se sont obligées de nous préciser non, mais c'était des sexy cuffs, you know, avec le fur, machin. Fait oui, on avait capté le truc. Bah, vous n'aviez pas l'air policière, donc en même temps. Voilà. Oui, parce qu'il a peut-être des cuffs, mais il n'est pas cuff. Oh, dans elle est bien. Non, pas mal. Ouais, c'était vraiment cool. Pas mal. Moi, je trouve vraiment cool, même. Et stylé. Voyant qu'on ne réagit pas. À cette énorme perche. Voilà, elle dit suce-le. Il sort sa teub et met les menottes dessus. Elle commence à raconter qu'en fait, ils aiment bien faire des jeux coquins, machin, qu'elle a un collier qu'elle met régulièrement, qui est un collier. Bah, pour c'est l'attacher. Le sketch de Cadet Olivier. Ouais, et le merci, un peu. Merci. Ouais, c'est un peu ça. Ah, bah, je l'ai pas vu. Ouais, bah, il y a un peu de ça. Ah, mais donc, elle nous dit non, mais c'est vraiment un collier. Enfin, moi, je le porte aussi comme ça dans la vie, c'est joli et tout. Mais c'est quoi, il y a une laisse, c'est ça? Ouais, c'est un choker. Ouais, je pense que c'est pour attacher une laisse. Et donc, après, c'est là, pour aller pisser. Hein, on commence à devenir très très gênés. On sent qu'ils sont à deux doigts de nous proposer un plan à quatre. Bah là, enfin, pardon, il ouais, y avait des, y avait des warnings quand même. On est en anglais, two fingers. On est d'accord. Et là, je sais pas pourquoi, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est de changer de sujet. Et je leur ai dit, Fifty Shades of Grey. Tu vas pouvoir traduire, Marjo. Voilà. Do you like, would you want to pet a snake? Voulez-vous caresser un serpent? Voilà, désirez-vous caresser un serpent? Ça n'a vraiment peu de rapport. Alors, par contre, il y a un double sens qui est facile. Mais non, parce que pour moi, ça veut dire... Mais oui, mais le double sens, moi, je l'avais pas. Mais il y avait un serpent dans la pièce? Je sais pas, je crois que j'ai eu un court-circuit dans mon cerveau. Bah tu as fait un AVC hein, tout, oui, tout simplement. Vous voulez pas plutôt me doigter? Oh merde, non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est pas ça que je voulais dire. Je voulais changer de sujet. Non mais sauf qu'en plus sur le coup c'était très... Enfin, Laura donc ne comprend pas pourquoi j'ai dit ça, elle explose de rire. Et là je me dis, mais pourquoi j'ai dit ça? Et je les imaginais en train d'avoir un serpent de compagnie, un quoi, serpent tout simplement. Comme n'importe quel punk à chien. Je suis devenue plus bizarre que ces gens. Oui, je crois que c'est l'espèce de saké chelou qui m'a. Mais donc voilà, donc j'ai pas compris cette réaction. Et du coup, comment c'est. Après, au bout d'un moment, il avait fait. Non, mais par contre, on va rentrer. Qu'est-ce qu'ils ont dit après? Alors, ont... je sais pas. Non, je sais pas si je peux raconter ça. Vas-y. Alors, en tout cas, j'étais à Cannes, on m'a proposé une partouze. Et en fait, moi, Audrey et Juliette, c'est là où je sais pas si je vais dire. À Good Monique. Mais en fait, et on s'en est parfaitement rendu compte, sauf Juliette. C'était elle qui, est encore en là. Fait... Elle est encore en train de baiser avec lui alors qu'il est. Non seulement, oui, parce qu'en plus on la laisse totalement laisser là. On est parti, on s'est barré, on a fait bon, écoute ma cocotte, si tu vois pas les signaux, tu te démerdes. Hein. Et non seulement elle s'en rendait pas compte, mais elle alimentait le truc. Sans se rendre compte. On fait le jeu de la bouteille ou des trucs comme ça. Enfin, oh, c'était merde. Vraiment. Ah, mais vous l'avez baisé en fait, je sais pas quoi. Non, et le lendemain. Elle était innocente, elle suçait le gars. Elle se rendait compte de rien, quoi, tu vois. Les œillères. Elle branlait deux mecs. Innocente, quoi. Non, et alors là où j'ai. Non, mais bon, bref, voilà, c'est tout. Je vais pas rentrer dans les détails de ce qu'ils nous ont dit, mais c'était vraiment des trucs genre. Ça a commencé par. Et si on faisait un petit jeu, on embrasse la personne qui est à sa droite. Alors, moi, ça va, j'avais Audrey à ma droite, Juliette à ma gauche, je me disais, je suis safe. Hein, je peux faire. C'est que des copines, un, ça va. Voilà. Juliette avait Nils Sarestrup à sa droite. Il a un petit charme. On est pas loin. Physiquement, on n'est pas loin. Ah, par Dieu. Audrey, elle a eu le droit à la meuf qui lui disait mais c'est quoi tes limites? C'est quoi tes limites sexuellement? Et tu trouves pas que Cannes, c'est un peu le moment pour justement aller au-delà de ses limites? Au-delà de l'extrême limite, d'ailleurs. Est-ce qu'ils ont prononcé la phrase ce qui arrive à Cannes reste à Cannes? Oh, mais évidemment. Évidemment. Dans un certain contexte. Donc on est parti en laissant Juliette sur place. Bon, pas de jugement là-dessus, s'il vous plaît. Non, aucun. Moi, j'avais sommeil à un moment donné. Ça va. Et moi, j'ai rien contre. Et le lendemain, elle se j'ai réveille. Très bonnes amies partout. Ouais. Le lendemain, elle se réveille, elle nous dit. Et hier soir, qu'est-ce que c'était bon enfant. Mais Juliette, mais tu ne t'es donc rendu compte de rien. Et on lui a tout redit la soirée. Il t'a fait un bon enfant, le mec. Et à travers notre prisme à nous, elle a fait ah non, mais je l'avais pas du tout vu comme parce ça. Parce qu'à un moment, quoi. C'est vrai, quand il m'a demandé de caresser un serpent, j'ai pas compris du tout ce qu'il voulait en dire. Elle est tout le temps comme ça, Juliette, elle voit pas les signaux. C'est trop mignon. Ouais, c'est mignon, elle a une innocence incroyable. C'est très drôle. On l'a mise en danger, tout simplement. On l'a laissée en là-bas. Le résultat de cette anecdote, c'est ça. Si vous avez lâché votre ami, bon voilà. Je pense qu'il y a quand même, au bout d'un moment, elle se serait rendu compte. Enfin, si le mec, tout le monde se met à poil. Non, mais on fait un time zone. Pourquoi vous l'enculez ? C'était une boîte, je savais. On savait qu'il jamais il ferait. Enfin, voilà, elle était pas en danger. On a fait une pyjama party tout nu, c'était vraiment. On avait oublié nos pyjamas. Donc, des fois, ça arrive de pas se rendre compte des choses. Là, vraiment, les signaux étaient vraiment. Ouais, elle les a pas vus, quoi. Mais moi, non, moi je suis pareil, hein. Moi je vois pas du tout les signaux. Maintenant, un peu quand même, non, ah non. Mais parce que les filles aussi elles draguent un peu. Moi j'ai besoin. En loose dé quoi. Non, mais moi en plus, c'est un truc qui, c'est pas du tout pour faire le caliméro, mais de confiance en soi qui fait que ça annule en fait tout ça. Moi j'ai aucune confiance en moi, donc le fait que potentiellement une meuf puisse être attirée par moi une nuit, c'était un truc que je n'arrivais pas du tout à. C'est vrai que ça c'est fou. Ouais, non, voilà. Non, mais tu vois, et par exemple, ma nana actuelle, il a fallu que ça passe par. Il a fallu que ça passe. Moi qui demande à sa meilleure pote, elle est en train de me draguer, elle fait oui, vas-y. Ah, oui, ça fait 6 mois. Et l'anecdote un peu mignonne, c'est que. Vous viviez ensemble depuis un an. Ouais. Non, l'anecdote un peu mignonne, c'est que Clara, donc ma petite amie, a fait pareil dans l'autre sens. Oh. Ah, ils sont bien trouvés. Voilà. Oh là là. On a fait les ça. Les chiens font pas des chats. On a fait non, ça à Cannes. C'est très sympa. C'est resté là-bas, du coup. C'est resté très bon enfant. C'est resté très très bon enfant. Mais les filles, j'ai l'impression, c'est dur. On n'a pas été, on est encore de cette génération qui on a dit c'est aux hommes de draguer tout ça. Ouais. Mmh. Ouais, j'ai l'impression que ça change un peu. Ah oui, bien sûr. Est-ce que c'est pas le côté Paris, les DM Instagram qui prouvent le contraire. Oui, mais si on faisait connaissance et peut-être on baise, waouh, ça va mais vite. Mais c'est toute une rééducation, qui est. Ouais, on a pas les mêmes messages privés. Parce que moi, c'est genre, je fais des courts métrages. Si tu pouvais me donner ton avis. J'en ai aussi des comme ça. Moi, c'est rarissime, mais. Ah ouais, elle te drague comment, du coup? Non, mais moi, j'ai reçu de deux personnes des trucs vraiment très directs. Il y en a une, c'était coucou. Alors, je me suis dit, c'est un spam, parce qu'il n'y a que les spams qui t'envoient. Ils disent coucou normalement. Ouais. Et vraiment, deuxième phrase. Et Christophe de Chavannes dans l'émission Coucou, c'est nous d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Il le disait régulièrement. On lui fait un coucou. Et Cyril Ferro aussi. Coucou. Non, s'il vous plaît. Ah oui, le cochon. Le cochon, les coucouilles. Les personnes de moins de 30 ans. Le pire imitateur de France. Les personnes de moins de 25 ans, normalement. Des références de gens de 35 ans. C'est moi. Voilà, appelez-moi. Envoyez-moi un fax. Et une qui m'a dit coucou et voilà, et après tu veux voir ma bite? Quasiment, parce que vraiment non, elle c'était coucou, je veux voir ta bite, puisqu'elle m'a dit coucou, tu peux m'envoyer des nudes? Mais écoute, évidemment, bien sûr, vie, hein. On se connaît absolument pas, c'est vraiment charmant. Évidemment, parfait. Tu lui as envoyé. On a qu'une vie. Non, j'avoue, j'ai cherché une répartie, j'en ai pas eu. Non, j'ai pas envoyé de nudes à cette personne. Et une deuxième. Tu régales pas ton public comme ça. Il est très secret. Hein. Il a son petit jardin. T'es vraiment timoré quand même. Timoré au chef. Tout le monde va la comprendre celle-là. Elle est bien, elle est bien. Non, mais en fait, c'est le truc, c'est comme. Mais ça m'a surpris parce que je me dis, c'est une nouvelle génération. Et le deuxième, quoi. C'était quoi? Oui, mais attends, est-ce que t'es sûr et certain que c'est pas genre. N'importe quoi. Enfin, ah, genre, peut-être, oui, c'est possible. C'est, parce que c'est non, pas un mec du 18-25 qui s'est dit. Je pense qu'il y a beaucoup de filles qui se sont soit tout ou rien, soit elle. Voilà, c'est hyper en dessous, soit c'est bon, allez, on va y aller. Mais vous, en tant que fille, sur Insta, vous devez recevoir quand même beaucoup. Moi, pas trop. Ah ouais? Moi, j'ai reçu sur Facebook des dick pics. Ah oui, directement. Ouais. Pas de. Ouais, okay. Ouais. Pas bonjour, pas. Là, c'est souvent comme ça les dick pics, je crois. Moi, j'en reçois très peu de dick pics, c'est presque vexant. Hein. Moi, j'en ai je dis pas ça. Je rigole. J'en ai reçu deux, moi. Des dick pics? Ouais. Oh, oh la chance. Ouais. Moi, je les envoie à moi-même. Si, non, il y a de la drague sur Instagram et tout, mais c'est mignon, c'est hyper. Moi, c'est hyper mignon. Moi, j'ai un truc. Pardon. Il y a Adrien qui est en train de mourir, c'est pas grave. Moi, j'ai remarqué un truc. J'ai l'impression que sur Instagram, les gens qui veulent draguer les filles, il y a toujours un truc où je vais attaquer sur pas du tout le physique. Et ça, comme ça, ça va être vraiment. Elles vont pas me voir venir, quoi. C'est genre, par exemple, une fille met une photo d'elle où elle est un peu dans la. À son avantage. Voilà, son avantage physiquement, tu vois. Elle est jolie, il peut y avoir un décolleté, tu vois, mais à la cool, quoi. Et à faire. Trop marrant parce qu'il y a des lunettes géantes sur le nez, tu vois, le truc j'en peux plus de voilà. Ça. J'ai mis du temps à me faire comprendre, mais je suis content que tu l'aies. Ah ouais. Non. Là, c'est ça, c'est genre... très clair. Ouais, tu vois. Ah, bah, dis donc, ce parquet, c'est du bois massif. Non, je plaisante. Mais ta gueule, tu as regardé la culotte. Comme tout le monde, c'est arrête. Insupportable. Moi, je vois ça aussi sur les photos, genre de filles qui sont genre modèles, ouais. Donc qui posent pour des photographes et tout, où clairement elles posent limite nues, quoi. Ouais, bien sûr. Elles mettent des légendes. Et moi, non, moi, ce que j'aime bien, c'est les mais mecs. C'est vrai aussi, ouais. Les mecs, j'avais vu une fois. Moi, quand la meuf, elle était genre en sous-vêtements. Donc la photo était en noir et blanc, elle était en sous-vêtements et tout. Et il y avait un mec qui avait commenté. J'adore le style noir et blanc. C'est genre, ouais. C'est vraiment pas ça. Arrête de faire genre, tu sais, moi je suis pas comme les autres mecs. Il y a un joli grain sur cette photo. Ah, tu es nu sur cette photo ? Excuse-moi, j'avais juste regardé le grain. Mais c'est vrai que c'est que les filles elles-mêmes, quand elles postent ce genre de photos, elles vont mettre. Je suis pas d'accord parce que moi, les gens de rigolote, j'aime bien. Alors, moi, je suis pas d'accord avec les filles. Regardez, c'est une jolie lampe. Oui, oui, non, mais je veux dire, justement. Non mais et même moi j'avoue je le fais un peu aussi hein. Quand je mets une photo où genre je suis torse nu, je mets des blagues. Mais c'est compliqué d'assumer être sexy sur les. Mais oui moi je l'assume en fait. J'assume de. Et d'ailleurs c'est Lolo qui fait très bien ça. Elle avait mis une photo d'elle un peu bonne un jour. Elle avait dit alors je vais pas faire genre je suis archi bonne sur cette photo. C'est pour ça que je l'ai postée. J'aimerais que vous la likiez. Oui, peu de temps après sa rupture d'ailleurs. Non mais cela dit, moi je dis ça mais j'ose même pas mettre des photos ou genre. C'est ça. Mais c'est vrai que c'était tout le temps dans. Vous le... savez que ça a un nom en, aux États-Unis ça sur ouais. Instagram photo. Non, ça s'appelle les thirst trap. C'est quoi du coup thirst trap. Les pièges à gens qui sont qui ont soif. Ouais, mais bah, c'est pas du tout ça du coup. Mais les photos de quand t'es beau gosse et tu fais genre l'air de rien. Ah d'accord. Ah oui d'accord. Ça s'appelle des thirst trap. Parce que thirsty ça veut dire genre t'as la dalle. Ouais, c'est l'équivalent d'avoir la dalle en français. Et donc c'est les pièges à dalleux. Voilà, c'est ça. Ouais, mais en fait la ficelle est trop grosse maintenant, faut changer cette méthode parce que c'est bah bon. Moi je me juge, merci. En même temps, elle a fait ses preuves et elle marche très bien. Pourquoi changer, je pense. Moi je poste que des dick pics sur mon Insta. Comme ça, je gagne beaucoup de temps. Que c'est mosaïqué. Ce serait drôle, n'empêche, un compte dick pic et c'est que des mosaïques dans des tons chers. C'est que ça. C'est que des photos de la personne. Mais en fait, ça fait une bit avec 6 photos. T'as les trucs un peu construits. Ah oui, ce serait bien, putain. Ouais, c'est ça, faut faire ça. On a un concept de ouf. J'aime bien, moi. Mais c'est dur. Ouais, un jour, j'ai fait un voyage avec des blogueuses. Des influenceuses. Des influenceuses. Et quand on est. Oh, c'était en Guadeloupe. À la Guadeloupe, n'importe quoi. Guada. Aguada. D'ailleurs, quand tu vas aux Saintes, je me permets de vous le dire, n'oublie pas de demander des tourments d'amour. Voilà. Ah putain merde, j'ai pas la Francky Vincent, c'est Francky Vincent. Ah merde. Ouais, non, c'est pas grave. Francky qui est, je rappelle, le nom de ton chien. Le nom de mon chien que j'adore, qui manque. Qui possède un restaurant ou pas du tout ? Non. Okay. Elle était non, mais après, si mon anecdote vous fait chier. Excuse-moi, j'ai mis une heure et demie à raconter. Tout le monde a mis une heure et demie à raconter son putain d'anecdote. On l'a interrompu 8 fois pour son putain de fax à la con. Ça valait le coup, je méritais d'être interrompu. Je voulais dire que Francky n'a pas de restaurant, mais elle était fort mal propre en tout cas quand elle est sortie de l'avion. On a toujours pas la dernière recommandation de Lucien. C'est vrai, non, mais c'est moi-même pas trop. Peut-être elle arrivera un moment, préparez-vous. Je l'ai dit très vite parce que c'est vrai que je me rends compte. Que c'est pas hyper intéressant plus que je vais dire. C'est qu'en fait, on est arrivé sur une plage et toutes les filles sont mises en maillot de bain et instantanément ont sorti leur appareil, se sont toutes prises en photo cambrées dans l'eau. Et je suis restée un peu bloquée là-dessus, déjà en me disant, non, on devait pas aller se baigner en fait, c'était pas le plan à la base. Et en fait, toutes se sont mises à se photographier. Et mais pourquoi t'es là à ton avis ? Pour des photos. Ouais, et en fait, j'étais la seule qui l'ait pas fait et j'étais un peu gênée parce que je me disais, ah merde, en fait, je dois être. En vrai, je dois être une meuf qui assume pas son corps, tu vois, ou un truc bizarre comme ça. Chacun l'assume, ça. Non, mais ouais, enfin, je sais pas. Et j'étais un peu dans le jugement, genre, oh, la vache, les influenceuses. Et en fait, et puis, à force de les regarder, je me suis dit, non, en fait, c'est elles moi qui raison, ai hein. un souci, en fait. Elles bah non, pas mais forcément ni l'une ni l'autre, un souci, en fait. C'est... Tu profites de l'instant. Non, mais il y avait un truc très bizarre, en fait, tout le monde fait la même chose. Je le fais pas. Je me suis quand même dit, attends, c'est bizarre, c'est pas normal de pas le faire. En 39, tout le monde était nazi. C'est bien d'être nazi. Non, mais il n'y a aucun jugement de valeur sur ni elle ni moi. Mais bon, ça m'a questionné. Je me suis dit, ah ouais, est-ce que je pourrais faire ça poser. T'as nagé contre courant, quoi. Moi, je t'invite à faire moi une technique que j'ai depuis maintenant quelques années, c'est d'avoir un corps dégueulasse, ce qui permet que la question ne se pose pas. Du coup, de se torse nu. Sans fausse. Les gens qui t'écoutent. Non, mais moi, j'aime pas mon corps. C'est pour ça aussi que c'est du complexe aussi de ouf. Donc moi, mais qui bien, aime son corps bah, Lucien, Lucien, Lucien, ouais. C'est vrai que Lucien, non, mais t'as un joli corps en même temps. Mmh. Il est bien, si, moi j'aime bien. Il pourrait être mieux, mais je suis content de ce que j'ai. Moi ça va, mais c'est parce que je m'en branle. J'en ai rien à foutre. C'est vraiment ça. Moi, je regarde, je fais ouais, non, mais de toute façon, c'est pas. Mais par contre, moi je pense, si j'étais. C'est une démission. Je suis pas maçon, quoi. C'est pas mon outil de travail. C'est vrai. Emmanuel, je sais pas, je manque de oui, t'es acteur, donc merci. C'est un peu ton outil de travail. Je me suis dit qu'il allait tomber vraiment dans un truc. Emmanuel Masson, que j'adore. Non, mais c'est vrai. Mais après, moi, j'étais à un moment, je voulais le faire un peu, puis j'ai pas autant de recul que lui sur mon corps. Seth Rogen faisait de très belles photos de torse nu, et vraiment, elles étaient vraiment trop bien, quoi. Il prenait vraiment des poses d'influenceuse, mais avec son corps à lui de Seth Rogen. Ouais. Alors, il y en avait des très jolies. C'est marrant parce que ça, moi, c'est le truc que je ne peux plus voir maintenant. Juste ça, c'est-à-dire. Il y a un article toutes les semaines où c'est ouais. genre il refait des poses d'influenceurs. Oui, ah, oui, oui. Ça, c'est drôle. C'est toujours en plus, il y a un peu un truc de slut shaming sous-jacent. Ah, ouais. Ouais. Bah, c'est jamais il refait les poses d'un gars, quoi. C'est toujours il refait les poses d'une meuf. Après, moi j'ai vu beaucoup de meufs refaire les poses des meufs. Oui, mais ça m'énerve aussi, en fait, même quand c'est des meufs. Mais non, mais il y a un côté justement où on est. Dans le jugement. Faut se foutre de la gueule des meufs qui assument. Ah, j'y voyais moins se foutre de la gueule qu'on rigole de nos propres corps et c'est un peu nul parce que. C'est souvent des gens qui sont loin des canons de beauté qui le font quand même. Alors, pas toujours et des fois. Ah, d'accord. Parce que quand c'est pas le cas, c'est horrible. Non, mais même. Non, mais. Non mais des fois bon bref, il y a des fois des gens, tu te dis tu n'es pas assez loin des canons de beauté pour que ce soit drôle et du coup c'est juste pas marrant, mais c'est juste un homme qui déguise en femme, quoi. Moi je trouve qu'il y a un peu souvent, enfin c'est la lecture que j'en ai en tout cas, il y a un peu un côté on se moque de ce qu'elles sont en train de faire sur la photo et genre regardez cette grosse conne, elle est en train de poser avec je sais pas quoi, et tu fais bah oui mais bon il y a, je veux dire, oui, c'est ridicule quand toi tu le fais parce que c'est pas une photo artistique. Enfin, il y a un truc un peu. On le fait tous, enfin, moi, genre, je sais pas si c'est parce que je suis une meuf ou quoi, mais on le fait un peu. Moi, je pose sur mes photos, clairement. Ah, mais moi aussi. Non, mais oui. Mais c'est avec des vêtements. Mais il y a des photos, je me trouve beau, tu vois. Bah oui, tu mets pas les trucs en valeur. Oui, mais en plus, ça, c'est qu'il y a de la mauvaise foi à tout le monde. Personne poste un selfie au hasard. T'en prends 5 minimum. Mais de toute façon, je crois qu'Adrien, toi, t'as ta chronique où tu tapes un petit peu sur les réseaux sociaux et sur toute cette. Tout ce cynisme au final, en fait. Oui. Ouais. J'ai un nom d'ailleurs à mais cette. Non, moi chronique. Je connais le nom de la chronique. C'est un coup de pied au Facebook. Oh oui. Ça, je sais. Exact. Bah oui. Exact. Et je viens tweetiller l'actu. Vous allez en prendre pour votre Instagram. Vache. La violence. Vine. Je tiens à dire. Je tiens à dire qu'on me reproche toujours de détester les jeux de mots, j'ai adoré ces trois-là. Mais parce qu'on se moque du fait que les gens font des jeux de mots dans leur titre. C'est en contre les jeux de mots, donc t'as aimé. Les non, amis. Pardon, aimé, je voulais pas vous couper. T'es un haïsseur. Les amis, qui dit drag dit approche. D'accord. Je suis allé sur quelques sites pour donner des conseils juste aux auditeurs. Jours, je t'en juste supplie. Dire, si vous êtes pick-up artiste, crevez. Voilà. Juste dire ça. C'est, non, mais c'est un petit ou alors préambule. Changer, ou alors arrêtez. Voilà. Bah, c'est un petit préambule pas mal, parce qu'on va aller sur des sites pas loin. C'est pour ça que je voulais faire un préambule. D'ailleurs, je vais pas vous dire forcément les noms de tous les sites pour pas forcément leur faire de la pub. Il y en a des noms vraiment ridicules, donc ça on va quand même le faire. Je suis sur un site qui propose les 7 meilleures phrases d'accroche pour draguer une femme. Là. Parce que je profite qu'on ait des femmes pour le faire. Évidemment, après il y aura les techniques. Fais-le nous comme si tu. Bah, c'était l'idée, vous inquiétez pas. Il va y avoir un petit retour. On n'est pas à l'abri de tomber sous charme. Et Lucien et Adrien viendront me rejoindre aussi pour les tenter. Oh oui. Avant toute chose, là on le fera. Je veux juste commencer par des phrases plus lambda. Donc pas des techniques vraiment, mais ce qu'il faut faire en général. Parce que le premier conseil de ce site sur phrase d'accroche pour draguer une femme, salut. C'est un con. Très bon conseil. Ouais, bah écoute, je suis un peu émoustillé. Je vous lis quand même. Non, mais c'est tout bête, mais tu vois, j'y avais jamais pensé. Non, moi non plus. Moi, je disais plutôt coucou et je moi, je disais 43 qui m'a pointure. Et je sautais des étapes. Date parce de que naissance, le 13-04. Ouais, commençons avec le classique des classiques parmi les formulations, celle qui reste efficace en toutes circonstances. Il gagne du temps, vraiment. Cela suffit pour aborder une femme, si vous en avez l'envie et l'énergie. L'énergie, ouais, parce qu'il en faut. Non, parce que les femmes, qu'est-ce que c'est qu'elles font en vrai, en vrai, si t'es claqué, n'aborde pas une femme. Tu vas rester chez toi. Si tu rentres du footing, prends une douche. À vous ensuite d'échanger de façon légère avec des sujets de conversation sympas et agréables. Salut, ça va? Salut, tu aurais l'heure? Excuse-moi, je suis perdu. Tu sais où est la rue, machin? Excuse-moi, tu aurais l'heure. Alors, il y a les petites phrases. Ou le docteur Guigui aussi, le apparemment. Quelqu'un a utilisé ça, apparemment. Salut, je cherche à insérer un endroit sympa comme un parc, un musée, un monument, un bar, un événement. Tu peux me dire où c'est? Peu original. Et mais un peu plus élaboré, cette phrase d'accroche est une bonne idée à condition que vous ayez une idée des goûts de la fille. Si elle paraît montrer un penchant aux arts et à la culture, que vous appréciez des sujets. On dit un penchant pour les arts. Ah oui, il y a écrit penchant haut. Oui, oui, voilà. Mais je, parce que si je chie sur ce fête, site en fait. Hein? C'est parce que je chie pas sur toi, mais sur ce site. Ensuite, il y a salut, j'aurais pu t'aborder en te disant cliché. Donc là, tu fais une phrase cliché. Je déteste ça. Seulement, c'est vraiment naze et je préfère me dire que tu me donnes envie de te connaître. Oh mais c'est chiasse. Elle nul à chier aussi. Et surtout de faire ça alors que t'as lu cette putain de phrase sur un site. J'aurais pu te faire un cliché. On t'a soufflé cette phrase, grosse merde. Tu me donnes envie de te connaître. Tu me donnes beaucoup de haine dans les minutes qui viennent. Oui, mais c'est pas si grave. Bon. Tu me donnes envie de te connaître. C'est pas une phrase d'accroche en vrai, c'est une question. Hein. Tu me donnes envie connaître. Il y a un truc qui est désagréable. Ouais, je suis d'accord. C'est un peu de ta faute en fait si je t'aborde, tu vois. Tu me donnes envie de te connaître là. Qu'est-ce que t'as? Ça ressemble trop à cogner. Tu me donnes envie de te connaître. Moi, une fois, j'ai eu l'idée et je ne l'ai pas fait. C'était à la plage et il y avait une fille que je trouvais très belle et j'ai eu l'idée d'écrire tu me donnes envie d'ouvrir un club d'échecs. Non, évidemment c'est faux. Et de lui mettre mon numéro de téléphone. Beaucoup trop absurde. Non mais, mais ça voulait dire il essayait tu me donnes envie de te faire un bisou, tu vois. Ouais, essayait de sortir avec Vincent Tirel à l'époque. Il essayait, donc il essayait de le choper avec le biais absurde, ça a marché. Bon. Là, je suis allé sur un site qui s'appelle coachdrag.com. Oh. Drag direct, pur et dur, pas de censure. Ah, c'est la tagline. Ça. Ouais. Wow. Là, les bien pensants, peuvent être dégagés. Ah, bah les SJW à la porte. Ah, là. On veut pas revoir ici. Ah, bah non. Le titre, c'est une phrase de drag. Entre parenthèses, elle marche encore mieux si t'es nerveux pour aborder une femme. Si t'es nerveux, bah si tu l'as. Bah, ouais, bah, si t'es nerveux dans le sens gêné, bah, oui. Parce que la femme va trouver ça touchant. Le problème de beaucoup de phrases d'approche. Est-ce que tu peux les lire nerveusement? Non, mais d'abord, je vais vous dire. Parce qu'ils ont mis le doigt sur ce que les femmes ressentent quand on les aborde. Super. Ah. Oui. Problème de beaucoup de phrases d'approche, c'est justement qu'elles déclenchent des éléments négatifs, comme la méfiance. Les femmes sont très intuitives. Elles sentent quand tu ne dis pas sincère. Elles sentent les femmes que tu... et les clébards. Ouais, les femmes et les clébards, déjà... c'est pareil. Résultat, elles te trouvent bizarre, elles se renferment et elles se barrent. La différence, à force de vouloir éviter le râteau à tout prix, beaucoup d'hommes restent trop vagues, trop sages. Trop prudent. Les objections. Si après une approche vague, sage et prudente, tu essaies néanmoins de prolonger la conversation également de manière vague, sage et prudente, tu déclencheras des objections. Elle pensera qu'est-ce qu'il me veut exactement. Mais ça, c'est dès le début, je pense. Ouais. Que pourquoi vient-il me parler? Elle dira désolé, je n'ai pas le temps. Je vais aux toilettes. Bon, j'ai la chiasse. J'ai un ténia qui est en train de sortir. Maintenant, je le sens. Drague plutôt dans lui. Suce mon ténia une fois qu'il sera sorti de mes intestins. Je suis désolé, ma copine a une phobie justement. Ah, ça. Du ténia. Désolé. Ah, pardon. des bisous. Phrase de drague hyper méga giga fantastique. Ah. Vous êtes prêts? C'est vraiment les années 80 là. Prenez des notes, hein, ceux, les gens qui écoutent là, les bourgeois. Attention, je mets une petite ambiance. Oh. Yeah. Déjà, je suis à moitié séduite. Quelle prod incroyable. T'as vu ça? Je vais tenter d'abord sur Anna, d'accord? Allez. Est-ce qu'on peut placer un contexte? Bien sûr, nous vous sommes la soirée de Video City Paris. Mais backstage. Voilà, la soirée de clôture, ça s'est plutôt bien passé. Il y a des olives fourrées aux anchois. Voilà. Petite ambiance. Et du martini. Ouais, voilà. Je vous fais la phrase. Un petit verre à la main. Mais seulement pour les plus de 100 000 abonnés sur Instagram. Anna? Oui. Ça va? Ça va. Je me pose une question, ça va, super. Tu aimes la soupe aux tomates? Alors, je dois répondre. Bah alors, techniquement, si t'es une femme, visiblement, pardon, hein, de mettre en doute. Ça devrait être touché. Parce que sur le site, visiblement, c'est la toute première chose que tu dis, l'élément clé, et de le dire en restant très sérieux. Normalement, t'es censé me regarder d'un air surpris, et tu dois me dire, mais pourquoi tu me demandes ça? Alors, attends, vas-y, je refais, pardon. T'es pas bien une femme, là. Hein. Ouais, t'es pas si... Normalement, vous êtes très intuitive. C'est très Ouais, mais je suis en train de douter hein, sur qui je suis, vraiment. Tu aimes la soupe à la tomate? Regarde ténébreux que vous pouvez pas voir. Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Bah, parce que ça m'intéresse, et surtout, parce que tu m'intéresses. Oh, Oh, ça y est. Mais dramatique. Ah non, moi je le suce direct. Hein. Oui, bah c'est fait pour ça. Mais pourquoi la soupe mais à la tomate? C'est José Bové qui drague ou c'est... Non, mais. Tu aimes la soupe à la tomate? Écoute, je te rappelle que c'est des phrases de drague méga giga fantastiques, d'accord? Donc je te prends vraiment. Oui, et c'est sur drague.com. C'est drague sur coachdedrague.com. Coach de drague, ouais. Quel enfer, putain, mais. Donc, on est d'accord, c'est un échec. Ça n'a pas l'air d'avoir marché pas, des masses. C'est... Mais c'est, tu ris c'est... même pas en fait. Ouais, y a rien, y a pas de... ça, est-ce que c'est censé être drôle? Je suis même pas j'sais sûr pas, en fait. Je sais pas du tout. Franchement, je teste. Parce que moi, je pensais qu'il allait après faire une punchline. En fait, visiblement, c'est des gens qui ont testé ça et ça a marché. Je pense que c'est plus après, c'est une sorte de floodcast. Ou... Après, c'était Ryan Gosling. Sur sa part. J'ai chié dans mon ben et ça a marché. Il a mis ça sur une meuf qui avait un panneau. J'ai besoin vraiment qu'on s'occupe de moi. Non, mais le côté parce que tu m'intéresses, pourquoi pas? Et encore, c'est. Oui, mais si c'est une première phrase. Non, mais attendez, parce que. Et la soupe à la tomate. Non mais là on dit mais attendez. On dit raconte d'ailleurs. On est des femmes, nous on est de bon, on a la trentaine, tout ça, on a Paris, mais il y a des femmes déjà plus âgées qui peut-être se font moins draguer, qui aiment la soupe à l'oignon, qui sont pas très souvent draguées, qui voilà, et sur qui je pense que ça peut faire de l'effet. Voilà. Parce qu'elles se disent OK, il est un peu rigolo, il s'intéresse à moi. Ouais. Bon, des gens de province, clairement, je le dis. Le mot est lâché. Voilà. Je peux parce que je viens de province, j'ai le droit de le dire. T'étais au States, c'est pas la province, San Francisco. Non, Brest avant ça, vraiment. Alors, il y a une phrase de drague qui s'appelle la bite puante. Ah, pardon, c'est sur moi que tu vas une la tester phrase cette drague qui s'appelle la bite c'est puante. C'est mon tour, c'est ça? T'aimes les grosses bites qui flinguent ou pas? Pourquoi tu me demandes ça? Parce que ça m'intéresse et parce que tu m'intéresses. Bah déjà je trouverais ça plus drôle. Les grosses bites qui chlinguent. Ça moi je trouve ça séduisant de formuler j'ai comme ça. Bonne mycose sous le prépuce, ça t'intéresse ou pas? Non, attends, j'ai pas la musique moi. Pardon, excuse-moi. Là faut mettre la bite à Dudule. Oh, je suis tellement en train de siroter un drink. Marjorie? Oui. Ah, excuse-moi, je te laisse, il y a apparemment quelqu'un qui veut te parler. À plus tard. Salut. Je te conseille, enfin perso, je te conseille de prendre tes distances d'au moins 5 mètres. Ah bon, mais pourquoi? Parce qu'il y a la bite qui pue. Non, là, tu l'as inventé. Là, tu l'as inventé. Mais non, Flo, c'est toi qui l'as écrit, ça. Il vient de l'inventer. Alors, non. Mais non. La personne qui raconte cette anecdote, elle a eu un de ses fous rires, elle n'en pouvait plus. Mais non. Bon, c'est bigard. C'est vraiment une fin. Ouais, il y a Anna qui est à côté ouais, de moi, je n'invente c'est pas. C'est écrit. On discute un peu. Elle me dit. Pardon, mais ça vient de m'arriver. Pas l'odeur d'habit qui pue, mais. Elle me donne son numéro. Parce que. Tu m'appelles, hein. Je ne l'appelle pas. Yes. Je ne sais pas pourquoi, une baisse de motivation, un petit coup de blues, je sais pas. Elle m'envoie l'emoji aubergine et l'emoji fromage pour me relancer. C'était con de ma part, j'aurais dû l'appeler. Le mec a le monde à ses pieds. Et Moi j'aime bien, c'est y'a ma bite qui pue. Y'a ma bite qui pue. Mais tout, un enfant. Chaque mot, chaque phrase, c'est tout est absolument magique. Recule de 5 mètres. Pourquoi 5, de moins 5 mètres, ouais. Il a dit. Pourquoi? Minimum. Parce que je suis un prédateur sexuel. Ah bah oui. Parce que j'ai une décision de justice qui m'a interdit d'approcher des femmes. Et je voudrais accéder au bar. Donc J'ai des petites larmes dans les yeux là. Non, c'est incroyable. Et normalement ça fonctionne. Hein. Normalement, ah bah oui, mais c'est pas vu, une parodie de. Non, je te jure. En fait, c'est... On en veut d'autres, on en veut d'autres. Coach de drague.com. Non, les autres sont un peu moins bien. Je vous ai un peu donné. Non, je te jure, c'est pas une parodie. En fait, c'est juste que le sujet de l'article, c'est des gens qui ont tenté des phases drague un peu surprenantes et ça a marché. Voilà. Mais la bite. La bite qui pue, je vois mal comment ça peut marcher. Apparemment, elle a dit voilà mon numéro, quand tu auras eu le temps de prendre une douche. D'après Marjorie, en province, une bite qui pue, chez c'est les cutéreux. Peut-être qu'elle était médecin. Non, mais vous avez compris ce que je voulais dire, c'est pas horrible ce que j'ai dit. Mais tu vois, dans une boîte type Macumba tu vas de plus en plus snob. On passe des escaliers de snobisme. Mais arrêtez quoi, je l'ai vu mes propres yeux. Écoutez, des gilets jaunes de merde. La France des ronds-points, on les connaît. Qui se coupent les cheveux tout seuls là. Ceux qui se coupent les cheveux tout seul dans leur cuisine. Ceux qui s'appellent Dylan. Mais c'est pas ça, mais c'est qu'il y a... Tous les Dylan, tous les Cynthia. Vous êtes une mauvaise foi, Fijat. Vous êtes d'accord avec moi à 100%. Je l'ai vu de mes propres yeux, c'est de l'expérience quand de vie. Quand même, on est d'accord, on le dit pas. On ne jette pas le... La bien-pensance. Oh, super, et s'est assise à cette table. J'aimerais qu'on fasse un petit peu des phases sur les filles aux mecs, parce qu'après tout... Moi j'aimerais bien apprendre. Je suis allé sur le site comprendrelleshommes.com. Il y a une mini différence, et c'est pas pour faire le mec woke, mais... Est-ce que tu as reconnu ma plume ? Non, justement, c'est là où je voulais en venir, c'est que les conseils de coach... Ah bah on est intuitive, hein. Les conseils de coach de garçons pour filles sont écrits par des garçons, mais les conseils... de filles pour draguer les garçons sont aussi écrits par les garçons. Bien sûr, évidemment. Bah du coup c'est finalement arriver en disant je peux te sucer. Franchement c'est bien. C'est le, je vais pas dire son famille, mais c'est Alexandre qui a ce petit site qui s'appelle Benalla. Comprendre. C'est non, c'est Alexandre Astier. Apparemment il dit faut leur tu dire. Tu débarroules. Ouais, faut débarrouler. Apparemment tu débarroules dans la boîte. Tu dis fous-moi le camp, allez. Ça marche. Elle est pécor, il va falloir foutre le camp là parce que. Ah, parce qu'on en a gros. Alors, une bonne phrase. On en a gros, quoi ? Mes couilles. Recule de 5 mètres, échelingue. Et ça marche, je vous jure que ça marche. C'est la version porno de Kaamelott, Kamelto. Ça doit exister. La version porno de Kaamelott, Kamelto ? Sûrement. Bah, ouais. peut-être pas cette conjonction de génie. Eh bah, dis donc, mon roi, va falloir retirer l'épée et les planter dans mon trou de balle. Pas mal. Excellent. Pas mal. Mais franchement, écrivons-le si ça n'existe pas. Kaamelto. Je cherche. Sa bite s'appelle Excalibur. C'est comme ça que s'appellera l'épisode, je pense. Kaamelto avec la police de Kaamelott. Je ferai ça évidemment uniquement pour faire des vues, vu qu'il vient de partager l'annonce qu'il allait faire le film. C'est évidemment pour ça. Mesdemoiselles, parce que je vous donne un petit cours quand même de drague, une bonne phrase d'approche doit être unique, inédite, car le contexte joue un rôle essentiel et vous devez vous en servir à bon escient pour susciter de la complicité dès les premiers instants. On remarquera que c'est un peu similaire avec dans l'autre sens, mais bon, voilà. C'est le même auteur. C'est Alexandre. Ma chatte la mort. Anna, je t'invite à draguer de ton choix, Adrien ou Lucien. Essayons Lucien. Voilà, essayons Lucien. Okay, super. Bah tu me dragueras du coup. Vous êtes dans un bar. Je vais draguer. Attends, pardon. Là, d'accord. Donc le premier. Hein. Voilà. Bonsoir. Ça. On se connaît. J'ai l'impression de vous avoir déjà vu. C'est sûrement que vous me confondez avec Valentin Vincent. Évidemment. Ou avec le mec du visiteur du futur. Évidemment, avant même de vous lancer cette phrase d'accroche pour site de rencontre ou même à Ulatine dans la rue, vous savez pertinemment que vous ne vous êtes jamais croisé. Prends vraiment pour des connes. Deux trois phrases plus tard, faites semblant de ne plus vous rappeler d'où ni quand vous êtes vu, mais passez à autre chose. Continuez la discussion en apprenant à le connaître. Je te propose la deuxième, Anna. Tu l'essayes sur Adrien. Allez. Ah, moi, j'ai pas le droit de draguer, quoi. Pas de jaloux. Parce que j'ai ma bite qui pue. Oui, oui. Bonjour. Bonsoir. Et je suis désolée, excusez-moi de vous déranger, mais en fait, vous ressemblez comme deux gouttes d'eau à quelqu'un que je connais. Colin Farrell, on m'a dit. C'est Colin Farrell ? C'est Colin Farrell, mais ouais. C'est ça, je cherche depuis tout à l'heure et je me dis mais. Du coup, vous avez envie de coucher avec moi ? Du coup, je voulais savoir. Allez, c'est parti ! Allez ! Pardon, ça marche ! C'est ouf ! Normalement, Adrien, selon le site, tu étais censé répondre. Okay, on l'a refait, vas-y. Tu étais censé répondre, rassurez-moi, il est beau au moins. Ah, ok. Un homme est censé répondre ça. Ah, mais si, c'est un peu cohérent comme réponse. Ouais. C'est un peu cohérent, c'est vrai. C'est crédible. Donc, je refais ? Vas-y. Est-ce qu'on refait ? Excusez-moi. Oui. Je suis désolée de vous déranger, mais vous ressemblez vraiment comme deux gouttes d'eau à quelqu'un que je connais. Oh bah, il est beau, j'espère. Non, je plaisante, je suis dégueulasse, je sais. Le petit rire, je m'attendais. Marjorie, oui, remettez-moi un scotch. Marjorie, tu vas tenter... C'était la moins pire, celle-là. Ouais, celle-là, franchement, ça va. Mais en vrai, ça a marché. Cela dit, quand même, pour femmes, ils conseillent des trucs vachement moins nuls à chier. Bah, ouais, mais c'est peut-être, le site était peut-être un peu mieux. La bite qui pue, mais ouais, c'est vrai super, que... C'est super ce thème, on apprend tout en s'amusant. C'est vrai. Cela dit, tu peux faire la chatte qui pue, tester sur un mec et voir, hein, mais... je drague qui ? Adrien. Ok. Il y a pas la musique, y a moi trop je suis. De texte. Petite musique. Okay. Ah, je peux dire un salut d'abord. Parce fais-le franchement, je pense que l'important, c'est ce que disait le monsieur, il faut le faire à sa sauce. D'accord. Exactement, improvise. Bababi Bobu, Bababi Bobu. Eh, salut. Salut. Salut. Désolée de t'approcher comme ça. Et deux martinis pour la 8. Désolée de t'approcher comme ça, je parle plus fort parce que le barman est un petit peu oppressant. Oui, il t'a interrompu, il est misogyne. On y va pour les gros nichons. Pardon. Désolée de t'approcher comme ça, ça fait trois fois que je le dis, mais il fallait absolument que je te dise, je te trouve trop charmant. C'est la fin. Normalement, t'es censé. And scene. Alors attention. T'es censé il faut réagir. Aller droit au but. Bah non, mais. Eh ben écoute, toi aussi, t'es alors, charmant. Alors l'homme peut trouver votre alors, de drague censé, un peu. Attendez, on reprend la mise en situation. Vas-y, apparemment, Adrien. Apparemment, c'est un peu. Vas-y. Ta réaction ? Je dis, il n'y a plus la musique. Ah, mais oui, ah merde. Ah, mais moi je suis pété dans le mood si j'ai pas la musique. Tu es très charmant. Bah écoute, merci, toi aussi t'es charmante. Est-ce que tu as trouvé mon approche un peu osée et culottée ? Ah, mais j'aime bien les filles directes. D'ailleurs, voici mon numéro. J'allais hurler une horreur. Et bah, c'est exactement okay. ce qu'il dit. Voilà. Aller droit au but vous permettra d'être fixé directement. Bah, c'est vrai, ouais, voilà. Mais voilà, vous ne perdez pas votre temps, ni vous, ni elle. Tu peux l'essayer celle-ci sur Lucien, peut-être ? Alors, je remets la musique, attends, excuse-moi. Putain. Ouais, non. C'est nul. Salut. Alors, désolé, je suis hyper pressée, mais tiens, je te file mon numéro. Allez, bye. Oh. Alors c'est pas moi qui ai reçu. C'est pas moi. Non, c'est non, vraiment Adrien Méniel. On est dans un bar, il y a des mecs qui rotent. Putain, j'ai je un talent de fou, j'arrive à parler et roter en même temps. Eh, moi je te dis, les gilets jaunes c'est de la merde, enculé. Pourquoi on me sabote ma drague, moi? Mais alors donc, là la technique c'est. Je te la refais, je te la refais. Ok, hop, ambiance. Eh, salut, je suis pressée, mais bon, tiens, je te file mon numéro, allez, bye. Okay. Et là je te glisse un papier. Avec mon numéro. Bah reviens, sinon on parle. Non, c'est trop tard, je suis partie. Ok. Batman, bon, elle a du sort. C'est vraiment. Ouais, elle a pas le. Ouais. C'est bien. C'est, mais c'est bizarre. Un peu flippant, moi, ça, je trouve. Ouais. Un peu flippant. Non, et puis surtout, c'est pas engageant. C'est plus ça que flippant, je trouve que c'est. Attends, ça fait juste. J'ai pas le time pour toi, vas-y. Ah, mais attends, enfin, mais je le connais. Enfin, non, j'ai vu. Tu connais Alexandre ? Non, mais alors, je crois que c'est le même qui fait des vidéos sur YouTube. Il fait des vidéos. Les femmes sont comme si. N'oubliez jamais. Nanani nanana. Comment il fait aussi des vidéos, je crois. Il s'appelle aussi Alexandre, le mec que j'ai vu. Comment reconquérir votre ex, tout ça, tout oh ça. Oh. Comment devenir séduisante naturellement. Et alors, c'est toujours le même qui écrit ça. C'est un peu j'aimerais vexant. J'aimerais le rencontrer, moi. Parce qu'il y a devenir séduisante, ce qui implique que. Bah, tu l'es pas, ouais. pas. Ah oui, c'est lui. Non, mais je le connais, en fait. J'ai regardé. Ah, parce que je trouve ces vidéos un poil ASMR et il est possible que je me sois endormie une fois en. Il est écoutant. Jeune. Je m'attendais à un vieux. Non, non ouais. Ringard, mais pas forcément vieux. Il n'y a pas d'âge pour être une roulure de pick-up artiste. Et alors, attends, résultat, est-ce que ça marche ? Bah là, je sens qu'il y a un peu des phéromones quand même. Non, moi, la première que tu avais faite, pourquoi pas celle de. Non, tu me rappelles. Celle de quelque... tueur en série. J'ai déjà vu quelque on se connaît part. Quelque part. Je t'ai déjà mais vu ça quelque part. Les oui, mais ça, les ouais, mais ça c'est, marche, ouais. C'est level 0,2. Enfin, c'est ah hyper oui. vieux en comme. En gros, tout ce que veulent connaît, dire ces gens, c'est trouver un prétexte pour commencer une conversation. Ouais, ou c'est ça, oui, voilà. Oui, souvent c'est ça. C'est ce qui revient régulièrement. Non, moi ce qui a marché. Enfin, ça a engagé la conversation. C'est quelqu'un qui est venu me voir en me disant. Ah, ça va, ça fait longtemps, comment tu vas ? Qu'est-ce que tu deviens ? Je ah me suis, oui, c'est drôle. Merde, je vous remettais pas du mais tout. Là, mais là, ça demande une sacrée dose d'assurance quand même. Ouais. Faut tenir le truc. Mais de, quand j'ai compris que c'était moi, m'a fait ça. Et le mec, il est parti dans un délire où il m'a dit : mais si, on a dansé un zouk et tout. Je vais mais t'es malade ou quoi ? Je me rappellerai, je me rappelle des gens avec qui je danse des zouks quand même. Faut pas aller trop loin dans cette ah non, personne. Non, moi, quand j'ai compris, oui, justement, mais si je me suis dit : si ça part un peu en n'importe quoi, mais rigolo. Tu vois, si le gars te ah, dit, mais on, que... ouais. on a partagé. Oui, si bon. La personne te répond, ah, mais grave. Mais putain, en gros, du bien. Coup, le conseil, ouais, ouais. c'est soyez marrant. Et ça, en ouais, vrai, bah, oui. bah, tu passes. Il n'y a pas de recette. Pas, hein. Mais encore, il y en a qui n'aiment pas. Enfin, tu vois, après, il y a de tout. Ouais. Je suis désolé, je suis encore commencé sur un homme. Il y a 6 conseils qui sont très rapides. Oh, premier, oh, vas-y, ouais, ne vas-y. Vous montrez pas trop accro ou trop acquise. Oh là là. Parce que ça fait peur. Ah, nous ah, c'est pour nous, pardon. C'est pour vous, c'est pour séduire un homme. Ah. On est sur des dragues hétérosexuelles, hein. Je suis désolé, c'est on est tous hétéros autour de la là, table. Oui, mais bah, ouais, c'est... Ouais, c'est... dévoilez-vous progressivement. Le corps, c'est-à-dire si on est musulmane. C'est ça. Vous devez vous montrer indispensable à ses yeux. Mais non, mais là, c'est pour épouser oh là là. Un mec. Comment tu te rends indispensable auprès d'un gars qui a un bar j'ai ton feu. Ouais. Ah bah, c'est tu pour ses clés de voiture, tu fais mec. Ou alors tu lui fais une ablation des poumons. Ouais, j'ai ton médicament. Il faut lui manquer. Son cœur dans la main. Il faut ouais. lui manquer et pour cela, il suffit d'alterner temps fort et temps faible. Je vais aux toilettes. Qu'est-ce qu'un temps faible ? C'est très bizarre. Viser le bonheur avant de penser engagement. Non, mais mec. Ça va pas trop avec se rendre non, mais là, c'est une... pas séduire là, ouais, là c'est genre bâtir une existence à deux. Ouais, c'est ça. Et le dernier, pardon, et le dernier est ne le mettez pas sur un piédestal. Mais ça revient beaucoup dans les conseils d'Alexandre, parce que donc définitivement je connais ce garçon. C'est qu'il aime bien dire aux femmes soyez pas trop collante. Donc il entretient cette idée que les femmes vraiment sont ouais. des grosses casse-couilles. De... Ouais. Oui, et puis des petites choses fragiles, émotionnelles. Enfin, c'est ouais, hyper c'est, cliché. Ouais, quand même, voilà, comme... c'est garder vos émotions pour vous. Bah, selon lui, les 5 erreurs que vous faites, pardon mesdemoiselle, ouais. mais très souvent ouais. ça, avec les hommes, c'est que vous dévoilez vos sentiments trop tôt. Ouais, ouais. C'est que ouais, c'est typique, vous, l'homme a peur que vous contrôliez tout, donc il faut le rassurer là-dessus. Ouais, ça c'est. Il faut pas que vous soyez égoïste. Il faut penser aussi à lui. C'est ça les greluches. Il faut dire stop à la routine. J'ai des nouvelles chaussures. Stop à la routine. Accepter qu'il soit pas parfait. C'est vraiment un gars qui veut qu'on le baisse. Ouais, bon, on a tous des défauts, hein, donc acceptez-le. voilà. Et tout ne sera pas parfait dès le début, mais voilà, faut laisser une chance. Et apprécier à sa juste valeur qu'il rédige des articles de sac à merde sur internet. Et sucez-le 5 fois par jour. Ça, ouais, si à, la manière, voilà. à la manière d'un fruit ou d'un légume. Mais est-ce que vous avez des vrais conseils de. Qu'est-ce... Ah non, moi je serais. Qu'est-ce que vous diriez vraiment... à quelqu'un qui. Je serais très mal placé ouais. pour. Moi, en vrai, j'ai quasiment jamais dragué de ma vie. Moi, non, en mais vrai... si, on... si une femme devait te draguer, qu'est-ce qui marcherait sur toi? Ben en fait, c'est bizarre parce que moi, je. Alors, ça fait vraiment. Mais c'est. Faut qu'elle me fasse rire, vraiment. Ouais. Enfin, faut que je passe une bonne soirée, genre, ah, c'est quand même marrant et tout. Qu'elle m'attire physiquement. Mais après. Oh, c'est mignon, t'as mis le rire avant le physique. T'as vu ce que je me suis tapé. Allez les gars, high five. Je plaisante évidemment. Non mais c'est. Oui, j'ai besoin de me sentir à l'aise. Et bah, en fait, oui. c'est même. Ouais. Mon, et c'est pour ça, je pense que je vois. Enfin, quand je dis que je vois pas quand on me drague, c'est que c'est ça d'abord, c'est que j'ai besoin d'être à l'aise et machin. Et que. Enfin, faut vraiment me dire j'ai envie de toi pour que je comprenne. Enfin, en tout cas, toutes les. Enfin, ouais, dans mes plus vieux souvenirs. Toutes les filles avec qui j'ai eu une histoire, mais même d'une nuit, c'est elles qui y sont allées, quoi. Parce que moi, je voyais pas le. Ouais, moi, y a t'as eu deux pieds dans le même sabot, quoi. Non, mais c'est ça. Moi, ma meuf actuelle m'a ramené chez elle en scooter et il y avait encore rien de fait. Du coup, il a fallu vraiment qu'elle m'amène chez elle pour que je comprenne que potentiellement il y avait quelque chose. Elle t'a désapé, elle a baissé ton froc comme ça. T'as fait oh là là, là il y a peut-être quelque chose. Bah, j'étais à côté de Juliette. Je fais bon bah alors on fait quoi? C'est un time's up ou c'est pas un time's up? et ma toute première meuf, pareil, il a fallu qu'il y ait une tempête. Enfin une tempête. Il y avait 2 centimètres de neige. Elle fait oh, je vais pas pouvoir rentrer chez moi, je pense qu'il faut que je dorme chez toi, je pense que là j'ai pas le choix. Ouais. Et t'as, d'ailleurs, bon, j'en parlerai dans une autre anecdote, mais j'ai un pote à moi qui s'est dit ouais, pareil, ça me fait chier de rentrer, je peux dormir chez toi. Et je me suis fait branler à côté d'un pote. Cool. Non, c'est si, vrai. Si, je te jure, c'est vrai. Moi aussi, et c'est vrai. Moi, tu l'as raconté. Ouais. Ah, et j'étais encore puceau. Et j'étais encore puceau à ce moment-là. Ouais, mais pas puceau de la branlette. Bah, c'était ma première. C'était à côté d'un gars sur un matelas. Une phrase, j'adore. On va finir sur pas l'humour mal. Parce que je vous propose quelques petites phrases de drague drôles qui doivent être dites par contre attention avec confiance et naturel. Oui. D'accord. Okay. Pourrais-tu retirer cette flèche en forme de cœur de mes fesses? Oh, un putain de gamin avec des ailes m'a tiré dessus. Moi je le gifle. Next. Je la gifle. Un moi je me fais vomir sur lui quoi. Je fais ouais attends regarde. Mes copains m'ont parié, là ça marche un peu avec les deux sexes, hein. Mes copains m'ont parié que je ne serais pas en mesure de démarrer une conversation avec la plus belle fille du bar. Oh. Tu veux ils boire avaient un coup raison. Non. Tu veux boire un coup avec leur argent? Oh. Oh. Ah, mais alors... Anna s'est cassée, je vous le dis. Anna s'est cassée. Non mais la première partie je la trouve cliché, un peu nulle. Il y a un chat qui est en train de manger les crottes de ton chat. Ah merde. Oh non. Il se régale. On a eu bien c'est fait. C'est dans le même ton que ce que tu viens de dire. Vraiment. Non, mais la première partie, on a bien fait de présenter Gus en début d'émission parce qu'il mange la merde de mon chat, du coup. Ce qui fait un deux. Peu. Tiens, voilà. le chien de drague. Mais les chiens adorent manger la merde des chats. Hein. Et des gens en général. Ouais. Ouais. J'ai fait manger non, ma écoute, merde à des chiens. D'habitude, il fait pas ça, mais là, je le voyais se diriger très directement dans la litière. Donc. Non, mais en plus, mon chat a pour le coup un organisme génial. Moi-même, des fois, j'ai eu envie de manger sa merde. T'allais dire quelque chose de sien. Oui, la première partie, elle est un peu nulose, cliché, mais. Et la fin, tu veux boire un coup avec leur argent, c'est vraiment un truc de... Mais, ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a des hommes qui pensent que ouais. c'est une bonne technique, ça, de se faire passer pour une victime pour que notre petit côté infirmière ressorte et qu'on fasse « Oh, tes copains, ils ont dit ça !» Le fameux « Oh, ils sont cons hein. !» Ouais, oh, ils sont cons, viens, hein. Non, mais il n'y a pas un peu de ça de... En gros, leur ouais. technique à eux, c'est de ouais. « Faites-vous passer pour une victime, quoi, et... » Et comme les femmes aiment prendre soin des hommes, elles ont ce côté maternel. D'accord, bon, Marjorie, mais si je te dis « Embrasse-moi si j'ai tort », on s'est déjà rencontrés, non? Là c'est vraiment oh là, on est pas là, loin je de... suis piégée là par contre. On est pas loin des trois questions moi, qu'est-ce je pense qui te que retient de m'embrasser. Excuse-moi, je suis Guillaume Play. Embrasse-moi si j'ai. Faut que je me répète la phrase dans ma tête ouais, pour moi me dire si j'ai une forme de dyslexie. Donc en vrai je ferais attends quoi. Embrasse-moi si j'ai tort, c'est quoi la deuxième partie? On s'est déjà rencontrés, non? Parce que si elle dit enfin tu vas t'oublier. Ah non mais bien sûr, mais t'es piégée là. Il t'a waouh. Mais ça se trouve elle répond mais ouais mais t'es Flaubert non? Oh merde. tu as tort si tu crois que je vais t'embrasser, tu peux dire. Donc du coup, tu as tort, je ne t'embrasse pas. Waouh, oh, mindfuck. Tu l'as bien cassé. Ouais, je t'ai cassé. Tu peux faire ça si c'est brise de Nice. Je l'imite bien. Est-ce que je peux avoir ta photo? C'est pour montrer au Père Noël ce que je veux comme cadeau. Oh non. Oh là là. Alors mais... ça, c'est le moins horrible hein. En dessous du CM1, ça passe vraiment. Ouais, parce mignon. Que foutre c'est... le Père Noël dans une phase de drague, c'est chelou, moi je trouve quand même. Oui, puis, mais le Père Noël n'a rien à faire là. C'est pas agressif. Est-ce qu'on peut encore plus comparer la femme à un objet que dans cette bah, phrase, c'est vraiment c'est ce que j'ai à dire. Moi ça me dérange pas. OK. Sous-entendu que tu peux m'acheter. Et je vous termine enfin je vous termine. Oui, si je veux quelque part je vous termine hein. C'est un happy ending. Tu peux finir en disant ça ou une vaginette. Merde, il y a un truc qui cloche avec mon téléphone. Oh, il y a pas ton numéro bien, dedans. Oh, il l'avait testé. J'ai déjà entendu. Moi, je rêve que la meuf fasse. Ah bah écoute, elle prend, elle l'éclate sur le bar. Que là, il y a vraiment un truc qui cloche. Grosse merde. On va enchaîner avec des anecdotes d'auditeurs sur le Curious Cat. Des gens nous ont envoyé leurs anecdotes liées à la drague. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit voici mon anecdote. Ça faisait quelques semaines que cette nana et moi on se tournait autour par message et via les réseaux principalement. On s'était croisés 2-3 fois IRL et grâce à cela, j'avais découvert qu'elle était intéressée par moi et c'était réciproque. Je dois l'avouer. L'attirance sexuelle que j'avais pour elle était plus forte que tout le reste. Cette nana me faisait clairement fantasmer. Cependant, afin d'en savoir un peu plus sur elle et surtout dans l'espoir de conclure, je lui ai proposé d'aller boire un verre un soir. Le soir du rendez-vous, ce simple verre s'est transformé en une nuit blanche passée dans les rues de Paris, à traîner dans les rues, les bars, les nightclubs, les taxis, les métros, à parler, rire, courir sous la pluie, se faire des confidences, se raconter des anecdotes d'enfance. Donc là, visiblement, tu es Julie Delpy dans... tu te réveilles à la fin du... Ouais, c'est ça. Elle m'a proposé vers 6h du matin de passer chez elle. Une fois chez elle, elle avait envie de prendre une douche. Bon, clairement, les signaux sont là. Ouais. Je l'ai attendue singement, allongée dans son canapé. Je me suis endormi. Bah oui. Quand j'ai rouvert les yeux, elle dormait à poing fermé dans son lit, la bave aux lèvres. Ayant réalisé que j'étais passé à côté de l'opportunité avec une femme qui me faisait littéralement fantasmer, je suis retourné m'allonger dans le canapé. Le lendemain, la gêne s'était invitée au petit déjeuner. Quelques jours après, j'ai retenté ma chance auprès d'elle. Je ne l'intéressais plus du tout. Normal. Oh. 4 ans après, j'en parle encore dans un court-métrage que j'ai pu faire, vraiment pour exorciser la connerie qui m'a habité. Oh bah ça va, pas, c'est endormi, pas de la connerie, c'est pas... à 6h du mat. Tu j'ai cru à un retournement de situation plus débile. Qui m'est arrivé soirée, longue soirée machin hein, dans un bar hein, et ça ferme très très tard et je vois très bien que la jeune femme traîne parce qu'elle a envie qu'on parle, on passe un peu plus de temps ensemble et tout ça machin et je finis par dire bon bah moi je vais aller me coucher et elle me dit vraiment clairement je peux venir peut-être. Et j'ai dit. Et tu l'as baisé, mais c'est pas marrant, Lucien. Non, non, non. Et j'ai refusé parce que j'avais beaucoup trop envie de faire caca. J'avais pas envie de la ramener chez moi. Bah, chez non, moi, mais oui. Dire 5 minutes, faut vraiment que je chie, j'en peux plus. C'est ton appart actuel. Ouais. Oui, en plus, vraiment c'est juste à côté. Il y a. C'est... Et la chasse d'eau est nulle à chier, elle est horrible. C'est ouais. Non, mais c'est normal. Et pourtant, elle était très mignonne, vraiment sexy et tout. Vous étiez où à ce moment-là? Hein? Au moment où t'as dit je vais partir. Ouais. Bah ouais. Dans ce bar là ouais. Ah non, moi je chie pas dans les bars. Ouais, bah voilà, bon, et bah voilà. Non, et puis même, je me sentais crade. Je me sentais. Tu sais, en fait, quand t'as. Bon, là, tu prends une douche. Là. Ça change de sujet, mais quand t'as eu envie de chier pendant très longtemps et que t'as passé toute une nuit dehors et tout ça, moi je me sens dégueu quoi. Ah ouais, bah. Moi je chie absolument partout, donc je n'ai absolument pas ce problème. Non, je vous jure, c'est terrible. Voilà. Okay. J'ai cru que ce serait ça le retournement de situation de. Et bon, bah, j'ai eu envie de chier, donc j'ai pas sinon, osé. Sinon, il fallait prendre son numéro et dire alors ce soir, non, mais demain. Ouais, si mais. Tiens, d'ailleurs, j'en profite pour rétablir un truc dont je t'ai parlé sur Messenger. Parce que Oui. On a fait un floodcast une fois où c'était juste Flaubert et moi. J'ai fait Julien Lepers, c'était un mème. Ah, ouais. C'était un mème, parce que je sais que t'adores ça, donc. Ah! C'est un mème. Bah ouais, excusez-le, hein, il fait des mèmes. Hein, on a fait un floodcast où les gens nous appelaient pour raconter des anecdotes. Ah, il était trop bien d'ailleurs. Voilà. Et on en a fait deux comme ça. Donc t'en as écouté qu'un. J'ai écouté les deux, ils étaient trop bien. Okay. Et il y a une meuf qui nous avait appelé et qui a dit alors c'est une histoire qui est arrivée à une copine à moi. On va pas tout la raconter, mais c'était un caca dans un sac plastique. Oh, oui. Ah, je m'en souviens, j'ai écouté, c'était un régal. Eh bien, il s'avère que j'ai écouté un podcast américain il y a 2 jours. Et il y a un mec qui disait ah putain tu connais cette anecdote là, c'est une légende urbaine. et non. Exactement ouais. La même histoire. Ah non, c'est faux. Allez, et, si, vous rejoignez sur le, nous rejoignez sur le Discord, ça a été déjà mid-busté. Et alors, attends, c'est quoi ouais, ouais. C'est vrai. Ah, donc la meuf qui vous a non, elle a pas menti, je pense que quand on lui a raconté, elle, elle y a cru. Ouais, on lui a dit, elle racontait pas en son nom. C'était pas son nom, elle. Ah, d'accord. Il y a un mytho dans, il y a une mytho dans l'histoire. Soit c'est elle, soit c'est la copine qui lui a raconté. Et c'est quoi? C'est quelqu'un qui a fait caca. En gros, la meuf, en gros, elle passe la nuit chez un mec. Le mec le lendemain dit, je vais au taf, mais tu peux rester là, il y a pas de problème. Juste tu claques la porte en partant. La meuf prend une douche, elle va chier, la merde part pas quand elle tire la chasse, elle dit je peux pas laisser ma merde là, elle met sa merde dans un sac plastique, elle prend ses affaires, elle s'en va, elle claque la porte et elle se rend compte qu'elle a laissé la merde dans un sac plastique sur la table. Et c'est même un court métrage avec le chanteur Sinclair apparemment. Non, Sinclair. Par contre, c'est Sinclair. Ouais. Une histoire similaire qui est vraie puisqu'il y a eu des photos d'une meuf qui a voulu pas, alors elle allait chez un mec, une date Tinder, elle voulait chier mais la chasse d'eau ne marchait pas, donc elle a récupéré le truc. Et là, elle a voulu l'acheter par la fenêtre, sauf que c'était une double fenêtre. Donc en fait, c'est tombé entre deux vitres. Et là, elle s'est dit l'enfer. J'aime donc bien. Elle est allée dans les deux vitres pour récupérer. Là, elle est restée coincée. Non, mais un enfer, sa vie, cette meuf. Et du coup, le mec n'ayant pas de nouvelles de la meuf et a fini par rentrer, les pompiers ont dû venir la déloger. Oh là là. Des photos ont été prises. Elles sont sur Internet. Donc elle est entre deux vitres avec sa merde. Ouais, dans la main. C'est surréaliste. Je me dis, mais c'est alors, pas possible. Alors, c'est rigolo, je vous en parlez. Pas que se remettre de ça. Entre deux vitres avec ma merde dans la main est le nom de la biographie d'Yann Wax. Non mais je vous le dis, donc c'est idée cadeau pour vos amis. Première date depuis longtemps, nous sommes dans une terrasse de bar, je bois une gorgée de bière, elle me fait rire, je crache la moitié de ma bière par le nez. Ah, oui. Nous sommes jamais revus. Mariage, oh, un invité. Franchement, non, c'est une conne. Elle méritait pas. Ah, ouais. Ouais, parce d'accord. que c'est rigolo, ça va. Ah, oui. Putain, après, peut-être que c'est la personne qui se met un petit peu en scène. En VDB en fin de phrase. C'est rigolo. Putain. Celle-là, je la raconte. Bah, les gens sur le podcast savent qu'on raconte à haute voix, mais il n'y a pas longtemps, à une soirée, j'avais pas mal bu et j'étais à un concert et j'ai peut-être été très très lourde avec le batteur violoniste du groupe Kawaii Bukake. Ah non. Jérémy. Je crois. Voilà. Alors je tiens à m'excuser parce que j'étais pas dans mon état normal. Il a pas l'air de s'en souvenir aujourd'hui, mais bon, je m'en excuse quand même. Voilà, donc ça devait pas être si méchant que ça. Mais oui. Ouais. Et quand bien même, c'est toujours bien de revenir sur ses fautes et voilà. De s'excuser. Parce que souvent les gens disent ah putain, mais même pas dans des contextes de drague quoi. Les gens disent ah putain, mais j'espère que j'ai pas été trop lourd, j'ai été horrible et tout, alors qu'en fait juste. Ouais, mais souvent bon après. Tu dis ça parce que toi, t'as jamais consommé beaucoup d'alcool ou de psychotropes. Ouais, et ben moi j'ai déjà consommé beaucoup de trucs qui, ah, mais je parle qui pas te de font être hein. lourd et c'est bien de s'excuser gros après, drogué, en fait. Là, gros non, drogué. Je parle pas de jambouré, mais souvent gros les fumeur, gens gros ils... fumeur, t'es Bob Marley. Mais après je trouve qu'il vaut mieux être trop précautionneux comme ça que ah oui, d'être voilà, ouais. un gros lourd et de ah, que d'être Alexandre. Pas se remettre en question. Pierre Lapin, bon salut, nous dit une fois on m'a dragué et je me suis vomi dessus parce que ça m'angoisse. Dab. Ça j'y crois. Moi aussi. Voilà, bah écoutez les amis, c'est on a déjà un enregistrement bien long, donc on va l'émission touche à sa fin. Comme ma bite qui pue. Allez à 5 mètres de recul dehors. De 6 mètres parce que elle est longue. Elle pue mais elle est longue hein. Si il y en a une aussi qui rigole, pardon, je suis passé outre. Une fille me regarde H24, elle essaie de se faire remarquer auprès de moi, donc je vais lui demander son numéro normal et elle me dit je préfère t'observer en privé. Oh, ok. Quand tu dors, de préférence. Lucien, oui. Va-t-on voir de nouveaux sketchs sur ta chaîne? Eh bien oui. Bientôt? Ils ont été tournés? J'ai vu que t'en as tourné, hein, j'ai vu là, t'as teasé en... Ouais, tout à fait. En fait, j'en ai tourné deux 8000. D'avance. Non, mais okay. J'en ai deux qui sont tournés d'avance. Trop et bien. Que j'ai commencé à monter. Notamment le prochain qui devrait sortir la semaine dernière, puisqu'on est dans le futur là. Là, on est dans le futur. On est dans le futur dans ouais, le mais podcast. Mais peut-être pas la semaine... Bah, il sort lundi, hein. Ah, ce lundi-là. Ouais, ce lundi-là. Ah, donc il sort cette semaine. Ah, trop bien. Il sort cette semaine ouais. Et ça va sûrement s'intituler La séance photo. D'accord. Ok. Mm-hmm. D'accord. Et c'est avec Johan Cuny qui fait partie de Yes Vous Yes Aime. Vous Aime. D'accord, oui. Et qui est un acteur formidable et je suis trop content que ce soit lui. Et il est très drôle et voilà, je suis ravi. Bon, moi, trop je bien. Je veux juste dire, j'ai un peu le seum de ne pas avoir joué dans la série de Yes Vous Aime. Voilà, je peux le dire. J'ai vraiment mes rondes d'annonce. Il y a tout le monde et j'ai dit, bah, je suis deg. Non, il n'y a pas moi. Oui, c'est vrai. Moi, j'étais très heureux de jouer dedans. C'était très cool. Je pose la même question à toi, Anna. Va-t-on bientôt revoir des sketchs de Anna et Laura? Alors, oui. Ah. Il y en a 4 qui vont arriver normalement, wow. mais qui ont été tournés il y a un moment et voilà. Ah. Et tu les aimes plus? Bah, parce que t'as c'est dit ça en baissant la tête. Bon, bah, je n'ai pas de temps non plus, super. Ah, non, non, c'est difficile d'avoir du recul sur un truc qui est un peu vieux, que t'as tourné il y a longtemps et tout, ouais, pas ouais. d'être objectif. Mais sinon, là, on est en train d'écrire. Enfin, on en a écrit plein, mais il y en a un qui devrait passer sur la prochaine session YouTube de Golden. Donc, cool. Donc voilà. Et sinon, on va nous voir un peu chacune à droite, à gauche, dans différents sketchs qui sont pas les nôtres. D'accord. D'accord. Voilà. Très bien. Super. Et Marjorie, la question se pose à toi aussi. J'adore tes petits concepts sur ta chaîne. J'aimerais en voir d'autres. Y en a-t-il de prévus? C'est toi qui parles de cette manière-là, Flo? C'est bizarre. Je lis des questions. Ah, d'accord. Pardon, ouais, ouais. J'ai fait. C'est très drôle que ce soit ton ton tout le temps. Ouais. Vous pouvez répéter la question, si vous voulez. C'est en gros, vas-tu faire des nouvelles vidéos bientôt? On en redit la partie compliment, c'est ça qu'elle voulait que tu appelles. Oui, je vais faire des nouvelles vidéos. Oui, il y a toujours pas de ligne éditoriale sur ma chaîne. Mais c'est ça qui est bien, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Je me cherche encore. Il y a des vidéos un peu compliquées qui vont sortir bientôt parce que pas marrantes, plus perso, mais et pourquoi pas, c'est la... Mais moi je trouve ça bien, moi j'ai envie de faire des trucs qui sont pas forcément marrants, ouais, parce que je suis là, pas drôle, je crois que la base petite overdose de, non, mais du fait d'essayer de toujours être dans l'autodérision et tout, en fait je me dis bon non, j'ai envie de parler de trucs. Non mais je trouve ça c'est bien. Et t'en, tu nous dirais quels sont les thèmes à peu près? Alors, ou... si je peux le dire, mais je... non mais si tu veux pas le dire, non mais gardons-les en secret. Moi, je pense qu'il faut déjà qu'on appelle Juliette et compagnie, donc gardons-nous des trucs du code. Non, non, mais en plus, c'est pas marrant. Et non, en fait, ouais, je suis dans ce truc où je me dis, ma chaîne, j'aimerais bien m'en servir pour moi aussi faire des trucs qui me font plaisir. Voilà, et donc, mais en fait, les sujets compliqués, ça prend énormément de temps à écrire. Parce que tu veux pas te dire conneries. T'as pas envie du tout. Non, ouais, puis c'est chiant, en fait. T'as envie de faire, ah non, je veux refaire des blagues, ça c'est trop sérieux et tout. Mais bon, je vais essayer de faire plus de contenu. Marjorie, tant que je te tiens, dans le floodcast du 2 avril 2018, tu ne sembles... quelqu'un, j'adore quand ils font ça parce que j'ai l'impression que c'est des flics. Dans le floodcast du 2 avril 2018, tu ne semblais pas hyper emballé à l'idée de voir les Spice Girls se réunir entre-temps. Pardon ? Apparemment, tu disais... Est-ce qu'on a... Je pense que tu avais dit un truc genre, est-ce qu'on a vraiment envie de les voir aujourd'hui se réunir maintenant ? Non, je pense que ça doit être moi qui ai dit ça, peut-être. C'est sûrement, ça a été très très mal compris, je pense. Je ne semblais pas, peut-être qu'il a tiré des informations. Parce que en tout cas, la question est, oublions cette partie, une réaction de ta part quant à leur grand retour et leur série de concerts. Alors, non, mais alors ma question va sembler second degré, elle est un premier degré, d'un premier degré affligeant. Je rêve d'elle presque toutes les nuits. C'est à ce point-là que je suis excitée à l'idée de les voir. Est-ce que tu les as déjà vus en concert? Mais non, mais meuf, mais c'est le premier concert que j'ai vu de ma vie. Ah ouais, mais je suis tellement contente que quelqu'un m'ait parlé des Spice Girls sur ce podcast parce que j'osais pas moi-même aborder le sujet parce que ça n'avait aucun rapport avec le thème. Dans les recos au début. Non, mais je suis folle de ça. Mais t'as fait place. Mais évidemment. Ah, mais pas moi, c'est quand? Ah, j'en vends si tu veux. Parce que j'en ai acheté beaucoup trop. J'ai cru. Il y a eu un dérapage. Je me souviens plus. Oh, bah, c'est un effort. Déjà, faut que tu saches que c'est à Manchester. Wembley. Hein. Ouais, voilà. Ou à Wembley. Voilà, ou à... C'est en Angleterre. Ah, mais ça peut grave m'intéresser. Ça m'obsède. Ça m'obsède. Ça m'obsède. Parce qu'en fait, après, c'est un retour à l'enfance aussi. Tu vois, il y a plein de choses qui remontent. Je serais pas la femme que je suis aujourd'hui sans les Spice Girls. Mais c'est vrai. Sans les deux mêles. Moi aussi, elles m'ont construite. Mais oui. Je suis en train de m'imaginer aller à un concert de Michael Jackson. Je crois que je ne me souviens de ce que j'avais dit. Pardon, mais j'avais dit l'inverse. J'ai dit que quand elles se sont reformées, on aurait pu se dire, mais qui a envie de voir les Spice Girls aujourd'hui? Je crois que j'ai ça. Et en fait, c'est fou parce que elles ont explosé le record de présence sur le site Ticketmaster. Là, genre, il n'y a jamais eu autant de gens dans la file d'attente pour leur place. Pour donner une comparaison, ça s'est vendu plus vite que le one man show de Koé. C'est pour vous donner une ordre d'idée. Ouais, je vous jure, c'est sold out. Mais donc tu y vas. C'est quand? En juin. Putain. Arrêtez de m'en. Non, je vais encore rêver d'elle cette ma nuit. Ma meuf y va, mais elle y va à Manchester apparemment. Ah ouais, c'est pas à Wembley. Bah écoute, si je te reparlerai. Et c'est aussi ça. On va y voir un petit week-end entre copines. C'est aussi ça, Floodcast, le bon coin visiblement. Donc je suis très content. Adrien Méniel, d'accord. Attends, j'ai perdu ma question, je suis désolé, putain merde. Elle était bien. Adrien, oui. Comptes-tu... aimerais-tu lancer un jour ton propre podcast, seul? Alors, pour dire que par exemple, là, voilà, j'ai reçu un colis chez moi, c'était 5 micros. J'en dis pas plus. Oh. Je n'en dis pas plus, non, mais même... il me regarde, on peut... Si tu veux. Non, mais il y a un petit projet avec... Enfin, c'est... Moi, je fournirais projet, que le matériel, scoop. Mais... C'est... trop stylé. Ce sera pas mon podcast, mais sinon j'ai des projets de podcast effectivement. Alors de là à ce que je les concrétise. N'aie pas peur, c'est ma meuf qui rentre chez elle. Il y a un chien, il faut attention. La passer. Ouais, bon, elle sera pas surprise. Alors, mais, bien. Non, mais ouais, en tout cas, c'est des envies et j'ai vraiment acheté beaucoup de matériel pour rien si je le fais pas, mais ça me ressemble Est-ce de que faire t'as ça. Un nom, de podcast en fait. Non, pas encore. Adrien, nouvelle question. Des nouvelles du vieux qui gueule à poil? Oh, ben. Il me fascine. Alors, est-ce que tu peux peut-être reciter si genre on regarde pas ton Insta? Alors, j'ai. Bon, alors, je dis bonjour à Clara. en fait, dans un immeuble qui est visible depuis mon salon, il y a un vieux, un vieux monsieur qui est généralement torse nu. Mais là, en hiver, je l'ai vu quand même mettre un petit tricot de peau quand même. Petite laine quand même. Mais sa particularité, c'est de hurler à sa fenêtre. Avec fenêtre ouverte. Hein. Fenêtre ouverte, bien sûr. Il hurle à qui veut bien l'entendre. Une phrase que j'ai toujours pas réussi à décrypter. J'ai Est-ce réussi... que c'est la même? C'est la même avec la même musique. La même intonation. Bah pardon, mais c'est l'appel du général de Gaulle. Ouais, c'est un peu ça. J'ai décrypté quelques mots, pas tous, que je peux pas donner parce que ça donne des indications sur là où il habite. Donc je ne veux pas. Je veux pas qu'il soit raidé ou souhaité comme le docteur Guigui. mais intrigant. Et c'est d'ailleurs Patrick Beau qui disait faut que tu fasses un documentaire. Ouais. Et lui, il avait dit faut que tu fasses un documentaire filmé sur ce gars. Et j'avais dit ça pourrait être un très bon podcast audio. C'est vrai. D'essayer de rentrer en contact avec ce mec. Et d'essayer de l'interviewer. La conclusion de tu fais toute l'enquête et à la fin, bah, si c'est pas terriblement triste, tu peux le diffuser. Mais oui, mais en fait, ce que je me dis, c'est que s'il a pas toute sa tête, c'est compliqué déjà d'avoir son consentement en étant sûr qu'il a bien compris. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. De quoi il s'agit après il y a aussi mon tout, jugement et tout, mais du coup, je sais pas. Peut-être le mec aussi, crie parce qu'il attend que ça. Il se dit putain, quand même. Peut-être quelqu'un. J'ai mis face à Adrien Méniel, putain. Non mais parce qu'en vrai, d'après ce que j'ai décrypté de ce qu'il dit, je pense que il y a un côté revendication qui concerne là où il habite en fait. Ouais. Donc peut-être qu'il a un message et qu'il serait content de qu'il moi, soit amplifié. Moi je pense qu'il veut attaquer l'État français en justice perso. Je pense qu'il moi, ça pense et il veut faire le buzz. Il pour veut faire le buzz. Mais c'est parce qu'il adore les mêmes. Ouais, je pense qu'il adore les mêmes. Non, ouais, les amis, c'est j'ai peur de parler aux gens donc. Bah oui. Viens avec ton chien, peut-être il va parler à ton chien et du coup. On va se quitter les amis, on va faire un tour de table. Oh, non, ah, on va se quitter. Oui. Maintenant le floodcast est terminé. Ça c'est sûr, il va falloir rentrer. Mais ça va recommencer. Si les micros marchent. Adapter, ton actualité. Qu'est-ce que donc des vidéos? On va te voir dans des vidéos prochainement. On va me voir dans des vidéos, mais pas des rôles principaux. Donc petit message à faire passer à la production. Et aux gens en général, tu es actrice, il faut le dire. Non mais c'est vrai. Moi, j'entends toujours plein de gars qui disent ah putain, on trouve jamais des comédiennes, c'est toujours un peu dur. Oser les aborder. J'étais un peu ce gars-là à une époque. Faut oser aborder. Voilà. Bah je ne demande que ça. Voilà. Si possible, en évitant de me dire que votre bite pue. Recule de 5 mètres parce que j'ai un rôle pour toi, mais d'abord, je te dis que. J'espère que t'es pas sensible des naseaux. Non mais donc voilà. Rapport à ma bite qui pue. Et sinon j'écris des trucs donc j'espère pouvoir les sortir très prochainement. D'accord. Mais ce serait avec Laura ou en... avec Laura. Ouais. Alors j'écris avec Laura des sketchs que j'espère qu'on va valider. Ouais. Et après c'est un peu comme ce que tu disais tout à l'heure. Moi j'essaie d'écrire des choses mais qui sont moins sur le registre comique, qui sont plus perso. Trop bien. Et qui parlent de thèmes peut-être plus difficiles. Mais et je sais pas exactement quelle forme leur donner, c'est pas forcément. Si tu veux, j'écris les tiennes et t'écris les miennes. Allez, bah voilà, bah on a trouvé un concept. C'est vraiment. Donc voilà, donc les connexions se font. Elle est utile cette émission. Podcast, hein. Marjorie. Oui. Alors, bah toujours la même chose que tout à l'heure, j'écris des vidéos et un long métrage. Mais t'as joué dans des sketchs d'autres gens aussi, j'ai très vu là. Très peu. Bah, aujourd'hui, t'es en tournage. Oui, c'est pour aujourd'hui, ça. J'ai tourné pour Juliette, Pressatnini. Ah, qui a rassemblé un peu Good Monique, oui, school, tout ouais. à fait. Bon, ah, elle cool. nous aime bien. Hein. C'était trop bien. Elle n'est pas Monique, très rancunière hein. finalement pour cette histoire d'abandon de Cannes. Hein, c'est vrai. Non, mais j'aime bien moi aller tourner chez les autres gens à défaut de faire beaucoup de contenu. Ouais. Et t'as pas tourné avec McFly et Carlito, t'as dit? Non, pas moi, du tout. Moi, pas du tout. Ah non, il t'a juste pété dessus, mais pas pendant. D'accord. En ami, pas dans le cadre du travail. D'accord. Il s'est séparé professionnel. Ouais, non, on les a juste croisés. Ils ont tapé dans notre régie, puis ils nous ont pété dessus, ils sont partis. Tout simplement. Ça leur ressemble plutôt bien. Ça me rassure quelque part. Juste à ce propos, j'ai une anecdote parce que j'étais au lycée avec eux. Attends, comment ça? J'étais une ou deux classes en dessous. Ah, j'étais c'est drôle. Colombe au lycée avec eux. Ah, bah alors ça. Et je me souviens d'eux qui avaient fait caca dans la cour. Ah, bah évidemment. C'est McFly. Et ils avaient un groupe à l'époque. Il y avait deux groupes de rock. D'ailleurs, ils avaient sorti une vidéo. Non, mais ils avaient des groupes rivaux. Oui, c'est ça. Il y avait les NOD et les je sais pas quoi. Noise of Destruction. Et alors, cette vidéo où ils se filment en train de faire le concert dans la cour, mais moi j'y étais et genre je me souviens. C'est drôle. Et dans la vidéo, on voit plein de copains à moi et tout. Et je me suis dit, mais c'est trop marrant. Et tu t'es pas retrouvé dans la vidéo? Je me suis pas vue dans la vidéo. Ah, c'est dommage. Mais c'est marrant parce que j'avais ce souvenir de me dire, putain, c'est un truc de ouf, les gars, ils ont fait un concert illégal dans la cour. Et voilà, et ils étaient connus pour avoir fait caca dans la cour aussi. Donc, ils sont toujours connus pour avoir fait caca. Ça m'étonne pas qu'ils soient venus te péter dans mais la gueule. Mais très gentiment, hein, ceci dit. En tout amitié. Tu sais que McFly a chié dans les poubelles de Golden Moustache. Ouais, donc, je sais pas. Et de Webedia, péter sur quelqu'un, c'est de la gaudriole. Hein. Et de Webedia également. Il chie dans tous les nouveaux endroits dans lesquels il travaille. C'est ça. Et d'ailleurs, ils ont refait. Alors peut-être que ce sera la vidéo qui est sortie hier, je sais pas. Mais ils ont retourné. Ils ont fait la vidéo dont ils avaient parlé justement. Ils ont refait un Facebook. Ah d'accord. Facebook, pardon. YouTube, mais il y a une vidéo qui va sortir bien produite sûrement, en tout cas, ouais, où il rejoue dans le lycée aujourd'hui avec les vêtements de l'époque et tout. Et avec Schneideps, le mec qui joue avec lui. Avec le groupe de l'époque et tout. Schneideps, mais ce mec, il faut le suivre sur Twitter, il est vraiment hilarant. Je vois qu'on le live tous les deux. Ils ont refait ça à Albert Camus à Bois-Colombes. Ouais, exactement. Ils ont refait un concert, comme ils avaient dit, pour le Téléthon ou je sais plus quoi. Et ils ont refait un concert là-bas. C'est trop bien. Lucien? Ouais. Eh bien, comme Adrien l'a dit tout à l'heure, j'ai joué un petit rôle dans la série de Yes Vous Aime qui sort en février. Et j'espère vraiment qu'elle va fonctionner cette série parce qu'ils y ont mis tout leur cœur. Ouais, et, ça a l'air. Et vraiment, c'est leur âme. C'est des bosseurs, Yes Vous Aime. Hein. Ils avaient fait des prime time aussi qui étaient beaucoup vraiment bossés. Cool. Ouais. Non, mais déjà, ils bossent de ouf. Et puis, ils ont. Dites qu'ils sont drôles quand même parce que juste dire qu'ils bossent, c'est horrible. Ils sont trop drôles. Et d'ailleurs, moi je les connais pas assez bien, mais si un jour ils veulent venir dans. Enfin, si c'est le genre d'exercice qui les amuse, le Floodcast, ils viennent avec grand plaisir. Je suis sûr qu'ils seraient très drôles. Non, mais ce que j'allais te dire, c'est qu'ils y ont mis vraiment toute leur âme. C'est pas juste c'est des super bosseurs, ils sont non, et si vous connaissez un petit peu Yes Vous Aime, vous saurez que c'est drôle. Si vous connaissez pas, bah allez regarder les vidéos parce qu'ils sont vraiment super forts et c'est très drôle, c'est hyper bien joué, et je suis trop content d'avoir joué là-dedans, même si c'est un petit rôle. Ça mais s'appelle Abonne-toi, c'est ça, ça s'appelle Abonne-toi. Et voilà, bah faites-le, ils sont drôles. Et en plus ils ont des thèmes et des angles qui sont toujours intelligents. Ouais, et pas vu souvent, quoi. Genre ils ont fait un sketch sur les véganes. Et c'est peut-être le seul qui est justement qui se fout de la gueule de la façon dont les véganes sont traités dans les médias et tout. Ouais, des vannes à deux balles sur les véganes, tu vois. Ouais, c'est blague géniale où ils disent putain, mais ils sont homo les mecs. Non, je déconne, je plaisante. Ah, c'est vrai, c'est fin. C'est bien écrit. Voilà. Et donc, des nouvelles vidéos, tu disais. Et les nouvelles vidéos pour ma chaîne à moi, abonnez-vous, je suis bientôt à 100 000. Mais oui. Et j'aimerais bien faire d'ailleurs. Tu fais quoi à 100 000? Toutes et toutes invitées, si vous le souhaitez. Je vais faire, je pense, un jeu des mots marrants en live. Ah oui. Un YouTube live. Ah oui. Adrien est d'office réinvité puisqu'il a gagné. Non, j'ai gagné. Non, j'ai gagné, mais j'aurais dû être éliminé parce que j'ai dit un mot deux fois. Voilà, alors que Pierre Lapin a dit, mais tu l'as déjà dit, et on l'a laissé passer. Donc il faut remettre en jeu ton titre. J'ai pas triché. Non, j'ai vraiment dit, si je l'ai dit deux fois, je suis éliminé. Et bon, voilà. Il y a eu une erreur d'arbitrage. Voilà, et quant à nous, et quand même, on vous retrouve très bientôt. Je sais pas quand était le spécial emmerdeur, parce que je pense que tu seras pas là, Adrien, pour le spécial emmerdeur. Non, je pense pas. Je pense pas que ce soit la semaine prochaine. Je suis même pas crédité pour le travail que j'ai effectué. J'ai un sketch, moi, qui sort un jour. Ah ouais? Ouais, les zombies. Ouais. Ah, trop bien. Ils ont sorti pas de réseau ou du réseau. Oui, que j'ai écrit. Il y a du réseau. Et il est vraiment trop bien. Merci. Je l'ai écrit. Vincent est vraiment très très bon dedans. Vincent Tirel est génial. Il a apporté énormément au perso qui. Il est très fort. Beaucoup de propositions. Vraiment. Je veux dire que ton apparition, je dis pas quand, je dis pas machin. Oui. m'a vraiment fait rire à voix haute. Merci. Voilà, bah écoutez, merci à tous. On se quitte avec une chanson un peu particulière. C'est un auditeur qui me l'a envoyé. Quelqu'un a fait un montage. Ça me fait rire qu'il y ait Lucien, du coup, et Adrien, puisque ça a rapport avec Adrien. C'est Adrien qui va chanter. Et ça a rapport avec un artiste que Lucien aime beaucoup. Voilà, je vous fais des bisous. Au revoir, Francis. Au revoir, tout le monde. Salut. Salut. Bisous.